Ciao. Merci pour cette grosse soirée encore avec vous. Hein. N'oubliez pas, on est là tous les soirs, 20h-23h du lundi au jeudi avec toute l'équipe. On prend vraiment beaucoup de plaisir à être là avec vous chaque soir sur Fun Radio. N'hésitez pas à commenter tout ce qui s'est passé pendant l'émission sur la page Facebook Love in Fun, sur Twitter aussi, hashtag Love in Fun. Après Love in Fun, c'est Mickaël Nolimit. Bonsoir Mickaël. Comment ça va? Ça ouais, va bien, super bon. Bien. Vous faites encore de la pool dance ce oui, soir? Oui, alors c'est pas qu'on fait encore, c'est que hier on a installé la barre et que bah du coup l'auditrice qui devait passer en fait finalement était malade. Ah, c'est bon, dégonflé quoi. Une mytho. Voilà, une c'est, mytho. C'est un peu ça. Et il y a mes polos qui nettoient la barre. Oui. C'est très excitant. Hein. Il branle la barre. Mais la barre est propre. Un polo qui branle la barre, c'est fort. Et ouais, et tu remarqueras que la barre est bien dure. Ah oui, elle est bien dure, bien tendue. Ah oui, là, elle est bien tendue. Mais bon, cette fois-ci, ça y est, nous avons vraiment une vraie gogo danseuse qui est là. D'ailleurs, cool. J'espère elle que Camille que Karima. Bah, elle est derrière c'est la comme vite, mon là. Prénom. Mais j'espère que Karima va pouvoir passer, ne fût-ce que pour voir. Elle voulait des courrières. Là, on oui. a une vraie professionnelle. Je vais passer. Oh, bah, reste 10 minutes, Karima. D'accord, là. Ok. 10 minutes, ah, ok. Qu'on te montre un petit peu comment ça marche. Plus je peux pas, mais 10 minutes, oh, ok. Madame la ministre, maintenant. Excuse-moi, excusez-moi. Alors, je travaille demain matin. Oh, pardon, genre, excuse-moi. Bon, je suis l'assistante voilà. du doc. Ah, oh, d'accord. T'es en blouse blanche et tout alors? Ah ouais, qu'est-ce que ah, bah, ça peut exciter c'est, polo, c'est ça. Quoi, c'est quoi ton fantasme, Mickaël? Le fantasme. La femme dont tu rêves. Ah, quoi, une actrice là, comme vous avez parlé hein. Ouais. Bah, j'aimais bien avant Jennifer Love Hewitt. Ouais. Avant, elle était pas mal. Avant Botox? Avant, elle était pas mal. Disons qu'elle a un petit peu d'âge, mais. Elle a pris cher. Ouais, elle a pris. Ah, t'aimes les vieilles. Elle a pris un peu cher. Non, bah non, justement, je l'aimais bien quand elle était jeune, c'est ça la différence. Mais bon, bah écoute, après. Non, mais c'est pas grave, hein, t'as le droit. Hein. Oui, bah, je sais bien, ouais. Non, mais sinon, il y avait Katy Perry aussi. Ah ouais. Il y avait Katy Perry qui était pas mal non plus. Ouais. Voilà, mais encore une fois, plutôt avant, là, elle a un peu chipoté aussi, mais enfin bon, je raconte ma life. Et le doc, c'est qui? Oh non, Michel Larocque. Non, ah, Michel Larocque. Non, non, j'ai dit c'était pas un fantasme. Pierre Palmade pour un truc à trois. voilà. Parfait. Très elle bien. Est hyper classe, Michel Larocque. Ah, bah tellement. Oui, elle est très très classe. Très très classe. Un petit côté bon. Bourgeoise bien bandante. Ah, bah peut-être. oui, mais écoute, comme on veut. Hein. Allez, on va y aller, moi, nous. Oui, bah il vaut mieux, oui. Bon, allez. Allez, bonne soirée à vous. Bisous. Salut. Et nous, on est parti jusqu'à 2h du mat. Ciao. Tous les soirs, 23h, 2h. Mickaël, Mickaël, nos limites. Sur Fun Radio. Exactement. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je n'arrête pas de vous le dire, il y a enfin quelque chose à la radio le soir et c'est pas Libération qui va dire le contraire puisque dans la rubrique télé, le journal dit à ses lecteurs d'aller se faire foutre. C'est vrai ça. Non, c'est véridique. Hein. Si vous voulez vérifier, c'est sur la page 29 dans Libé. Donc allez voir, hein. C'est celui d'aujourd'hui bien entendu. Donc voilà, donc si vous voulez regarder la télé, bah, il est bien marqué. Allez vous faire foutre, c'est pas plus compliqué que ça. Vous allez voir, on l'a ici, comme ça je fais une photo, je le mets sur le Facebook. Ouais, il est dans le bureau, je vais chercher. Attends, bah, on va le prendre dans quelques minutes, tiens, très bien. Donc je compte sur vous. Évidemment pour faire passer le mot à tout le monde, le crier dans les rues, dans votre ville, dans votre village, bref, dans votre bahut également. Mickaël Nolimit, c'est du lundi au jeudi de 23h à 2h du mat et le dimanche bien sûr 20h minuit. Il faut que tout le monde le sache. Et bah d'ailleurs ça fait combien de temps que t'écoutes toi Lucie qui est avec nous là Charleroi? Salut Lucie. Oh là excuse-moi, c'est moi qui ai fait de la merde. Ça va Lucie? Oui ça va. Bon très bien, t'écoutes l'émission depuis combien de temps toi Lucie? Bah, depuis vos débuts. Ah, depuis les débuts. Ah, bah, très bien, parfait. Ouais. Alors, on a souvent des auditeurs de Charleroi. J'ai l'impression que les autres villes de Belgique, il n'y a plus d'émetteurs, en fait. Non, elles n'existent pas. En ah, fait. D'accord, ok. Non, mais alors, me voilà rassuré. Tout est concentré à Charleroi. Au moins, maintenant, je sais pourquoi. Bon, Lucie, on va parler de quoi dans un instant avec toi, dis-moi. De mon style, c'est-à-dire le copain de ma soeur qui me fait des avances. Le copain de ta soeur, c'est un truc qui arrive souvent, ça. C'est un truc de dingue, quand même. Le copain de ta soeur, il a quel âge, lui? C'est scandaleux. Il a 18 ans. 18, ta soeur, elle a quel âge? Elle a 21. 21. Ah bah très bien Yves. Attends mais t'as 16 ans toi et il préfère une fille de 16 ans plutôt qu'une meuf de 21? Bah j'ai l'impression. Bah oui visiblement ouais. Peut-être bon, qu'il veut se faire les deux juste oui, comme ça pour un bah, délire. Peut-être, hein. Peut-être. Venez nous dire si ça vous est déjà arrivé, tiens justement. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Si comme Lucie, bah vous avez déjà eu ce genre de plan ou un autre, hein, si vous voulez parler avec nous, vous êtes les bienvenus, vous tomberez sur la douce et sensuelle. Sandro, toujours à la recherche du prince charmant d'ailleurs. Ah oui, toujours. Hein. Eh oui, ouais. Toujours. Ça ne change pas. On ne change pas une équipe qui perd. Hein. Ah, je ne désespère pas. Mais un jour viendra, ça va venir. Mais lui, par contre, si. Hein. Oui, bah lui, il désespère un peu, effectivement. Oui. Bon, sinon, il y a Toff qui est là également en pleine forme. Hein. Toujours. Toujours avec ses amis. Tu vas un petit peu te faire enculer. Voilà. Va te faire enculer, gros bâtard. Voilà, bref, tout ça. C'était une spéciale. Petit enculé. Voilà, tout le monde était là, tout le monde était content, c'était cool. Et on fera d'autres appels évidemment dans quelques minutes. Avec plaisir. Si vous avez d'ailleurs des numéros de téléphone à proposer, numéros de personnes qui sont éventuellement à la recherche de sensations fortes, n'hésitez pas. Non, on va appeler des gens tout à l'heure si vous avez des numéros de gens encore debout à cette heure-ci et puis dans l'absolu un peu nerveux, n'hésitez pas à les donner à Toff hein, sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Polo qui est toujours très déçu par Déborah, ouais. Hein, l'auditrice d'hier, c'est qui nous a lâchement planté hier soir. Hein, mais ouais. Peut-être que ce soir j'aurai une surprise, Polo. Aha. Ah oui, une vraie surprise. Donc prépare-toi. Tu vas peut-être même pouvoir ressortir le pipeau. Il est prêt. Bah, il est toujours là. Bien qu'il est prêt. Il est toujours. Ah bah, tant mieux. Huilé. Parfait. Bah, j'imagine. On aura aussi du son d'Enflor ce soir avec le son d'Asie. Je vous cadrerai aussi le son de Pharrell Williams. Il y aura aussi le nouveau Avicii. Et puis bien sûr le son que vous avez découvert avant-hier sur Fun Radio, Shakira, Rihanna. Et peut-être aussi le son de Dimitri Vegas avec Stampede. Voilà, si vous voulez choisir vos sons, n'hésitez pas, hashtag et Mickaël, bien entendu, sur le Facebook, sur le Twitter également, vous balancez tous vos messages en direct, on est sur Fun Radio jusqu'à 2h du matin. On aura le Je t'emmerde également tout à l'heure, il y a Ruben qui a envoyé un message qui dit ça fait longtemps que je n'ai pas écouté, c'est vraiment trop cool de réécouter, ça fait plaisir. Ah ben on est plutôt content que tu sois de retour également, il y a Warren qui dit moi j'écoute l'émission depuis 2 mois maintenant, c'est bien Warren, fais passer le message encore. Antoine qui dit le truc que j'attends le plus le soir, c'est Mickaël No Limit. Eh ben merci Antoine et Basile aussi, message de bienvenue s'il te plaît, avec plaisir. Peut-être faire enculer. Eh ben voilà, très bien, en toute simplicité bien entendu. Bon allez, tous vos messages, ils arrivent bien sûr. Et puis je rappelle également que comme tous les soirs, eh bien on attend tous vos messages sur le Twitter avec le hashtag Mickaël que vous pouvez mettre dans tous vos messages pour réagir à l'émission. On fera bien évidemment comme chaque soir le top tweetos à la fin de l'émission. Pour y participer, il suffit d'envoyer un maximum de messages avec le hashtag Mickaël pendant l'émission et vous serez peut-être l'auditeur le plus influent sur Twitter. Et vous repartirez donc grâce à ça avec votre sextoy offert par passagedudésir.fr. Bien entendu, toujours. Hein. Tu vas un petit peu te faire enculer. Ah oui, c'était pour toi, ça, autant pour moi. Passagedudésir.fr. Non, pas spécialement, pas spécialement. Parfait. Voilà, tout simplement. Bon, et puis nous avons une guest ce soir. Ah bah oui, attention, Madame la Ministre, Karima. Ah mais non. Bon, je l'appelle Madame la Ministre parce qu'en fait, on devait aller bouffer avec Polo. Et donc, je lui dis, bon, on va bouffer quand? Oh bah, vous êtes libre dans la semaine du 27. C'est juste dans une semaine. Hein. Juin, hein, bien sûr, hein, parce qu'avant, elle est full booked. Moi, je suis venue pour le cours de pole dance. Bah justement, bah, on va le faire, le cours de pole dance dans et quelques après, minutes. Faire oui, oh là là. Quand je vous disais que c'était Madame la Ministre. Ah oui, bon, oh, on fera ça dans quelques minutes. Si vous avez déjà fait d'ailleurs, tiens, est-ce que comme Polo, vous êtes un spécialiste des clubs de striptease? Oh, je suis pas un spécialiste, j'ai non, fréquenté. Bon, tu fréquentes, voilà, c'est ça encore régulièrement. Très des clubs de striptease et il n'y a pas de honte. Ah non, non, mais j'en ai pas honte. Ah bah non, je sais, bah, bien sûr. Non, mais je dis pour les autres, ceux qui éventuellement osent peut-être pas forcément y aller, le dire en tout cas. Oui, Toff également. Hein. Bien sûr, mais c'est Polo qui m'a initié. Ah bah bien sûr, un grand initiateur, un grand professeur d'ailleurs. J'en suis fier. Bon, balancez vos messages. Il y a Hugo qui dit trop de filles me font du mal, aidez-moi. Ludivine aussi, vite, venez me changer les idées. Bisous l'équipe, je compte sur vous. Et Gaëtan qui dit j'ai reçu un colis par erreur. C'était destiné à la voisine, il n'y a que des objets sexuels, je garde ou je lui amène. Bah si tu sais qu'elle est célibataire, ramène-lui, tu vois. Elle va peut-être te dire, ah, comment est-ce que je peux vous remercier? Et puis bon bah. Une chose en amène une autre. Un café, voilà, c'est ça. Puis après, bon, bah, tu proposes. Tu dis, tiens, j'ai jamais essayé cet appareil. Il m'a l'air plutôt sympathique. Et puis, bon, bah, après, voilà, hein, tu regardes un bon porno juste avant, histoire d'avoir des bonnes idées de réplique, de grandes conversations que tu pourrais avoir. Et puis après, hop là, ça ira tout seul, comme par magie. On va également vous offrir l'iPad mini ce soir sur Fun Radio. Et pour jouer et gagner l'iPad mini, il faut répondre à la colle de Ruben, qu'on accueille maintenant. Salut Ruben. Oula, on t'entend mal. Comment ça va, Ruben? Ça va, ça va. Ah là, on t'entend mieux. Très bien, oui, ça va bien, Ruben. Alors, toi, t'appelles de Meudon, c'est ça? Ouais. 17 ans. Et est-ce que tu aimerais repartir avec cet iPad mini? Bah, bien sûr. Ah bah, bien sûr. Très bien. Bon, bah, Ruben, pour gagner l'iPad mini, la chose est simple. Tu vas donc poser une colle. Si quelqu'un trouve la bonne réponse, il gagne et tu perds. Si personne ne trouve la bonne réponse ou que la personne qu'on appelle en direct à l'antenne ne décroche pas, et bien à ce moment-là, c'est toi qui gagneras l'iPad mini, d'accord? Ok. Bon, allez, c'est parti, on y va, vas-y. Avec les lettres de mon nom, on peut écrire celui de ma maison. C'est tout? Oui. D'accord. Bon, avec les lettres de mon nom, on peut écrire celui de ma maison, que suis-je, c'est ça? Oui. Bon, si vous avez la bonne réponse, vous envoyez M.I.K.L. Suivi de la réponse, vous envoyez ça au 64 900 par SMS ou au 63 22 pour la Belgique. Et puis, vous pouvez bien entendu aussi réagir et donner votre réponse sur le Facebook. Je vous mets la colle dans une petite minute, là, facebook.com/M.I.K.L.officiel. Répète-la, s'il te plaît. Alors, avec les lettres de mon nom, on peut écrire celui de ma maison. Voilà, avec les lettres de mon nom, on peut écrire celui de ma maison. Que suis-je? Vous envoyez M.I.K.L. et la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Et puis n'oubliez pas aussi, ça marche sur le Facebook de l'émission, facebook.com/M.I.K.L.officiel. Je vous mets le post dans quelques instants, on donne la réponse avant minuit, d'accord Ruben? On te reprend dans quelques minutes. Très okay, bien, merci. Bon ben reste avec nous. Et puis vous pouvez aussi aller voir sur le Facebook, je vous ai mis un petit post tout à l'heure à base de mots de passe. Un peu emmerdant les mots de passe. Donc si vous voulez aller voir, c'était assez drôle. Même le sous-chef a rigolé. C'est pour vous dire, effectivement. Donc facebook.com/MIKL officiel. Et puis Karima qui est contente d'être venue dans l'émission puisque il y a du foot. Oui, elle regarde du coup. Une barre de pole dance, je suis au top là. Elle est heureuse. Et en plus, elle a sa bière là, elle est au top. Bière, le foot. Mais non, est-ce qu'on peut commander une pizza? S'il vous plaît, 4 voilà, fromages. Pizza 4 fromages. Merci. Voilà, pizza 4 fromages. La barre de pole dance et puis le football. Et puis t'es au top quoi. C'est parfait. Voilà, et puis Marseille qui a perdu tout à l'heure. Bah oui, surtout. Et Marseille qui perd, moi ça me met en joie. T'as vu comment t'es? Ah bah oui. T'as vu comment elle est? Paris est magique. Mais il jouait même pas contre Paris. Enfin, bon, non, mais j'aime détail. D'accord, ok, très bien. Bon, et puis on va également. Amis ce soir. On va également faire. Alors, Toff, c'est toi qui a géré justement notre invité qui va nous faire une petite prestation et surtout t'expliquer, t'apprendre. Mais oui, c'est le grand métier. Un peu, c'est ça, comme ça, je pourrais faire des shows à Polo tous les soirs. Oh. C'est son fantasme, c'est un cochon. Ah, oh, quelle horreur. Enfoiré. Ah, oh, quelle horreur. Et rappelons que c'est un sport. Ah, c'est un sport. C'est un sport. Ah non, mais attention, pour le coup, effectivement, les gogo lanceuses sont juste baraquées. On dirait des joueuses de foot au niveau des. Non, mais des cuits. Non, mais c'est pas méchant, mais c'est juste musclé, quoi. Ah ouais? C'est violent, quand même. Non. Après, j'ai pas vu mademoiselle qui est avec nous. J'ai pas vu mademoiselle qui est avec nous, mais j'en ai déjà vu, effectivement, elles sont baraquées, quoi. Non, mais c'est vrai. Il y a du muscle. Ah, voilà, oui. C'est ce que je dis. Forcément, quand tu montes sur. C'est des sports. C'est ça. Alors que Polo a essayé hier soir, il s'est accroché. J'ai glissé comme une merde. T'es une merde. Ah, c'est un. Bon, alors, Toff a essayé, il s'est accroché et. Comme une merde. Il tombe encore. Hein. Oui, Sandro s'est accroché, elle a essayé et elle est tombée comme une merde. Voilà. Non, je me suis même pas accroché, j'ai pas réussi à. Oui, voilà, à tenir. Et puis, bah, Karima qui avait essayé aussi, mais elle, ça a été encore. Hein. Elle a réussi à tourner sur elle-même et tout. Mais, j'ai un côté striptease. Aujourd'hui, je suis sûr qu'elle va arriver à se retourner, tourner tout le bordel, à faire des 360. J'aimerais trop. Mais oui, mais t'inquiète pas, on va te donner des cours, t'inquiète pas. Va. On est aussi au cœur d'une heure sans pub sur Fun Radio. Et puis, Lucie, justement, on va parler avec toi donc de ton. Beau-frère, donc le copain de ta sœur, c'est ça? Oui. Qui a des vues sur toi. Mais est-ce que t'en es sûr ou est-ce que tu supputes que? Ben, j'en suis sûre. Enfin, j'en suis sûre. Mais qu'est-ce qu'il a fait comme avance? Qu'est-ce qui fait que t'en es certaine? Ben, en fait, j'ai été dormir chez ma sœur et tout ça. Ouais. Mais déjà, avant, on avait fait une soirée. Ouais. Et pendant la soirée, il m'avait fait des câlins, hein, il m'avait fait des bisous dans le cou. Mais bon, on avait beaucoup bu, donc je me suis dit, c'est à cause de l'alcool, et donc j'ai zappé. D'accord. Et puis, donc quand j'étais dormir chez eux le week-end il y a deux semaines. Ouais. Ah, parce qu'ils habitent ensemble. Le bras et tout. Ouais, ils habitent ensemble. Oh là là. Non, le mec, c'est vrai, juste un connard, en fait. Non, mais c'est vrai. Sans déconner, le mec, il habite avec ta sœur. Et puis, il se drague la petite sœur qui a t'as 16 piges, en plus. Mm-hmm. Mais quoi, elle est pas bien, ta sœur, physiquement? Bah si, quand même. Bah alors, je comprends pas. Non, mais il veut être sûr d'avoir choisi la meilleure des deux. Ouais, la meilleure des deux, bah bien sûr, évidemment, ouais. Et donc du coup, donc, il a touché le bras, bon, à la limite, pourquoi pas, hein, c'est pas forcément pour ça qu'il a envie de te sauter dessus non plus. Puis il a commencé à aller plus haut, tout ça. Ouais. Je lui ai dit, arrête, c'est pas bien ce qu'on fait, t'es quand même avec ma sœur, donc, enfin voilà, quoi, ça se fait pas et tout. Puis il a continué, il a été plus bas, il a été plus haut, enfin voilà. Mais toi, tu t'es pas barré à un moment, tu t'es pas dit. Tu sais, il a été plus bas, il était plus haut. Bah, moi, je suis resté là, tranquillement. Ouais, ça montait, ça descendait. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Je pouvais pas bouger. Donc, je me suis levé et tout, je lui ai dit, c'est bon, arrête, ça sert à rien. Puis, j'étais me coucher, tout ça. Et il a continué. Et il m'a dit, ça fait longtemps que je te kiffe, et tous les trucs ainsi. Je me suis dit, ouais, c'est des paroles, tu vois. Ouais, et ta soeur, elle était là ou pas? Ouais, ma soeur, elle était là, elle dormait. Oh là là. Bon, elle était à côté, c'est ça qui est bon. Ouais, ouais, super. Et puis donc. Et donc il m'a dit qu'il me kiffait tout ça. Je lui ai dit arrête un peu tes conneries, t'es bien avec ma soeur, voilà, ça fait 3 ans. Enfin visiblement il est pas bien, hein, sinon il serait pas venu vers toi, mais bon soit. Ouais voilà, c'est vrai aussi. Et puis donc il s'est passé que il m'a dit, ouais, ça fait trop longtemps que je te kiffe pas, je lui ai dit d'arrêter. Puis j'ai été me recoucher et il a continué. Bon, attends, tu vas nous expliquer ça après, Lucie, bouge pas de là. On va faire le son d'Asie avec Born Again. Reste avec nous, surtout, ne bouge pas. On va voir les cours avec Tof, bien entendu, hein, de Pole Dance. Oh oui, je vais être au top. Impatient, tellement sexy. Bah, Polo est déjà en transe, là. Karima, n'en parlons pas. Oh là là, c'est un professionnel. La folie totale. Et puis, on va faire les premiers appels avec Tof également ce soir. Ce sera dans quelques minutes. Je peux simplement vous donner un indice sur les appels que j'ai une bonne idée là pour les appels. C'est à base de McDo. Ah cool, on va manger ? Non, pas du tout, ah bon. Tu vas voir. Bon, on se fait Asie maintenant avec Born Again sur Fun Radio. Il est 23h14, c'est Mickaël No Limit. On est au cœur d'une heure sans pub. Bienvenue à ceux qui viennent de débarquer sur le Facebook de l'émission, sur le Twitter et à l'antenne bien entendu. On est là jusqu'à 2h du mat comme chaque soir sur Fun Radio. Chivalry is born again. Chivalry is born again. Et on est en direct sur Fun Radio avec le son d'Asie à l'instant. Je vous cale aussi dans quelques minutes le son de Pharrell Williams. Et ce sera Happy sur Fun Radio. Allez, balancez tous vos messages comme d'habitude avec le hashtag et Mickaël sur Twitter, sur Facebook également. Il y a Trendlover aussi qui dit Mickaël, j'ai dit à un pote à moi que tu mettais le feu chaque soir et depuis hier il ne lâche pas sa radio, mort de rire. Il passe pour jouer ce soir. Ah bah cool, très bien. Alexou aussi qui dit j'appelle ce mec un salaud. Ah oui, ça c'était par rapport à l'histoire de Lucie qu'on va récupérer dans quelques minutes. Et Mystique qui dit je suis d'accord avec toi, c'est trop chaud. J'aurais pété un cap direct sur place. Bah venez nous dire si vous vous êtes déjà fait draguer par le copain de votre sœur ou la copine de votre frère. N'hésitez pas, appelez-moi maintenant 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Vous pouvez nous appeler évidemment sans problème. Bon, on va récupérer donc Lucie comme promis dans quelques minutes. On aura le je t'emmerde dans quelques instants aussi au niveau des jeux. Et puis, je le disais justement avant de faire la petite séance de pole dance, enfin surtout le cours de pole dance avec notre ami Tof. Eh bien, j'ai une question pour vous les mecs. Bon, Tof et Polo en l'occurrence. Même Karima. Bon, à la limite, Karima, on va plutôt... Enfin, j'expliquerai. Elle va pouvoir répondre, mais j'expliquerai, ce sera un peu différent. Donc, Polo et Tof, si vous aviez le choix, est-ce que vous préfériez manger un McDo ou qu'on vous fasse une pipe? Une pipe, direct. Une pipe. Bah oui. Karima, bah oui, pas un McDo. Si tu veux. Eh bien, tu pourrais aller vivre aux États-Unis puisque un mec sur deux a répondu à McDo. Ouais, je suis un mec, un non, américain. C'est un truc de ouf quand même. Donc, venez nous dire ce que vous auriez pris, vous, justement. Et puis, bah, Tof va demander l'avis de ses amis, hein. Bah oui, évidemment. Voilà, donc d'ici 10 minutes, on fait les premiers appels. Si vous avez des numéros de téléphone à donner, des numéros de gens là qui sont encore debout à cette heure-ci, qui sont plutôt un petit peu en mode énervé, un petit peu mode nerveux, voilà, ou qui s'énervent relativement facilement, eh bien, n'hésitez pas à partager le numéro sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Je dis bien toph@funradio.fr parce qu'il y en a qui m'ont envoyé une centaine de mails sur mon mail, donc ce n'est pas le mien, ça ne sert à rien. Donc toph@funradio.fr. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Bon, donc on fera ça dans quelques minutes. On va donc récupérer comme promis Lucie avec le copain de sa sœur qui lui a fait des avances, voire même un petit peu plus que ça. Et on va accueillir Caroline, donc qui va s'approcher du micro, qui peut dire bonjour Caroline. Attends, hop là, on va te l'approcher, tu vas voir. Hop là, c'est comme une barre de pole dance mais en plus petit. Voilà, en tout petit pour le coup. Comment ça va Caroline ? Ça va, bien, merci. Bon, bah, bienvenue à toi Caroline. Bah, merci de passer déjà. C'est normal. Hier on s'est fait planter, donc du coup Tof était déçu, Polo aussi, Tof devait lui faire un petit show hier soir. Polo avait prévu les billets et puis bah rien quoi. Ouais. On va remédier à ça. Et puis il s'est rien passé. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour être gogo danseuse? Je ne suis pas gogo danseuse, attention. Ah bon, c'est quoi la différence alors? Je suis professeur de pole dance, donc d'accord. C'est pas du tout pareil. Enfin, c'est le même principe, sauf que tu fais pas ça dans les boîtes. Ah non. Je suis un spécialiste. Moi, je suis pas un spécialiste, justement. Ça n'a rien à voir. La gogo danseuse, c'est un truc à part. La stripteaseuse, c'est un truc à part. Et c'est des profs de pole dance, ça n'a rien à voir. Bon, alors explique quoi la différence? Bah, la stripteaseuse, elle fait ça pour gagner du fric. Ok. Donc elle va dans les bars, dans les boîtes spécifiques. Okay. Voilà. La gogo danseuse, elle ne fait que danser. Elle fait pas de pole dance ni des trucs comme ça. D'accord. Elle danse, tu sais, c'est les pétasses, ses fesses, quoi. Voilà. Ouais. Les pétasses dans les boîtes. Ouais. Et Caroline est une professionnelle. Et puis surtout, la stripteaseuse se déshabille alors que nous ne nous déshabillons pas. Voilà. Sachant qu'il y a beaucoup de compétitions, le fait de se déshabiller est strictement prohibé. Ah d'accord, donc, ok. Parce que Tof le fera lui. Hein, parce que ça pourrait influencer les juges et donc du coup il faut tout garder. C'est ça. Bon alors on appelle ça comment alors Pole dance, simplement. Pole dance. Alors qu'est-ce qu'il faut pour être un bon pole danseuse. Et il faut beaucoup d'entraînement, en tout cas. Bon, est-ce que Toff peut y arriver en 5 minutes, là? Oui, bien sûr, parce Parfait. Que... c'est une discipline qui est accessible à tout le monde. Ouais. Puisqu'on commence, en fait, dès le début, en apprenant les bases, en apprenant le placement du poids du corps, et la force se construit petit à petit. D'accord. À mesure qu'on prend des cours et qu'on augmente de niveau. Donc, c'est accessible à tout le monde. Il y a de plus en plus d'hommes qui en font. Et voilà, donc il y a vraiment des mecs qui en font alors. Ah, ça oui. Alors. Il y a une compétition française où il y a une catégorie homme qui est représentée, donc on a un champion de France. Ah oui, carrément. Qui est-il Où est-il? Où est la photo? Cette année, c'est Guillaume Van Dressen. La photo, je n'en ai pas sur moi, mais elle va directement aller voir sur son panda. T'inquiète, il y a Google. Voilà, hop là, ça y est, c'est... Oui, parce qu'elle a un iPhone 5S et il faut savoir qu'elle a quand même mis la pire coque du monde. C'est une espèce de truc en plastique en forme de panda. C'est un ennemi. Oui. Ah, d'accord. Bon, ça va alors, me voilà rassuré. Bon, alors du coup, donc Toff, est-ce que tu as des questions? C'est toi qui vas y passer dans quelques minutes. Non, moi qu'elle me montre et je ferai pareil. Voilà. Au geste près. On va filmer l'expérience de Toff et vous verrez que ça transpire le sexe. Enfin, ça transpirera le sexe, je pense. Hein. La saleté, l'ordure, surtout. Le sport, surtout le sport. Oui, voilà, ça va transpirer le sport. Ouais, mais pas. Oui, mais chez toi, ça va transpirer le sport. Mais chez lui, à mon avis, ça va. Chez Toff, ça va plutôt transpirer le dégoût. Oui, ça va transpirer ça. Le dégoût. Très bien. Et la sueur. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour commencer? Est-ce que tout est prêt ou pas? Tout est prêt. Peut-être, il faudrait quitter le pull parce que oui, tu seras plus à l'aise. Toff, il va quitter le pull. Moi, jean aussi, ça va être compliqué, mais on va essayer de faire quelque chose. Ah, mais il peut enlever le jean, c'est pas un problème. Non, tu vas dégueulasser la barre. C'est moi qui l'enlève et tout. Oh, quel corps d'athlète. Magnifique. Je suis trop beau. Bah oui, bien sûr. Je me kiffe. Ah bah dis donc, tu serais une meuf, tu te... Bah écoute, si je suis désespéré, ouais, je pense. D'accord, tu vois, finalement, tout est possible. Bon, très bien. Alors, attention, donc, cours de pole dance maintenant. Je vais vous expliquer. On va filmer, bien entendu, ce qui se passe avec... Non, parce que je crois que le stagiaire, il l'entend pas bien. On va filmer le stagiaire, voilà, parce qu'il est au téléphone avec sa mère, là, dans les dom-tom. Et donc, du coup, là, maintenant, eh bien, on va filmer l'expérience de notre ami Toff. Et ben, on va voir comment ça va se passer, surtout. Hein. Est-ce qu'il va tomber ou pas? N'hésitez pas à balancer vos commentaires sur le hashtag et Mickaël sur le Twitter de l'émission. Il y a Karima qui l'a également et qui va bien entendu nous donner son avis de professionnel. Bien sûr. De plus. J'aime regarder les hommes faire du sport. Et quel homme. Et quel sport. Oui. Enfin, t'as tout quoi. Ah, il a tu tout. Préfères un footballeur ou un pole danseur? Pas comment on dit. Bah, franchement, je viens de regarder la tête du champion là. Ouais, je prends aussi. Elle prend tout, hein, elle est pas regardante. Elle est pas dans le détail, d'accord, ok, non. Très bien. Bon, alors du coup, bon, le micro est un petit peu éloigné, mais je compte sur vous pour parler un petit peu voilà, fort quand même. Hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut se faire? Attends, on va mettre le deuxième micro là, tac. Attends, on est pas là. Hop là, c'est bon, Toff. Hop là, voilà. Il y a deux types de figures. Attends, ouais. Ce sont des figures qui tournent autour de la barre. Et ouais. Les tricks, ce sont des figures statiques acrobatiques sur la barre. D'accord. Donc là, je vais lui apprendre un spin parce qu'au début, quand on n'a pas énormément de force et qu'on ne sait pas gérer le poids du corps, ouais. On apprend d'abord des spins pour gagner en force. D'accord. Je vous entends, je suis gros, c'est ça? Ouais. Absolument pas. Je vais lui apprendre un spin qui s'appelle le Fireman Crossleg, donc ouais. Le pompier jambe croisée. C'est pas très glamour en français, donc on va garder la traduction anglaise pour ce soir. Hein. Le Fireman pompier jambe croisée. Oh, regardez ouais. Ça, c'est bien le pompier jambe croisée. Je te montre, et oui. Ensuite je t'explique comment faire. D'accord. Alors attention, donc spécial Paul Tata. Donc là, d'accord, ok, ouais, très bien. Ok. Bon, pourtant c'est le truc le plus facile a priori, hein, mais... C'est le plus facile. C'est le plus facile. Bon, bah écoute, si c'est le plus facile, tant mieux. Donc en fait, elle sait... Alors comment est-ce qu'on peut appeler ça le pompier jambe croisée? C'est-à-dire que... Karima, explique. Démerde-toi. Elle tourne autour de la barre. Voilà. D'accord. Bon. Non, non. Alors attention. Ah, ça va faire envie. Bah, je n'en doute pas. Mais oui, avec Toff, ça va donner envie, c'est sûr, ça. Sur la barre, la main intérieure, c'est ta main forte en général. Donc, si t'es droitier, fais à droite. Mais si tu as de la force dans aucune des deux. Choisis, choose one. Donc, tu te places avec ta main intérieure très haute sur la barre, le bras toujours très tendu, parce que si t'es comme ça, t'as pas de force pour te porter. Ouais. Vers l'extérieur en mettant ta jambe extérieure ici. Donc elle est en train d'expliquer à Toff comment est-ce qu'il faut faire pour faire du pole dance. Donc elle s'accroche tranquillement. Évidemment, ça a l'air très simple comme oui, ça. Oui, ça a l'air un jeu d'enfant. La deuxième main, tu la mets bien au niveau de la poitrine et non pas là parce que sinon tu es pendu. Et là, tu verras, ça va tourner tout seul. Et effectivement, chez elle, ça tourne tout seul. Hein, ça. J'ai l'impression que le truc est automatique. Oh là là. C'est un moteur là, que la barre elle tourne en fait alors que. La vague pour remonter c'est très sexy, j'ai hâte de voir Toff la faire. Ah ouais, c'est très sexy. Rassurez-vous, tout est filmé, on vous mettra ça ce soir sur le site, hein, sur le Facebook de l'émission là, dès que. Bah, on va vous mettre que Toff d'ailleurs, hein. c'est le principal. La prof a fait ça relativement. De manière basique, oui, mais Toff va nous donner beaucoup. C'était très, plus envie. Très moyen. Donc... Très moyen, exactement. Bon alors Toff, vas-y, attention. Donc, je mets la main en haut. Rien que ça, c'est pas sexy. extérieure, tu fais un rond pour venir la placer sur la barre. Non. Voilà, la jambe extérieure, il la met sur la barre. Voilà. Voilà. Et laisse-toi tomber et décolle et mets ton autre jambe derrière. Derrière. Bon, je sais pas si vous avez entendu le boom, mais il est tombé, hein, donc ça c'est fait. Hein. Donc on va recommencer là maintenant. Alors il remet sa barre. Mais comment ça se fait que tu ça glisse pas ta main là? Mais parce qu'elle triche, elle met des trucs sur ses mains. Oh non, elle a rien, qu'est-ce que tu racontes là? Elle a que dalle, c'est toi qui as les mains dégueulasses. C'est ça. Bah oui, ça doit être ça, elles doivent être grasses. Bon, recommence. Le poids du corps, le poids du corps, Tof. Si vous avez déjà fait ou si vous avez déjà été voir du pole dance, n'hésitez pas à nous appeler également à 01 42 48 5000. Il paraît que c'est mieux. Ah, il paraît que c'est mieux? Ouais, il paraît que c'est mieux, c'est-à-dire que c'est moins pire quoi. Et qu'en pense Karima qui est avec nous justement là? Karima, allez viens voir Karima. C'est de mieux en mieux, Tof. Continue, tu me fais rêver. Fais-moi rêver Karima. Bah vas-y, essaye Karima. Je sais pas pourquoi, mais alors qu'elle en a jamais fait, je pense que ce sera. Ouais, ça va être beaucoup plus glamour, tu vois. De toute façon, la dernière fois avec vous, c'était une migale. Oui, c'est vrai. Mais enfin, de toute façon, même si elle rate, ce sera de façon plus sexy qu'avec Tof, ça, de toute façon. Alors attention, oui, il faut enlever les bagues, on va pas rayer notre barre. Attention, ça nous a coûté assez cher comme ça. Attention, donc ça y est, c'est Karima qui va essayer maintenant, là, directement, le pole dance. Oui, on a installé une barre de pole dance dans le studio, on s'est dit que ça pouvait être sympa. C'est parti, Karima essaye, elle a les conseils de Caroline, et puis on va se mettre Pharrell Williams aussi dans quelques minutes avec Happy. La vidéo sera disponible sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mbkl officiel. Ah bah oui, c'est dur, Karima, là. Hein, alors, on se foutait de moi, Karima. Ouais, mais t'as remarqué qu'elle est beaucoup plus sexy que toi, hein. Même quand elle tombe. Bon, attends, hop, elle réessaye là. Attention. Voilà, il faut laisser. Là, laisse tomber sur l'extérieur, Karima. Là. Ben non, tu vas pas tomber. Ah, c'est pas mal. Bon, c'est pas mal. Bon, on va continuer pendant le son de Pharrell Williams. Là, on va vous mettre tout ça évidemment sur le Facebook de l'émission dès que la vidéo sera montée, bien entendu. C'est-à-dire cette nuit, Tof, la vidéo montée. Là. Et bien sûr, demain matin, même parfait. Pendant la nuit, elle est disponible. Parfait. Voilà, Pharrell Williams, c'est Happy sur Fun Radio. On va récupérer Lucie. Après, Gérard qui voulait réagir par rapport à Lucie. On aura également Ruben pour la colle et puis le son de Pharrell Williams maintenant avec Happy sur Fun. Le son de Pharrell Williams sur Fun Radio, c'était Happy, il y a des messages qui sont arrivés, il y a Sean de France qui dit dédicace pour moi, Alexis et Esther, qui se coucheront tard pour rigoler avec vous. Bah j'espère bien en tout cas, merci beaucoup pour de les avoir fait venir. Julien également sur le Facebook, il dit Tof qui fait de la pole dance, vous êtes les meilleurs. Oui, t'as pas vu la vidéo encore. Pas moi mais... Ah moi j'ai assuré. Oui, ouais, bah, non, c'est vrai que Polo n'a pas été mauvais. Il était très sexy. Exactement, ah, exactement. On peut le demander à Caroline d'ailleurs, qui est donc la prof. Qu'as-tu pensé de Polo justement? Il a un potentiel. Ah. Il a un potentiel. Il faut qu'il travaille. Ah ouais, c'est ça. C'est je vais finir dans les boîtes de aussi. Ouais. Et le prince Néa qui dit Mickaël, ça doit bien s'entraîner durant le son de Happy dans les studios. Oh, bah tu imagines pas. Et puis Ayoub aussi, Trent Lover qui dit il y a enfin quelque chose à écouter le soir à la radio. Cette phrase de Mickaël restera à jamais gravée dans ma mémoire. Bonne nuit. J-Max aussi qui dit Tof va penser qu'il est encore dans sa cave avec sa croix dans le cul. Non, c'est pas une croix là, hein, c'est une barre de pole dance, c'est un truc tout droit là justement. Bon, on va faire les appels maintenant, je le rappelle, puisque nous sommes tombés sur une info là d'une info américaine. D'un sondage qui nous dit que un mec sur deux aux États-Unis préfère bouffer un McDo que se faire tailler une pipe. Et ça c'est scandaleux. Et ça c'est quand même bizarre. Je trouve ça honteux. Après on se demande pourquoi ils sont gros. Notez que je trouve, et ça n'engage que moi, que McDonald's France ne tire pas la gueule, mais je trouve que le McDo aux États-Unis est quand même à des années-lumière en termes de goût de celui qu'on a en Europe. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Genre, il y a un moment, t'as la viande qui est quand même juteuse et qui est grosse, alors qu'ici, ça ressemble à une semelle dégueulasse. Donc, et c'est pareil chez Quick, hein, pas chipoter dans le détail, hein, quand tu vois le Giant avec des gros morceaux de viande, et puis quand tu le prends dans la boîte, tu te dis, La viande. C'est une semelle scandaleuse, là. Donc voilà, c'est ça la différence. Et donc, je trouve que peut-être qu'aux États-Unis, il y a peut-être une raison, tu vois. Ici, je pourrais te dire non, peut-être là-bas, faut voir. Ah, je préfère même là-bas me faire sucer. Oui, bon, après, faut voir aussi par qui, tu vois, mais bon. Donc, du coup, on fait les appels, les numéros que vous avez envoyés sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Et puis, on va saluer Karima également qui va partir dormir, hein. Et... Oui, c'est là pour la Karima. Merci. Grâce à vous, je découvre tous les jours demain. Ah, merci beaucoup. Mais avec plaisir. Allez, à demain. Bon, bisous, à demain. Salut. Merci, Caroline. Allez, on fait le premier appel maintenant. C'est parti. Donc, tu vas leur demander s'ils préfèrent McDo ou une pipe. Voilà, c'est ça. C'est parti. On y va. On appelle maintenant le premier ou la première. Je sais pas chez qui on va vraiment, mais on y va. On appelle quoi qu'il en soit. Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je vais savoir si votre mari préférait manger un bon McDo ou plutôt se faire tailler une bonne pipe. D'après toi, connard. Ben, je sais pas, madame. Ah, bah d'après elle, elle te raccroche au nez. Bon, on va la rappeler, elle avait l'air bah oui, hein. Allez hop, directement, premier appel, déjà un connard, tout ça. C'est bien. On mais est ça bien, se on fait est pas, bien. Ça se fait pas. Bon, allez, on rappelle. Allez. Oui. Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, j'étais en communication avec votre femme, mais on a été coupé. Oui, c'est à quel sujet? Ben en fait, je voulais savoir si vous préfériez manger un menu McDo ou plutôt vous faire sucer. Va te faire foutre, enfoiré. Très bien. Monsieur, enfin, pourquoi vous dites ça? Ah. J'ai pas compris votre message, monsieur. Ouais. Oh, c'est un connard. Oui, bah voilà, mais je pense que ça, pour le coup, il avait bien décrypté le passage. Ouais, bah, il a été reconnu complètement. On rappelle, allez, c'est parti, encore un petit coup. Puis on aura le je t'emmerde qui va débarquer comme chaque mercredi. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Ben en fait voilà, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous préférez manger un McDo ou plutôt vous faire tailler une pipe. Ouais, il t'a cher. Je vois pas le rapport, monsieur. Oh là là, pourquoi ils répondent pas là? Ben oui. Bon, on rappelle encore un coup, on arrête. Oh, un petit dernier pour la route. Bon. Encore un petit là. Je sens que ça va être expéditif. Ben on a été coupé, madame. Vous êtes un gros cochon et n'appelez plus, hein, parce que je ne réponds plus. Hein. Ah bon, bah si elle ne répond plus, ça ne sert plus à rien d'appeler, effectivement. On est plutôt d'accord à ce niveau-là. Bon, Tof qui va donc continuer à s'échauffer un petit peu là pour la finale pendant la pub, on fera la suite et la fin du cours. Alors Caroline, justement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi la prochaine figure? Alors la prochaine figure, étant donné que c'est un homme et qu'il a quand même un petit peu de force naturelle. Ah bon? En tout cas, plus... De quelle force tu parles? De la force dans les bras. Ah bon, on va lui faire un inverted V, donc c'est-à-dire une inversion. Il va se mettre la tête en bas. Si tu veux que je meure. Et comment ça s'appelle? Inverted V, V à l'envers. Inverted V, ah bah voilà. Parfait. V à l'envers. Eh bah vive l'inverted V. Pour l'instant, personne n'est mort encore sur l'inverted V. Eh bah voilà. Il est là. Le premier, ce sera moi. Crève. Le premier est là, c'est parfait. Bon, on fait ça dans quelques minutes. Alors, psychologiquement, réfléchis un petit peu, Tof, hein, comment tu vas faire? Oh là là, psychologiquement, j'ai beaucoup de mal. Voilà. Ben voilà, très bien, il vaut mieux faire ça. Et puis ben, pendant la pub, tu vas faire ça, hein, comme ça tu décéderas pendant la pub. Voilà, c'est bien, c'est mieux. Ben, on ça, sera tu mieux. Pourras faire mon enterrement après. Et ben très bien, parfait. En attendant, on va accueillir Nicolas et Zacharia. Il y aura Patrice qui lui aussi apparemment a fait du pole dance. En tout cas, il connaît bien, il va nous en parler. Nicolas et Zacharia, vous êtes là les gars? Oui, on est là. Comment ça va? Bien. Bon, on va faire le jeu du je t'emmerde comme chaque soir. Oui. Eh ben oui, ce soir il y a une console, la Nintendo Wii Mini Rouge qui est à gagner. Et pour la gagner, Nicolas ou Zacharia, il faut évidemment appeler des gens au hasard, placer un maximum de je t'emmerde dans la phrase. Voilà, dans la discussion. Ouais. Attention, ça doit être évidemment une conversation logique et naturelle, pas appeler en disant je t'emmerde, sinon ça ne marchera pas, bien entendu, d'accord? Et il faut bien dire je et pas vous m'emmerdez, ça ne marche pas, c'est je t'emmerde, point. D'accord? Ok. Bon, qui veut commencer, Zacharia ou Nicolas? Zacharia, eh ben on va commencer par Nicolas du coup alors, c'est parti. Nicolas, on appelle le premier, dès que t'entends plus la musique en dessous de toi, tu dois dire allô et puis bonne chance. Hein. Maximum d'accord. De je t'emmerde, il y aura deux manches. Je te souhaite bonne chance. D'accord. Allez, c'est parti Nico. Et on récupérera Ruben aussi pour la colle dans quelques minutes. Allô. Allô, oui, bonsoir. Je vous appelais parce que j'ai reçu une lettre de vous en mettant je t'emmerde. Et je voulais savoir pourquoi vous m'avez écrit une lettre. Comment? Vous m'avez écrit une lettre en marquant je t'emmerde. Il y a marqué j'espère que t'as le permis, je t'emmerde. Bah qui vous êtes? Je voulais savoir. Bah j'ai reçu une lettre de votre part en marquant je t'emmerde. Bah comment vous avez eu mon numéro? Bah non, j'ai pas écrit une lettre déjà d'une je t'emmerde, je te connais même pas. Dis-moi moi, décline ton identité déjà. Ah si, j'ai eu ton numéro sur la lettre, il y a marqué je t'emmerde. Bah dis-moi qui tu es. Et je voulais savoir pourquoi vous m'avez marqué je t'emmerde. Bah justement, déjà d'une, j'ai pas écrit de lettre, je t'emmerde déjà. Ah si, j'ai reçu une lettre de votre part avec votre numéro en marquant je t'emmerde. Bah je vous dis que non. Bah moi je vous dis que si, je le laisse sous les yeux, il y a marqué j'espère que t'as eu ton permis, ton code, je t'emmerde. Bah vous êtes qui, dites-moi un peu. Il y a marqué sur les deux côtés, je t'emmerde. Bah dites-moi qui vous êtes, je sais pas moi, vous me posez une colle, j'en sais rien du tout là. Ah, dites-moi une qui vous êtes. Bah moi, même moi je vous connais pas, alors je... Bah moi non plus je vous connais pas, en plus même j'ai votre numéro, maintenant je t'emmerde. Ah, il est parti. Combien? Beaucoup là, non? Ça fait 20. 20, pas mal. Pas mal, ouais. Nicolas. 20. Bon, Zacharia, après la pub, faudra être bon, je te le dis. Hein. J'espère. Bon, bah bouge pas de là, il faut battre 20 justement après la pub. Et puis on a également Ruben avec nous pour la colle. Allô Ruben. Oui. Ah voilà, fais péter la colle pour gagner l'iPad mini ce soir. Vas-y Ruben. Avec les lettres de mon nom, on peut écrire celui de ma maison. Que suis-je ? Avec les lettres de mon nom, on peut écrire celui de ma maison. Que suis-je ? Si vous avez la bonne réponse, envoyez Mickaël et la réponse au 64 900 par SMS ou au 63 22 depuis la Belgique. Et vous pouvez jouer aussi bien sûr sur le Facebook de l'émission. facebook.com/MIKL officiel. Allez-y, on tire au sort dans une bonne vingtaine de minutes maintenant. Tu restes avec nous, Ruben, on va te reprendre. Lucie, promis, je t'oublie pas, on va te reprendre aussi avec le copain de ta sœur qui t'a fait des avances, mais avec la pole dance, c'est tough, évidemment, il est très perturbé. Bah là, oui, oh là là. Ah bah il veut. C'est surtout maintenant que je sais que je dois faire un truc à l'envers. Là, oui, la tête à l'envers. Vous allez voir, ça va être filmé, ça va être à mon avis magnifique. Oh, magistral. Magistral. Il y aura le son d'Avicii dans un instant aussi sur Fun Radio avec Addicted to You. Bonne soirée tout le monde, c'est Mickaël No Limit et la nuit sans pub arrive juste après ça. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. 23h, 2h. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est en direct dans tout le monde sur Fun Radio, là, comme tous les soirs, vous balancez évidemment tous vos messages sur Fun Radio. Attends, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a tout qui part en sucette. Bon, c'est pas grave, vous allez voir, tout va bien se passer. Hop là, voilà, maintenant c'est parfait. On va mettre dans quelques minutes la photo là de Toff. Oh. Je suis en train de la mettre là, Toff en mode pole dance dans les studios là pendant la pub, c'était exceptionnel. D'après Caroline, j'ai fait un léger progrès. Oui, bah alors léger progrès. Hein. C'est-à-dire de 0, je suis passé à 0,1. Voilà, c'est ça, oui, mais vraiment, vraiment léger alors. Hein. Bon, donc du coup, on va vous mettre ça dans quelques minutes en direct sur le Facebook de l'émission. Vous allez voir, c'était magnifique. J'étais beau. Très beau, trop beau. Hein. J'étais parfait. Oh là là, une méga bonasse. Ah oui. Cholo, il était excité là, non? Ah mais il était une grosse baleine qui tombait comme ça, comme une espèce de sac de merde qui tombait le long de la barre. Il est mauvais. Hein. Alors que Polo, on voit qu'il a déjà pratiqué. Oui. Hein. Ça c'est sûr. J'ai vu, car on apprend en regardant. Exactement. Bon, il y aura aussi le son comme promis, Addicted to You, Avicii, je vous l'avais promis. Bon, et Toff, je pense qu'à un moment, faut y aller. Hein. Avant, comme ça, on peut laisser partir notre amie Caroline. On pourra reprendre Lucie, Patrice également qui est avec nous. Ça va, Patrice? Patrice? Oui, allô? Ah, il est là, Patrice? Oui, je suis là. Ouais. Bon, très bien. Patrice, toi, t'avais déjà fait t'as fait du pole dance ou t'es fan ou tu fais quoi? Moi, j'en ai fait parce que j'ai beaucoup regardé, donc j'ai beaucoup appris en regardant. Ah, c'est comme Polo en fait. T'as beaucoup appris en regardant. D'accord, ok. Bah, voilà. comme Polo, effectivement. Et donc, du coup, tu nous appelles pourquoi? Eh ben parce que tout à l'heure vous étiez en galère là, vous disiez que c'était très dur. Non, c'est pas très dur, c'est juste tout dans les bras. Ah oui, dans les jambes. C'est le problème qu'a Polo, Toff pardon. C'est le problème qu'a Toff, c'est que justement il n'a rien dans les bras. Rien dans les bras, rien dans les jambes. Voilà, tout est dans le ventre, mais pas les abdos hein, pour non, le coup. Hein, non, ça, c'est rien dans le cerveau de chocolat aussi. Mais complètement fondu. D'accord, il y a tout dans le ventre quoi, en matière de ressources quoi. D'accord, voilà, quoi c'est ça. Voilà, c'est ça. Bon alors. Les abdos, ils étaient où? À la maison. Mais il a quoi? J'ai pas compris parce que tu parles tellement vite sans articuler que j'ai du mal à comprendre. Les abdos, il les a laissés où? À la maison? Non, il les a laissés dans le... Ça fait bien longtemps que je les ai perdus. Hein. Il les a revendus contre des burgers. Voilà. Bon, donc du coup, Toff, il va falloir y aller là maintenant. Ah, encore? T'as fait le malin là, t'as fait le malin en rantaine là pendant la pub. Maintenant, il va falloir refaire le malin à l'antenne. On fait la même ou on fait une autre? Ah bah plus dur là, parce que celle-là, un peu plus dur Caroline là quand même, tu vas pas nous décevoir. Hein. Surtout qu'après il faut quand même inviter les gens aussi à aller parce que c'est l'école de pole dance Paris qui est venue nous filer un petit coup de main ce soir. Si vous voulez d'ailleurs toutes les infos, on les mettra sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. En tout cas, si vous êtes sur Paris, il n'y a pas de problème. Toff sera bien sûr en guest un de ces jours dans les cours. Bien sûr, je serai là. Afin de montrer comment on fait du pole dance. Hein. Mais d'ailleurs, c'est moi qui vais donner cours bientôt. Hein. Oh bah, c'est, évidemment, t'emballes pas. Les cours de ce qu'il ne faut pas faire. C'est ça. Bon, pendant ce temps-là, je plode la photo où Toff s'est écrasé. Mon meilleur profil. T'es une merde. Bah, on voit ton cul, en fait, tout simplement. Bon, alors, du coup, Caroline, qu'est-ce qu'on fait la suite? Approche du micro ou on va t'approcher un micro plutôt là? Alors, pour faire un peu plus dur, le problème, c'est que Toff, il est habillé. Ouais. Donc, du coup... parle plus près du micro, s'il te plaît. C'est qu'il est habillé, donc du coup, il y a beaucoup de choses qui se font avec l'accroche de la peau des jambes. Donc c'est vrai qu'un jean, ça va être compliqué d'y faire faire quelque chose et qu'il tienne facilement. Donc il va être un peu handicapé. Mais je vais quand même essayer ouais, mais il a l'habitude, de lui faire faire. Hein. D'accord, ok. Je vais quand même essayer de lui faire faire quelque chose. Donc on va faire un layout. Donc, un layout ouais. C'est quoi layout? Je pense qu'il est un peu fatigué, donc on va lui demander de s'allonger sur la barre. Ouais. Donc, voilà. S'allonger sur la barre. J'adore. Alors, attention. Ah ouais, donc c'est-à-dire qu'en fait, là, elle se met allongée, effectivement, mais avec la barre entre les jambes, mais comment t'expliquer? Elle est à l'horizontale, en fait. Elle est magnifique, évidemment. Je suis amoureux, je crois, de Caroline. Mais pourquoi Toff se met pas sans le jean, en fait? Parce que c'est... Vas-y, enlève, Toff. Bah oui, non, bah oui, pourquoi je ne me mets pas sans le jean? Bah oui, t'es con. Mais oui, parfois. Suis-je bête? Attends, c'est ça. Suis-je bête? Allez, c'est parti. Donc, j'ai demandé s'il likait la pose, hein. S'ils aimaient la pose que je vais mettre sur le Facebook. Ouais, moi je pense que tu peux faire une photo de celle-là, ils vont beaucoup plus la liker. Ouais, c'est vrai, ouais, certainement. Mais on est des enculés ici, on va mettre que la tienne. Attends, tu vas voir. Alors je rappelle qu'un pole dance, si on n'est pas beaucoup habillé, c'est pas pour le côté sexy, c'est parce que c'est la peau qui permet d'accrocher. Voilà, ça c'est bien. Oh, mais quelle horreur! Oh, il a un moule beat, mais c'est sérieux? Oh, la honte! Mais non, c'est un boxeur que tu racontes. Mais comment ça Mais non, je l'ai remonté, elle a dit le minimum de tissu. J'avais pas vu, autant pour moi. Elle m'a dit minimum de tissu, j'ai fait minimum de tissu. Ça y est, j'ai uploadé la photo, vous pouvez la voir. Hein. Facebook.com/MIKL officiel, Instagram, mais sérieux, Twitter, la grande classe. Bon, à l'époque, il était encore en jean, évidemment. Hein. Bon, alors. Tu pourras faire une deuxième si tu veux. Eh ben, très bien. Bah, attends, on va faire une deuxième. On va faire une deuxième tout de suite. Attends, ne bouge pas. On va faire une deuxième tout de suite. Voilà, parce que je donnais ça à Polo en même temps pour qu'il fasse la photo. Bon, alors, donc, je rappelle, la barre de pole dance est toute droite, évidemment, du sol au plafond. Et puis, Caroline, donc, la prof. Oh, quelle horreur. Il est en train de poser. Caroline, la prof, donc, c'était mis à l'horizontale, par rapport à la barre. Pas facile, mais vous allez voir avec la photo. Si Toff arrive à faire pareil, ça va être magnifique. Il n'y a aucune chance. Monsieur. Bon, attends, on t'entend mal de nouveau. On va remettre le micro par ici. Voilà. Ouais. Donc elle est. Mais oui, évidemment. Voilà, mets la barre entre jambes. Il doit arriver à se lever, à tirer sur ses bras. Et elle danse en fait, elle se balade, là, elle va sur la barre. Elle est pépère quoi. Elle se balade sur la barre. Voilà, c'est ça, ouais. Sur la barre. Bien sûr. Et donc, alors attention, donc, c'est vrai que comme les micros sont loin de la barre, vous entendez un petit peu mal, mais vous inquiétez pas, à un moment vous allez entendre. Il y a de fortes chances, ouais. Voilà, ce sera Toff, mais au final ce sera le plus intéressant, vous inquiétez pas. Bon, bah Toff, alors t'es prêt ou pas? Bien sûr, je suis oh là là. En mode boxer blanc là. Ouais, boxer blanc. Donc, allez. Je prends comme ça. Alors, donc il est en train de s'agripper à la barre. Oui, bah de toute façon pour ce que ça servait. Hein. Donc là il vient de se prendre la barre dans les couilles en fait, tout simplement. Oh Toff, ça va, oh là là. Oh, y a rien en plus, mais y a rien là, arrête un peu. La vache, ça fait super mais mal. Mais non, mais y a que dalle, t'es sérieux là? C'est pas comme si t'avais quelque chose, Toff. Mais oui, c'est ça, où tu fais le cinéma c'est là. Ça. Bon alors, tu vois que t'as fait de la merde. Bon, quelle était l'erreur, Caroline là? Il a fait quoi comme connerie là, proche du micro? Il a jeté sur la barre. Ah, il s'est jeté, ouais. Du coup, il a pas contrôlé forcément. Ah ouais. Alors, bah, il a cru que c'était une meuf, hein, donc. Quand on est un garçon, ça fait un. Bah ouais. Bon, allez, c'est parti. J'ai mal au bide. Attends, bouge pas, Patrice, t'es toujours avec nous, hein. Ah ouais, je me fais super mal. Bon, allez, vas-y, vas-y. Ah merde, t'as coupé avec Patrice, on va le rappeler. Ah bah, du coup, maintenant, il n'y arrive plus, hein. Ah non, mais j'ai peur, mais non. Ah bah, ça va, attends, bah, c'est bon. Croise les jambes. Oh là là, oh, il est sexy. Oh. J'avais dit que vous alliez entendre boum, ça fait boum, hein, ça pouvait pas passer allez, autrement. Encore une fois. Allez, t'as bon, allez. Plus haut. Bah oui, plus haut, bah oui. T'as vu Polo qu'il a mis une coque dans son calbut pour que ça fasse un peu plus gros? Bah j'aurais bien aimé. Hein. Allez hop, et on voit tous ces muscles qui sortent des bras là. Oh là là. Alors. Oh bah, enfin bon, alors rien du tout. Hein. Alors attention, allez. croise. Ah mais c'est horrible, ça fait mal. Mais ça fait mal de quoi? Mais ça fait mal, j'ai pas de force, tu crois que je suis musclé ou quoi? Bah attends, qui c'est qui a été qui fait les 40 km de Bruxelles, qui 20, t'en mal pas, 20. Les 20, ouais. Et ouais, bon alors quoi, c'est qu'il y a un peu de muscle quand même, sinon bon. Ouais, mais pas dans les bras. Ouais, enfin bon, oh là là. Bon, allez hop, on recommence. Et bien finir par y arriver quand même. Et après on fera la suite, hein, vous inquiétez pas Nicolas et Zacharia, hein, du je t'emmerde. Attention. Oh bon bah, je pense que c'est mort, hein. Ah, c'est horrible. Je pense que c'est horrible, ça fait super mal. Bon Caroline, pour terminer, quelles étaient les erreurs de Toff? Il est mauvais, je pense que à l'instant. Approche-toi du micro, approche-toi du micro. Il pousse pas assez le bassin vers le haut, il tend pas assez les jambes, du coup il a pas de l'équilibre pour tenir. Ouais. Et après ça fait mal, oui c'est vrai que la pole au début ça fait un peu mal, c'est normal. Hein, un peu la peau qui frotte sur une barre en fer, c'est normal, mais on s'habitue assez rapidement. Mais il est mauvais. Il a des progrès à faire. T'as vu le prof diplomate? Ah ouais, ouais, complètement diplomate, effectivement, oui, ça c'est vrai. Travailler, on arrive à tout. Hein. Oui, oui, c'est vrai. Puis après, elle se dit qu'avec un peu de bol, tu vas venir t'inscrire, donc elle va pas dire que t'es quand même. Pas non plus. Elle va quand même pas dire que t'es vraiment très très mauvais, sinon tu viendrais pas t'inscrire et c'est normal. Ça, ouais, après, bon. Les élèves, ils viendront pas non plus. Bah ouais, c'est ça. Bon, Tof, tu t'abandonnes là, c'est terminé Pour aujourd'hui, ouais, je pense que j'ai donné assez là. D'accord, ok, très bien. Bon, bah très bien. Je viendrai demain. Bah voilà. La suite. Bon bah si vous voulez plus d'infos, si jamais ça vous intéresse de faire un peu de pole dance, bah si vous êtes sur Paris, j'imagine qu'il y a d'autres écoles un peu partout en France, en Belgique, tout ça. Oui, il y a des écoles qui se montent de plus en plus en France, dans tous les départements. Sur Paris, il y a plusieurs écoles aussi. D'accord, voilà. Très bien. Bon bah là en l'occurrence c'est pole dance Paris, c'est dans le 11e. Et si vous voulez toutes les infos, eh bien n'hésitez pas, on mettra tout ça sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. Et puis bah merci beaucoup en tout cas d'être passé, Caroline. Hein, tu de rien, c'est avec plaisir. Tu n'hésites pas. La prochaine fois que tu viens, Tof sera au top. Je serai là aussi. J'en doute pas, il faut qu'il s'entraîne. Ouais. Bah, je te remercie. Ouais. Il peut acheter une barre pour la mettre chez lui aussi et pour pouvoir s'entraîner. On en vend aussi chez Pole Dance Paris. Ah, donc il faut pas qu'il hésite. Bah, voilà. C'est sa mère qui va être contente. Ah oui, sa mère va être contente. Ouais, une barre de Pole Dance. Je vais lui en parler. Eh bah, écoute, c'est une bonne idée, tiens. N'hésite pas surtout. C'est une très très bonne idée, même. Très très bonne idée. Et... Pour ça, il y a quelqu'un qui vient de passer dans le couloir et il voit Tof quasiment cul nu, il regarde, mais qu'est-ce que c'est que ça? Quelle horreur! Oh, il se passe des trucs bizarres dans cette émission. Ah ouais, là je confirme. Merci beaucoup, Toka Caroline, et puis, eh bien, tu reviens quand tu veux, surtout, il n'y a pas de problème. Bon, eh ben, on va pouvoir faire la suite là dans quelques minutes là. Ah, Patrice! Est-ce qu'on t'avait perdu un moment là? Patrice, t'es là? Oui, je suis là, ouais. Ah, très bien. Bon, Patrice, par rapport au pole dance, t'as encore un truc à ajouter avant de clore le sujet? Ben écoute, j'ai vu les photos là et franchement c'est lamentable. Oh, lamentable, tout de suite non, être... Non, non. J'aurais préféré pitoyable. Les photos de la fille qui s'y connaît parce que là franchement, Tof il assure pas. Oh mais attends, tu rigoles, mais Tof il est vachement plus beau que la fille, hein Paolo. Non, non, pas du tout. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Il y a un détail en plus sur son corps qui est sublime, j'adore. Sur la photo, ma copine a dit il a le cul plat. Complètement, complètement, effectivement. Ouais. Voilà. Il y a Justine qui dit il n'y a plus de tête. Des belles formes, c'est pas cool. Là. Bah oui, bah attendez la photo d'après. Hein. Vous allez voir, elle est magnifique. Interdite au moins de 18 ans déjà. Ça c'est la première chose. Donc on va vous montrer ça dans quelques minutes sur le Facebook. Restez bien connectés. Merci beaucoup, Patrice, en tout cas. Il n'y a pas de souci. Allez, bonne soirée à vous. Ciao. Et tu reviens quand tu veux. À bientôt, Patrice. Ciao à toi. Allez, bye bye. Ciao. On va récupérer Nicolas et Zacharia avec le je t'emmerde dans quelques minutes. Du coup, on y a la bourre avec la colle. Hein. On fera ça vers 12h15. Pour gagner un petit peu de temps par rapport à ceux qui n'ont pas eu l'occasion de l'entendre. On va refaire ça avec Ruben dans quelques minutes sur Fun Radio. Je vous l'avais promis, le son maintenant d'Avicii, Addicted to You. On écoute ça tout de suite sur Fun Radio, les 23h58. On est au cœur de la nuit sans pub sur Fun Radio et le cours normal des programmes va reprendre, bien entendu. Hein. Bah oui, attends, parce que là, il s'est pris une barre dans la bite là. Non, mais dans la couche, je te jure, j'ai mal. Mais c'est mieux, franchement, ouais. Imagine que la barre, en fait, s'est vengée de toutes les meufs que t'as traitées comme des merdes. Imagine que c'est la barre qui t'a donné un coup de pied et Dieu sait qu'il aurait dû en donner beaucoup plus. Oui, mais enfin là, je pense que je vais le sentir. Je pense que demain, ça va être horrible. Mais bien, tant mieux. Avec un peu de bol, ça va gonfler. Et puis, tu sais, la couille va peut-être tourner sur elle-même. Ah, une torsion testiculaire. Une torsion testiculaire. Ça va devenir mauve, elle va tomber et puis enfin, les filles seront vengées. Oh là là, c'est vrai. Et on pourra vivre heureux. Exactement. Bah, surtout les filles, hein, pour le coup. Bon, allez, on écoute Avicii maintenant. Addicted to You. On revient juste après. C'est Mickaël No Limit. Bienvenue sur Fun Radio. Avicii sur Fun Radio, le nouveau avec Addicted to You. Restez bien avec nous puisque je vous cale dans un instant le son de Stromae. Stromae avec Tous les Mêmes. Il y aura aussi le nouveau Shakira et Rihanna. Et puis je vous calerai aussi le son d'Afrojack avec The Spark sur Fun Radio. Et on est au cœur de la nuit sans pub. Il n'y a pas de pub pendant toute la nuit sur Fun Radio. On est en direct jusqu'à 2h du matin. Et continuez à nous appeler évidemment 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Si vous voulez parler avec nous, évidemment, vous êtes les bienvenus. Il y a Luciana sur le Facebook qui dit « Je suis explosé avec les coucougnettes de Tof ». Ben, je viens de vous mettre la photo d'ailleurs, hein, où il est en mode dégueulasse. En mode hyper sexy, tu veux dire. En mode rien du tout. Il y a Mick aussi, Mick10350 qui dit « Ah, il s'est niqué les deux, couilles, bien entendu. Hein. » Rapport à ce grand moment où Tof, bien évidemment, a décidé de rentrer dans l'histoire. Hein. Il avait pris des cours de théâtre. De théâtre, effectivement. Et puis, bah, il s'est passé ça dans un canular. Ah, allô. Ils ont buté les deux. Ah, Ils ont buté les deux. Voilà, c'était un grand moment, un grand canular. Personne ne s'est vraiment remis de cette prestation magnifique. Oui, je sais bien. Exactement, il a été appelé à Cannes, les Golden Globes, il a failli en choper un. Ben oui, oui, c'est ça. C'est bon, c'est Leonardo, il est passé devant. Voilà, c'est ça. C'est physique. Je me demande si c'est pas pipoté les Golden Globes. Je pense, ouais. Franchement, je pense. Et alors, il y a The Monster aussi qui dit allez, on se cotise pour la barre de Polo, la mort de rire, pitoyable mais pas digne de pitié. Il y a quoi aussi comme message? Toff a le cul plat à force de se faire sodomiser. C'est Ada qui a envoyé le message. Ça va pas ou quoi? Denis qui dit Spider Toff et DJ Comac également qui dit Toff est si con, si pervers qu'il se fait mal aux couilles lui-même. Oui, j'avoue qu'effectivement faut quand même pas être très fut-fut non plus. Non, hein. non. Et Adeline, attendez, c'est très très dur. C'est vrai. Non mais le fait de s'envoyer les couilles sur la barre, ça je veux dire. Ouais. Et Adeline qui dit comment dire qu'un élève est mauvais, il a des progrès à faire. Non, mais c'est vrai. Mais j'ai souvent eu ça dans mon bulletin. Hein. Ou alors il peut faire des progrès. Ouais, ou alors il a les capacités mais ne veut pas. Oui, voilà. Mais je suis pas sûr pour les capacités. Hein. Ah oui, ça dans c'est le cas du Pondelt. Ouais, c'est pas fort non plus. Bon, avant de récupérer Lucie, promis Lucie, on va te reprendre dans quelques instants. On va d'abord terminer avec Nicolas et avec Zacharia. Nicolas qui avait fait le premier appel maintenant et pour le coup, on n'en fera qu'un seul ce soir, donc Zacharia soit bon, puisque Nicolas a quand même fait 20 des je t'emmerde. Zacharia ? Oui. La suite ? On y va. C'est avec toi. Tu dois battre 20 je t'emmerde dans une seule phrase. Enfin, dans une seule phrase. Dans une seule conversation plutôt. On va appeler quelqu'un au hasard maintenant. Si t'arrives à en placer plus de 21 minimum, tu gagnes. Si c'est moins de 20 ou 20 piles, à ce moment-là, eh bien, ce sera Nicolas qui gagne. D'accord, Zacharia ? C'est la Nintendo Wii Mini rouge qu'on va vous offrir ce soir. À toi de jouer. On appelle au hasard maintenant. Dès que. Dès que t'entends plus la musique en dessous de toi, tu dois dire allô et on démarre. Ok ? Ok. Allez, c'est parti. Ça va aller. Bon, attends, on va appeler un autre parce que celui-là décroche pas. Gagnons du temps, c'est parti. Ouais, on va faire qu'une seule, ouais. Mais tu seras bon, Zacharia, t'inquiète pas. 20. Mais oui, Zacharia à Bruxelles, ça va bien se passer. Allez. Ah, donc t'as pas de chance, Zach. Hein. Bon, attends. Tu veux pas ta numéro? Bah non, bah oui, c'est ça, essaye. Ouais. Bon, allez, c'est parti, on en appelle un autre, t'inquiète, ça va aller. Les lignes de votre correspondance. Parfait, là on est au top, alors attends, on va en appeler encore un autre. Voilà. Tu vois, tu portes la poisse, Zach. Allez. Oh, t'es poisseux, Zach, mais d'une force. Merci. Non, mais c'est vrai. Ah non, c'est encore le répondeur là. Hop là, on appelle encore un autre. Ouais, bah tu vois pourquoi je fais pas de manche? Parce que sinon on serait là jusqu'à 2h du mat. Allez. Je crois qu'on les aura tellement pris la tête hors antenne. Allô? Allô, bonsoir. Oui. En fait, j'ai reçu un mail de votre part. Un peu menaçant. Avec plein de je t'emmerde. On dirait en allemand. Votre numéro mentionné dessus. Ah bon? Oui, je trouve ça vraiment impoli de votre part. Enfin, je t'emmerde, c'est pas vraiment une façon avec laquelle on s'adresse à une personne. Oh bah écoutez, je suis pas au courant, hein. Je suis désolé. Mais attendez, il est marqué c'est Caroline. Rappelez-moi s'il vous plaît, je t'emmerde. Ah, il n'y a pas de Caroline. Attention à vous, je t'emmerde. Il n'y a pas de Caroline. Écoutez, c'est à ma mère que vous avez envoyé le message. Elle est venue chez moi, enfin... un peu bouleversé, elle me dit, il y a plein de gens qui me disent je t'emmerde, qui me menace. Je dis, écoute, on verra. Donc voilà, je vais voir pourquoi. C'est je t'emmerde. Non, c'est pas possible. Et vous avez envoyé trois messages. Le deuxième, il y avait trois, j'ai rien envoyé du tout. Je trouve ça vraiment triste parce que ma mère, elle prend vraiment mal le mot je t'emmerde. elle prend mal le mot je t'emmerde. Moyen de je t'emmerde. Non, mais écoutez, monsieur, c'est 15. Pas moi, donc voilà. Mais il y a bien votre numéro dessus. Il y a votre numéro, il est marqué 4 fois. Donc je t'emmerde. Et, oui, ben écoutez, celui qui fait ça et qui met son numéro... Mais c'est quoi votre nom, en fait, votre prénom? C'est quand même bizarre. Hein. C'est pas Caroline? Ah non. Vous êtes bien de France? Oui, il n'y a pas de Caroline ici. Ah, ok, parce que c'est bizarre, il est marqué, je m'appelle Caroline, appelez-moi, et puis ça commence à me tutoyer, je t'emmerde. Non, c'est pas moi, c'est pas le genre de la maison. Ah, c'est bizarre, ça. Et le quatrième message, là, où il est marqué Bernard, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde. Ah. On n'a pas très bien compris le délire. Toujours avec votre numéro mentionné. Ah ouais. C'est un peu bizarre, ça. Ouais. Si vous voulez, je vais bien vous transférer le message. Non. Parce que ma mère disait, voulait porter plainte, mais j'ai dit, je vais d'abord appeler le numéro. Parce qu'elle n'accepte pas le mot, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde. Oui, d'accord. Vous comprenez? Oui, je comprends. Si vous voulez, je vais bien. Il est pas mauvais, hein. Je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde. Non. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûr. Je n'ai rien à voir là-dedans. Mais vous savez, ça veut dire quoi, je t'emmerde? Voilà. Allô? Ah bah elle est partie. Bon bah Zacharia, pas mal, good job, combien? Beaucoup. Alors ouais, parce que Nicolas en avait fait 20, ce qui était déjà pas mal. Et toi Zacharia, t'es arrivé derrière, là, t'es un chevalier. Dieu sait qu'on a eu du mal à trouver quelqu'un qui décroche. C'est dommage. Pour en faire combien? 29. Pas mal. Pas mal, Zach. Perdu dans la conversation. On a bien vu. Bon, écoute, bravo. Nicolas, malheureusement, c'est perdu. Hein, mais écoute, tu retentes ta chance quand tu veux. Hein. En tout cas, bien joué, Nicolas. Ah, il a pas mal joué. Mais vous avez bien joué tous les deux. C'est pas mal. Bon. Lui aussi, il a pas mal joué. C'est vrai, c'est vrai. Bon, Zacharia, la Nintendo Wii Mini Rouge, elle est pour toi. Tu vas retourner chez Sandro. Standard, on prend tes coordonnées, on va t'envoyer ça rapidos. Salut à toi, salut à vous. Faire une dédicace, si allez, vous vas-y, Zach, à une seule personne, tu connais la règle. À une seule personne, choisis la bonne. Il s'appelle Mourad. Très bien. Eh ben, le message est passé, tous les autres vont être bien contents que tu les aies oubliés, c'est parfait. Bon, salut Zach, à bientôt. Salut, Romain. Ciao, bye bye. Ciao. Et puis on va récupérer aussi Lucie qui est avec nous. On aura Laura dans quelques minutes. Lucie, tu es là toujours? Oui, c'est sûr. Bon, excuse-moi pour le retard, hein. Je suis désolé, d'ailleurs je m'en mets une. Voilà. C'est tout ce que je mérite de toute façon, puisque on t'a quand même pris il y a une heure et que bah on est un peu à la bourre maintenant, effectivement, faut dire des choses. Mais il y a eu le pole dance, Toff s'est emballé, Toff est tombé, Toff s'est fait mal, s'est tué les couilles. D'ailleurs les photos sont sur le Facebook de l'émission. T'as été voir ou pas toi? Non, pas encore. Ah bah Lucie, tu devrais aller voir. Ah non, t'as 16 ans, c'est interdit aux moins de 18 ans. Donc allez pas voir. Hein. N'allez pas voir si vous avez moins de 18 ans. Il y a des messages qui sont arrivés, bien évidemment, notamment. Let's Be Freaks qui dit qu'il est beau, mon Toff. Oh, merci, Let's Be Freaks. Ah, quelle horreur. Et Jeanne aussi qui avait envoyé un message qui dit j'en perds mes mots. Il y avait quoi aussi? Juste so sexy. C'est Tom qui avait envoyé le message. Merci. Cindy qui est choquée. Lohan qui dit so sexy. Valoche qui dit t'es enceinte de combien de mois? Non mais ça c'est le t-shirt. Ouais. C'est pas lui qui fait le rôle de Christian Grey au ciné, c'est Véronica. C'est un viol mental, c'est Marc. Il y a Guigui qui a vomi. Sérieux Toff, tu sors. En fait, Eva qui dit, en fait, il est vraiment très moche. 3 points d'exclamation. Et quand même Marine qui dit trop sexe avec des cœurs. Donc Marine, il faut que t'ailles merci voir Marine. Faut que t'ailles voir un spécialiste des yeux maintenant. Hein. Oh attends, chérie. Aurel qui dit à Gerbé, on dirait un pervers, c'est Jason. Un peu de sport ferait pas de mal, c'est Marie. Vaut mieux qu'ils s'en tiennent qu'au pole dance, c'est Tina, etc. Bon ben voilà, les photos sur le pole dance, sur la pole dance plutôt avec Toff. Allez voir bien sûr sur le Facebook de l'émission. facebook.com/mikaelofficiel. Lucie. Oui. Bon, dans quelques minutes, on va pouvoir reparler enfin avec toi. Il y a Alex également qui est de Rhône-Alpes. Salut Alex. Salut. Comment ça va? Bah ça roule. Bon, tant mieux. Toi, tu voulais réagir par rapport à Lucie. Donc son copain, le copain de sa sœur lui a fait des avances. Est-ce que toi, t'en as déjà fait? Est-ce que tu en as eu de la copine de ton frère éventuellement? Non, moi c'est la sœur de ma copine. Ah c'est sympa aussi ça. Ah c'est la sœur de ta copine. Ah oui, c'est vrai que dans ce sens là ouais. Eh ben on en parle dans quelques minutes. Alex, Lucie, restez là, promis, juste après le son de Stromae, eh bien on va en parler, il n'y a pas de problème. Il est 10h11 sur Fun Radio, on fera d'autres appels encore avec Toff. On fera la colle avec Ruben comme promis. On est un peu en retard ce soir, c'est vrai. Après Stromae, c'est tous les mêmes sur Fun. Tous les hommes et tous les mêmes. Le son de Stromae à l'instant sur Fun Radio, c'était tous les mêmes, soyez les bienvenus si vous arrivez, il est 10h15, on va faire d'autres appels avec Toff dans quelques minutes, il y a décédé. Didine. Il y a Didine qui dit en string ça aurait été cool, bah oui mais il avait pas forcément là sous la main. Bah là il est en espèce de boxer moule bite, dégueulasse. Au moment où il s'est dessapé, c'était. En fait c'est un peu le calbut un peu jaune, tu vois, comme ça. La pisse a coulé pendant quelques jours et puis c'est resté. Donc n'allez pas sur le Facebook de l'émission si vous avez moins de 18 ans. Voilà, et ne le touchez pas. s'il vous plaît. Et oui, surtout, donc je vous le demande, n'allez pas sur le Facebook de l'émission si vous avez moins de 18 ans. Non. Et si vous y allez, fermez les yeux, vous descendez un peu la page, ouais. Et après vous pourrez les ouvrir. Oh là là, ouais. Vous mettez des lunettes, faites quelque chose. Oh quelle horreur. Oh là, mille lait. Ouais, on devrait la brouiller comme Canal Plus. Voilà, on devrait brouiller le truc. Et après, il y a un auditeur qui a mis un post où on voit un mec balèze avec les pecs, avec les tablettes de chocolat et tout ça, mais pas fondu comme chez Toff, hein, pour le coup. Donc facebook.com/mikaelofficiel, n'hésitez pas. Le prince, Nadia qui dit la pose de Toff sur la photo Moule Beach, j'adore. Guillaume qui dit quel beau gamin, hein, sa mère, le Toff quand même. Ah bah oui. Salut Mikael, pitoyable et digne de fouet, Toff avec les femmes. C'est Yvan qui avait envoyé le message et Stéphanini qui dit grave mort de rire. Non, mais les boxeurs blancs, c'est le top. Alors Toff en boxeur blanc, piouf. Ouais, non, les boxeurs blancs, ça peut être bien quand t'as le corps qui va avec. C'est ça. Quand t'es un peu bronzé, quand t'es un peu baraqué, quand t'as un peu de muscle, quelque chose, quoi. Comme le Marcel. Ça ne va pas exactement. Le Marcel, ça va très bien aux mecs qui sont un peu baraqués, mais celui qui est pas baraqué du tout, c'est un drame. Il y a Jeanne aussi qui dit j'en perds mes mots. Basile qui dit Toff est vraiment bon danseur, mais il faut faire des progrès. Oui, ça c'est sûr. Hein. Et encore, il est pas vraiment bon danseur non plus, hein, pour le coup, c'est certain. Et le prince indien encore qui dit hâte de voir la méga bonasse Toff sur la barre de pole dance, bien sûr. Eh ben voilà, allez la voir. On mettra la vidéo ce soir, le temps de la monter juste après l'émission. facebook.com/mikaelofficiel. Surtout n'hésitez pas, je vous l'avais promis, on va récupérer Lucie, mais avant ça on remet encore un petit coup la colle et on donnera la réponse dans 10 minutes avec du retard ce soir, désolé pour ceux qui attendent. Ruben, ouais, très bien, toi c'est tout bénef, hein. Plus on attend, moins les gens ont de chance d'être debout, donc plus t'as de chance de repartir avec l'iPad mini, hein. Voilà, ça m'étonne même pas que tu m'aies pas dit ouais mais on peut rester jusqu'à 2h, hein, après ouais, y a pas de problème. Bah j'imagine. Bon, allez, fais péter la colle et puis on donnera la réponse dans 10 minutes. Allez, avant minuit 30, promis, vas-y. Avec les lettres de mon nom, on peut écrire celui de ma maison. Puis-je ? Alors, avec les lettres de mon nom, on peut écrire celui de ma maison. Qui suis-je ? Si vous avez la bonne réponse, envoyez maintenant M-I-K-L suivi de la réponse. Vous envoyez ça au 64 900 ou alors au 63 22 depuis la Belgique. Et vous pouvez bien sûr aussi vous inscrire sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. Il y a la colle qui est écrite d'ailleurs sur le Facebook de l'émission. Et vous répondez sur la photo où je suis avec l'iPad. Hein, pour aller voir, facebook.com/mikaelofficiel. Et puis réponse dans 10 minutes, Ruben, tu restes avec nous ? Ok, y a pas de problème. Très bien, ne bouge pas de là. Et puis on va récupérer Lucie aussi maintenant là. Lucie ! Oui. Bon, allez, ouf, ça y est, on va enfin pouvoir continuer. Lucie, qui était avec sa sœur et son copain. Copain de sa sœur, en l'occurrence. Et donc, sa sœur était partie dormir. Le copain commençait à te faire des avances. Et oui, voilà. On en était arrêté. On s'est arrêté là, Lucie. Voilà. Voilà. Bon, ça a été jusque où après ? Explique-moi. Donc, je lui ai dit d'arrêter ça. J'étais me coucher. Il est venu. Il a continué. Mais bon, il y a un moment donné où. Enfin, voilà, je suis pas un robot non plus. Et à force, ben voilà quoi. Il s'est passé ce qui s'est passé. Non mais t'es sérieuse ? Il s'est passé quoi ? Non mais t'es pas sérieuse. C'est-à-dire que ta sœur est dans la pièce à côté. Tu te tapes son mec. Enfin, il se tape toi en l'occurrence. Et donc toi tu peux pas dire non. Il s'est passé ce qui s'est passé. Mais c'est scandaleux. Ben oui, mais... Non mais raconte tout, alors qu'est-ce qu'il a fait? Mais en détail. Vas-y, mais alors en il détail, a fait quoi, il a fait quoi? Je m'appelle Tom, je suis un sale enculé. Vas-y, qu'est-ce qu'il a fait de spécial? Dis-moi tout, qu'est-ce qu'il a fait? Oui, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que c'est intéressant l'approche. Je vais pas expliquer en détail non plus. Ah, non, bon, il était là. Hop, il a fait quoi? Comment on l'approche? Parce que c'est intéressant. Parce que Polo essaie d'avoir un petit script ce soir pour se branler. Et donc il essaie d'avoir un peu d'imagination, c'est ça. Une nouvelle histoire. C'est ça. Non mais bon, après, bon, t'as couché avec lui ou vous avez juste fait les préliminaires? Juste les préliminaires. Bon, c'est déjà pas mal. Hein. Tout ça avec la sœur à côté, c'est-à-dire qu'à tout moment, l'autre, elle ouvre la porte et... Oh, bah excusez-moi. Hein. Ouais, je sais, bon. Ah oui, bah oui, c'est ça, oui, bah oui, oui. Bon, et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi aujourd'hui? Le mal est fait. Pardon? Je dis, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi aujourd'hui? Le mal est fait. Oui, mais en fait, le souci, c'est que maintenant, je crois que je commence à avoir des sentiments et tout ça. Ah bah oublie directement, hein, tu zappes l'affaire. Attends, comment tu peux avoir des sentiments pour un connard comme ça? Le mec est avec ta sœur et il vient vers toi et il commence à te faire des avances alors que t'es la sœur de sa meuf. C'est un connard, viens-le. Lui parle même plus, c'est un trou duc. Bah oui. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais non, ah ouais, non super facile à faire. Et en même temps, je suis désolé, mais franchement, ça se fait pas. Encore que, je sais pas, le mec soit maqué, que tu le fasses quand même parce que t'as les sentiments, pourquoi pas. Putain, c'est ta sœur. Ouais. T'as pas d'excuse. Mais ouais. Bon, attends, on va quand même prendre l'avis d'Alex qui est avec nous là, qui nous avait appelé des rondes du 69. Salut Alex. Salut. Ça va? Ouais, ça va. Bon, salut. Très bien. Dis-donc, vous êtes en pleine forme ce soir, hein. C'est-à-dire oh que la Lucie, on dirait qu'elle a enterré sa famille. Excellent. Et Alex, ça va un peu mieux. Mais bon, on a Alex. Pas un produit dopant, là? Produit dopant, On va leur mettre dans leur gueule un truc comme ça, parce non, que là, voilà, c'est mou. Ce que j'ai, c'est pour la laine, mais ça n'a rien à voir, un quoi. Un coup de pelle, ce serait pas mal. Un petit coup de quoi? Un coup de pelle? Oui, bah ouais, oui. Ça, par contre, je peux le faire. Ouvre la bouche quand même, là, ouvre un peu la bouche pour voir. Ah ouais. Voilà, c'est mieux comme ça. Effectivement, ça pue un petit peu jusque là. On va en remettre un petit peu. Voilà, je garde le reste pour Toff. Hein, vaut mieux garder la bonbonne. Vaut mieux regarder la bonbonne. Bon, alors du coup, toi, tu voulais donner ton avis par rapport à Lucie, Alex. Ouais. Alors, on t'écoute. Ben, en fait, moi, l'histoire avec ma copine, c'est que elle et sa sœur, elles étaient en coloc. Moi, je les ai rejoints. Et sa sœur, tous les soirs, c'était genre, ah tiens, j'ai laissé ma porte ouverte, tu me rejoins si t'arrives pas à dormir. Et puis, les petits messages pendant toute la soirée. Jusqu'au jour où j'en ai parlé à ma copine, quoi. Et ben on en a parlé sérieusement et puis sa sœur elle a dégagé quoi. Ah oui, mais oui. Mais donc ouais, le truc qui serait bien à faire, c'est qu'elle en parle à sa sœur, quoi. À sa sœur. Mais ça va être la catastrophe. Encore que si elle avait pas fait la merde, elle aurait pu en parler à sa sœur en disant écoute, voilà, il a essayé, j'ai rien fait parce que machin, respect, oui, la famille, tout le bordel. Mais là, elle a fait le truc. Qu'est-ce que tu veux qu'elle aille dire? Enfin, moi, si j'ai un frère et qu'il vient me dire, écoute, je me suis tapé ta meuf, mais tu sais, j'ai le consentiment, je lui mets une patate. Alors que s'il était venu avant, après, tu peux discuter. Ils ont pas vraiment couché ensemble en même temps. Ouais, bon, enfin bon. Bon, alors, est-ce que Sucé est trompé? Relançons ce débat, ce grand débat dont nous n'avons jamais parlé à la radio. Est-ce que mettre un doigt, c'est trompé? Non, mais tu vois, est-ce voilà, que c'est ça. De l'acte sexuel ou pas, c'est à partir de quand est-ce que c'est considéré comme trompé? Où est la barrière, monsieur? Où est la barrière? Où est la barrière? La frontière? Sucé n'est pas trompé. Non, alors vu comme ça, alors pas de problème, alors on va parler à ta sœur. Mais il a raison, parce que c'est une question d'amour. Si tu aimes une autre personne, là, c'est trompé. Mais si tu te fais pomper le dard comme ça, là, hop, t'es là, hop, bah c'est pas trompé. C'est un peu comme si t'as une voiture et que tu décides d'aller louer une Ferrari un jour. Voilà. Tu trompes pas vraiment ta voiture, quoi. Mais non, t'as loué la Ferrari, t'as fait un kiff et tu reviens, tu reprends ta vieille voiture. Qui roule très bien dans l'absolu. T'imagines le mec, si hein, faut parfois un peu aller à l'entretien, mais... Je m'excuse auprès de ma femme, hein, si elle m'écoute. Mais t'es une vieille voiture, voilà. Ben oui, bah voilà, c'est ça. Bon, et donc du coup, Lucie, bah oui, bah parle-en à ta sœur. De toute façon, il y a un moment à faire. Il va falloir faire quelque chose. Ah ouais, mais bon, je vais pas en parler. Enfin. Mais tu veux faire quoi? Tu vas attendre quoi si tu commences à avoir des sentiments pour lui? Bah non. M'éloigner. Ah oui, c'est. Ah bah, je viens de te dire de le faire. Tu dis c'est trop tard. Donc il restait qu'une solution, c'est d'y aller. Non, tu l'esquives là. Tu l'esquives. Je ne veux plus que tu fréquentes. Voilà, c'est ça, c'est terminé. Est-ce que c'est compris? D'accord. Voilà. Non mais sérieusement, Lucie, écoute, soit effectivement tu coupes les ponts avec lui et puis bah tu essayes de garder ta sœur, pardon, en bon terme, elle en saura jamais rien, merci, au revoir, c'est terminé. Soit tu lui dis et puis tu risques de péter la relation que t'as avec ta propre sœur pour un mec avec qui de toute façon ça ne durera pas, puisque de toute façon t'as 16 ans, il y en a 21 et que Dieu sait qu'il y en aura d'autres qui vont couler, hein, entre-temps. Oui. Donc voilà, c'est bête quoi. Ouais, ça va. Voilà. Bon, bah après, moi, c'est le conseil que je peux te donner. Tu fais comme tu veux, hein. Sinon, d'accord, t'as une deuxième solution. Vas-y. Bah, tu fais tout pour faire en sorte qu'il se sépare. Et si t'as vraiment des sentiments pour lui, tu te mets avec lui après. Et ça, c'est encore pire. C'est encore plus vicieux, ça. Non, mais non, t'as pas le faire quand même. Mais c'est encore plus vicieux. Non, l'écoute pas. Il vient de dire de la merde. Non, de toute façon, je vais pas l'écouter. Ah bon, ça va alors. Bon, bah voilà, Lucie. Hein, écoute, tiens-nous au courant, hein, dès que tu lui auras dit ou dès que t'auras avancé un petit peu, ok? D'accord. Bon, ça marche. Salut Lucie. Salut. Ciao, bye bye. Merci Alex d'être passé également. Hein. Eh ben ouais, y a pas de souci. Je rappellerai un autre jour pour en faire un sujet, pourquoi pas. Eh ben, ça dépend. Tu veux parler de quoi? On peut en parler si tu veux. Sauf si tu sais pas encore de quoi tu veux parler. Non, pas encore. Bon, bah alors réfléchis, puis tu le rappelles, sans problème. Sans problème, ouais, Alex. Pas de souci. Tu seras le bienvenu, il n'y a pas de souci. Salut à toi, Alex. On aura Ruben dans un instant, la suite. Laura également qui est là. Allô, Laura. Bonsoir, Laura. Ouais. Comment ça va? Ça va. Ok, très bien, Laura. Bon, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, il y a mon mari qui a revu son ex. Oui. Et alors, ils ont été manger une pizza ensemble. Faut arrêter de fumer, Laura, maintenant. Non, mais parce que aussi, je peux pas crier beaucoup. Ah d'accord, mais me parle normalement, hein, t'en as pas de crier, Laura. Hein. Non, parce qu'il y a tout le monde qui dort. Est-ce que manger une pizza ensemble, c'est trompé? Ah, je sais pas. Je vous laisse avec cette question. Et donc, il a revu son ex, et quel est le problème? Et il est monté dans sa voiture. Oh putain, quel enculé alors! C'est pas vrai, il a... Oh le bâtard! Oh l'enfoiré! Oh, ah, tout ce qu'il mérite, c'est des coups dans la gueule. Il est monté dans la voiture de son ex, quel chien alors! Le problème, après il est venu me la... Oh une BM! Oh là là, quel bâtard! Oh là là, et alors après? Alors il m'a téléphoné, il me l'a dit ça. Quel enculé alors! Oh là là! Oh, c'est vraiment une merde! C'est vrai, on n'exagère pas. C'est un teuf. Ouais, voilà, exactement. Et après, elle lui a dit comme quoi... Attends, elle lui a manqué. Elle lui a quoi? Comme quoi elle lui a manqué, beaucoup. Ah, qui lui a... Bah oui, alors, c'est pas grave. Ouais, c'est une ex en même temps. Oui, non, c'est une ex. Je peux revenir juste un point important. Et, pour... et la pizza, c'était quoi, en fait? 80, c'était important. Hawaïenne. Je sais pas vous dire. Ah merde, parce que c'était quand même le point le plus important. Ouais, ouais, bon, enfin, ça dépend des ingrédients. Bah oui. Bon, après, donc voilà, donc il est monté dans la voiture de son ex, donc il a été bouffé, qu'il est monté dans la voiture de son ex, et après, elle lui a dit qu'il lui manquait, c'est ça? Voilà. Ok. Mais comment tu sais tout ça? Oui, déjà, comment tu sais? Parce qu'il me l'a dit. Ah, il te l'a dit. Bon, bah s'il te l'a dit, c'est que lui, il s'en fout. Mais non, parce qu'après 2 jours, il lui a téléphoné anonyme. Quoi? Et lui, elle. Il lui a téléphoné anonyme. C'est ah! Cool. Mais c'est où? Dans son GSM. Bah, c'est pas anime, déjà, ça c'est sûr, anonyme. Ah oui, anonyme. Gars, oui. Oui, bon, enfin, non, c'est très drôle, moi j'ai aimé. Toff rigole, Toff. Bouffon. Qu'est-ce qu'il est con, celui-là, alors, sans déconner. Je m'en remets pas, je m'en remets pas, ouais, il était tellement fou. Bon, donc il lui a appelé en anonyme, c'est ça? Voilà. Et? Je sais pas, et il m'a rien dit. Oh, c'est grave. Bon, écoute, Laura, quel ne salaud. Bouge pas. Si vous êtes déjà tombé sur des connards comme ça, qui sont des mecs qui sont montés dans la voiture de leur ex, et leur ex leur a dit écoute, tu me manques, et en plus qui ont été manger une pizza ensemble, en moi anonyme. Je trouve ça, et en anonyme, moi je trouve ça limite. Limite, limite, vraiment limite. Bon, on en parle dans un instant, on fera d'autres appels avec Toff aussi à base de McDo et de Pip. Et puis on écoute le son de Shakira maintenant sur Fun Radio, le nouveau son à minuit 27 en cœur de la nuit sans pub. Shakira et Rihanna sur Fun Radio, bonne nuit. Nouveau Shakira sur Fun Radio avec Rihanna. Il y aura New World Sound dans quelques minutes avec The Flute. Il y aura aussi le son d'Afrojack. Et je vous calerai aussi le nouveau son de Dimitri Vegas. Stampede sur Fun Radio, c'est ce qui va débarquer dans quelques minutes. Donc restez bien avec nous. Il est minuit 30, on est au cœur de la nuit sans pub, c'est Mickaël No Limit. Prévenez vos potes qu'il se passe enfin quelque chose sur à la radio, c'est sur Fun Radio que ça se passe. Il y a DJ Comac aussi qui dit hier j'ai fait un rêve, je rêvais que Toff était mon père, mais putain, vrai cauchemar, tu m'étonnes. Jordan ouais, qui t'as dit dû souffrir mec. Hein. Ah, bah, je kiffe cette émission explosée, bah, merci Jordan et le prince Nadia. Lucie, entre McDo et la pipe, tu aurais dû choisir le McDo, tu as choisi la pipe en plus au mec de ta propre sœur. Ah oui, c'est ça. Par rapport à l'autrice qu'on a eu il y a quelques instants ouais. Là. Polo est marié, une nouvelle qui me choque. DJ Coma qui disait ça. Ah, il est marié, il a été marié 4 fois déjà. Ouais, 4 ouais. fois. Ah, mais je suis une merde, hein. Mais 4 fois, mais avec des bombes. Hein. Que des bombes, même que elle, des bombes. Voilà. Bah, vous voyez un peu Cristiano Ronaldo. Ouais. Cristiano Ronaldo, bah, en fait, la meuf actuelle, c'est une ex de Polo. Ah, exactement. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais il l'a virée parce qu'elle savait pas faire de pole dance. Alors, elle ne sait pas cuire les pâtes. Exactement, ça... comme il faut. Exactement, donc. Dehors. Il y a l'homme de Sandra qui a envoyé un message. Moi, mon ex-femme a bien couché avec mon oncle. Oh l'horreur. Lydie ouais, qui dit. Ça reste en famille, ça va. Oublie-le. Ouais, oui, bah c'est sûr. Et Orgagasmi qui dit je considère qu'à partir du moment où il y a un baiser, c'est de la tromperie. Ah oui, tu vas pas t'entendre avec Polo alors. India aussi, ou Linda, je sais pas, qui dit c'est un connard ce type, c'est ta sœur, bouge ce type, il a rien à faire dans ta vie et celle de ta sœur non plus d'ailleurs. Et John qui dit bonsoir l'équipe, on se tape des bars encore ce soir. Bon, on fait ce qu'on peut et Félicia également. Le mec, il te drague alors que c'est le mec de ta sœur, c'est un gros bâtard, laisse tomber. Arrête de kiffer les cons. Et on va revenir avec évidemment Laura dans quelques minutes avec la colle de Ruben. Et avant de faire la colle, eh bien nous allons faire les appels de Toff. Je rappelle que Toff a donc, enfin, je lui ai proposé d'appeler les gens en rapport avec cette enquête sur laquelle nous sommes tombés, cette information de grande importance. Bah, de très grande importance qui va changer la face du monde. Ah bah oui, un Américain sur deux préfère bouffer un McDo que de se faire tailler une pipe. Oui, c'est scandaleux. Surprenant, effectivement. C'est même si, comme je le disais, le McDo, je le trouve vachement meilleur là-bas. Oui, mais enfin bon... Ah mais quand même, vachement, vachement meilleur. Alors c'est bon. Vraiment que les Américains ne savent pas sucer, quoi. C'est possible aussi, après, ça je ne sais pas, je n'ai jamais essayé avec une Américaine. Bon, si vous avez des numéros de téléphone, bah, qu'on puisse éventuellement les appeler, des numéros de gens encore debout à cette heure-ci, n'hésitez pas à les envoyer sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. On y va en appel ? Allons-y. Allez, c'est parti. Il y a toujours les photos de Toff en mode pole dance, hein, et en mode calbut... dégueulasse sur le Facebook, facebook.com/ Bah, tu sais quel, si tu veux, tu parles. Et Mickaël officiel. Sur Twitter et Instagram également. Oui. Oui, allô, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous préférez manger un McDo ou plutôt vous faire sucer. Pardon. Je dis, est-ce que vous préférez manger un McDo ou plutôt vous faire tailler une bonne pipe? C'est quoi? C'est une plaisanterie là? Non, c'est une question, monsieur. Vous êtes qui là? Moi, je m'appelle Toff. Ah bah Toff, bonne nuit, j'ai pas que ça à faire là. Oui, mais ça répond pas à ma question, ça, monsieur. Mais oui, allez, au revoir. Oui, allô, monsieur? Ah non, il est parti là, attends, on va le rappeler. Bah évidemment qu'on va le rappeler, attends, hop. Voilà, c'est parti, on le rappelle. Oui, excusez-moi, on a été coupé, monsieur. Non, on n'a pas été coupé, j'ai raccroché, puis là, faut pas m'emmerder, d'accord? Oui, mais vous avez pas répondu à la question, monsieur. Mais, c'est bon, vous me lâchez maintenant. Bah oui, mais répondez à la question alors, monsieur. Je répondrai pas à la question, je vais pas vous répondre à la question, c'est quoi ces conneries là? Vous avez rien de mieux à faire là? Bah non, monsieur, moi je vous appelle, je vous pose une question gentiment, c'est pas la peine de s'énerver. Eh bah moi je vous réponds gentiment, je vais raccrocher, j'ai pas envie de vous répondre. Vos conneries, donc... vous allez les poser à quelqu'un d'autre, voilà, j'ai été gentil aussi. Mais non, vous avez pas répondu à la question. Mais non, vous avez pas répondu, je vais être obligé de vous rappeler, monsieur. Ah oui, bah ouais, falloir rappeler. Faut rappeler. Ah bah oui, là, on a pas trop le choix. En plus, je l'ai prévenu. Ah bah en plus, c'est vrai. Allez hop, on le rappelle, c'est parti. On écoutera New World Sound comme promis juste après. Avec la flûte. Décrochera plus à mon avis. Allez vous faire foutre. Ah si, il a décroché. Oh, ce fut rapide hein. Ah c'était court là. Ce fut très bref, mais au moins bon, il a le mérite d'avoir décroché encore une fois et ça c'est bien. Bon, on appellera d'autres personnes tout à l'heure. Si vous avez des numéros de téléphone de gens encore de vous à cette heure-ci, eh bien on rappelle tout à l'heure. Vous envoyez tout ça sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Et je viens de voir sur un site d'actu qu'il y a une meuf qui s'est pas lavé les cheveux depuis 5 ans. Oh. Eh ben contre toute attente, elle est pas dégueulasse. Mais comment ça peut pas être dégueulasse? Mais non, mais en fait c'est parce qu'apparemment, elle dit qu'elle a fait ça à cause des produits toxiques dans le shampoing et parce que les shampoings bio ça coûte trop cher, donc en gros elle a décidé enfin elle se lave les cheveux à l'eau, mais elle met plus de shampoing. Ah, elle met de l'eau hein. Ouais, elle met de l'eau, donc elle se lave les cheveux. Je me demandais ce que ça devenait au bout de 5 ans. Non, mais je me suis dit ses cheveux doivent être collés sur sa tête quoi. Ouais, non, mais en fait elle les lave. Donc au début effectivement c'est tout dégueulasse et en fait au fur et à mesure le cheveu s'habitue à ne plus avoir de shampoing et en fait il devient lisse. Comme bah oui, normal, c'est quoi. Comment les gens avant? Bah c'est ils mettaient du shampoing, ils avaient du shampoing, ils avaient du shampoing avant. Si en fait ils grattaient deux pierres et ça faisait un liquide shampoigneux. Ils mettaient des feuilles. Ouais, des feuilles de shampoing en fait, ils pressaient le bordel. Des feuilles des arbres. De l'arbre. Le shampoignier, voilà. Tu connais pas le shampoignier? Le shampoignier. Il pressait les fleurs. Le shampoignier en Afrique. Dans l'eau, il faisait des shampoings comme ça. C'est bah ça. Oui, c'est ça, exactement, et tout à fait. D'ailleurs, il y avait des expéditions en chameau et tout pour aller chercher les feuilles de shampoignier. Les shampoignier, tout à fait. Bah c'est trop mignon tout ça. Une très belle plante hein, le shampoignier. Non mais c'est vrai. Le shampoignier. Demandez votre prof demain qui vous montre des photos des shampoignier. Bah là, il va pas passer. Le shampoignier, c'est très très bien. Bon, donc je disais que donc elle avait été, elle n'était plus lavé les cheveux pendant enfin depuis 5 ans. Donc venez nous dire si vous avez déjà vu qu'est-ce que vous avez déjà vu comme truc dégueulasse, genre les cheveux gras, les pellicules, les ongles crades, etc. Il y a un mec qui s'était laissé crades. Pousser ses ongles. Oui. Et ça a tombé par terre quoi. Oui, exactement. Ah. Et puis il y en avait un autre qui s'était plus lavé en fait depuis qu'il avait 15 ans et il avait 80 je crois aujourd'hui. Donc ça faisait. En fait, il n'est plus rentré dans une douche, dans une baignoire, plus jamais. Oui, et donc il est. Tu voyais vraiment sa peau qui était devenue. L'iranien, exactement. Et sa peau était comment alors? Irakien ou iranien, je sais plus, mais enfin. Il y avait comme une couche de saleté noire. Il y avait une couche, mais une énorme couche. Une couche de crasse, en fait. Ah, une couche de crasse, ouais. Comme là-bas, il y a plein de poussière, bah, en fait, c'était dégueulasse. Et sa pipe, en fait, il fume la pipe et c'est de la bouse de vache. On parlait de pipe avec le vache qui fume. Oui, exactement, ouais. C'est-à-dire qu'il met pas du tabac, il met de la bouse de vache. Bah oui, tant qu'à faire, hein, autant que ça. Il met du fumier, voilà, exactement. Il met du fumier dedans. Pourquoi n'essayerait pas, Toff, demain? Bah oui, c'est facile de trouver à Paris du fumier. Si je des champs à Paris, c'est compliqué, mais enfin pas loin. En région parisienne, il y en a. Oui, en région, ouais, mais. Et bah, comme c'est toi qui habites le plus loin de nous tous, c'est toi qui iras, Sandro, chercher le fumier. Ah, voilà. Bah, une bonne idée. Un tiens. Bon sac de d'accord. Fumier. D'accord, très bien. De toute façon, d'ici là, elle aura oublié. Dans 5 minutes, tu lui dis fumier. Mike, quoi? C'est pas ça, j'ai un chien, tout simplement. Il suffit de ramasser sa merde dans le jardin. Hein. Ah, bah, très bien. Bah, Polo, il s'engage à aller chercher la pipe. Je sais pas où on te. Bah c'est un pipier. Ça coûte cher une pipier. Tu vas chez non, un pipier. Non mais on va en fabriquer une. Ah bah oui, on va en fabriquer une en papier, ça va être avec parfait. Une bouteille et tout. Exactement. Tiens, il y a Mallory. Les vieux pipes de fumeurs de shit. Il y a Mallory qui a envoyé un message sur le Facebook. Il dit j'ai 13 ans, je suis traumatisé. Mallory, putain, j'avais dit si vous avez pas 18 ans, n'allez pas sur le Facebook voir la photo de Toff. Merde. Bah oui, évidemment que t'es traumatisé maintenant là. Stéphanie qui dit bon, moi j'ai sauvegardé la photo de Toff et je vais la mettre en fond d'écran. Oh, quelle horreur. Pierre aussi qui dit Seigneur, je saigne des yeux. Amael, oh putain qu'il est moche, Toff Burke. Et Cheryl aussi qui dit bon, il a des petites cuisses de grenouille, Toff, apparemment. Oui, puisque pour ceux qui viennent de débarquer, on avait installé une barre de pole dance. On a une prof qui est venue apprendre, enfin elle a fait ce qu'elle a pu, à Toff à faire du pole dance. Et donc il y a les deux photos où Toff est en train d'essayer de faire du pole dance, une fois avec son jean, une fois avec son calbut dégueulasse. Donc vous pouvez aller voir bien entendu sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. Et Magda qui dit moi je connais quelqu'un qui ne se lave pas souvent. Et ben merci les odeurs, c'est écœurant. Ouais, c'est assez dégueulasse. Donc dites-nous si vous connaissez ou si vous avez déjà vu des gens qui avaient des trucs genre dégueulasses, cheveux gras, les ongles dégueulasses, les doigts sales, ou ceux qui ont pas de bol, parce qu'il y en a qui ont vraiment pas de bol, il y en a qui se lavent pas, mais il y en a qui n'ont pas de chance. C'est genre dès le matin, ils puent leur mère. Non mais ça arrive hein. Ça m'est déjà arrivé, moi j'ai un t-shirt comme ça que je mets plus parce que je suis pas allergique au. C'est une matière un peu bizarre. Ouais. Je le mets 30 secondes après, ça fout de sa mère quoi. Ouais, moi j'ai le t-shirt noir qui pue la pisse. J'étais obligé d'en acheter un autre, t'rappelles ? Non c'est vrai. Non, c'est vrai. Non, on était persuadé que Polo il se pissait dessus là. Non mais c'est ça en fait. Et t'as non mais c'est vrai. Il pue toujours la pisse. Mais tu peux laver deux. Et c'est la même odeur, c'est la même odeur sur le t-shirt que j'ai, du coup je l'ai jeté. Enfin je l'ai filé mais je m'en suis débarrassé. Mais c'est vrai. Ouais mais lui c'est tout le temps. Non, c'est juste quoi, à chaque fois quand je repasse le t-shirt, je me dis c'est pas possible. Il y a un souci quoi. Il pue la pisse. Mais c'est les t-shirts de couleur, pas les t-shirts blancs. Les t-shirts blancs ça va, mais le noir, les t-shirts noirs, toujours. Et celui-là, en plus une fois je l'ai remis en pensant qu'il était. Et puis. Je dis, oh merde. Comme je disais hier, il ne termine jamais ses phrases. Hein, donc il faut chaque fois deviner ce qu'il essaie de dire. Je mime, tu vois. Il mime, bah oui, en radio, c'est bien. Bon, donc appelez-nous 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Il y a DJ Coma qui dit je crois que je suis tombé amoureux du cul de Toff. Mickaël, tout simplement parce que je n'ai jamais vu un cul aussi moche de ma vie. Merci, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Avant de récupérer Laura et avant d'appeler le gagnant ou la gagnante, on va également se faire, bien entendu, comme chaque soir, tout simplement les teubés de la télé, bien entendu. Hop là, les teubés de la télé qui, eux, ne prennent pas de congé, bien entendu. Et hier, c'était au JT de France 2 où on a enfin eu droit à la vérité sur l'histoire de François Hollande. C'est à vous, Hélène. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Comment avez-vous trouvé le président de la République? Tout simplement, est-ce qu'il était audible avec toutes ces questions de vie privée? Est-ce qu'on a quand même entendu surtout la parole qu'il voulait Moche et minable, hein, c'est tout ce qu'elle a dit. C'est tout ce qu'elle a dit, c'est le plus important. Voilà. Et puis, sans aucun doute, Julien Courbet. Ah, attention, écoute bien Jean-Pierre Sauzère, parce que je sais qu'il a envie d'aller chez Julien Courbet. Julien Courbet qui se fait raccrocher au nez, du coup, forcément, il essaye de combler comme il peut. Quoi. Je suis en train d'animer l'émission Sans aucun doute sur la chaîne TMC. Eh bien, je vous souhaite à vous aussi une bonne année et une bonne santé. Là, mesdames et messieurs. C'est ça, la France. Ça a changé depuis TF1 sans aucun doute. Ah ouais, c'est je savais pas que c'était devenu une émission musicale, moi. Je savais pas ça, dis donc. Ça a changé, voilà. Il est plus pareil. Hein. Il est plus pareil. Et puis on avait également des questions pour un champion, Julien Lepers, qui devient complètement ouf après une bonne réponse. Bien sûr. Ah oui, bien entendu. Oh là là. Ça, c'est beau. Ah oui, moi, ce que je comprends pas, c'est comment ce mec peut toujours être aussi ouvert et toujours de bonne humeur à faire cette émission qui fait. Putain, j'étais tout petit, je jouais au Lego, il y avait déjà ça, la même musique, les mêmes questions, la même voix, ouais. Les mêmes expressions. Je me vois encore jouer au Lego. Et il est numéro 1. Et il est toujours là, c'est un truc de ouf. Et non, mais bravo, c'est la bien. Première émission de France à cette heure-là. C'est vrai. Bon, retour avec Laura dans quelques minutes. Et avant ça, la colle avec Ruben. Ruben, t'es là ? Oui. Bon, allez, c'est parti, on y va Ruben, on va donner la bonne réponse, hein. On est très en retard pour le coup, avec cette colle qu'on est censé donner, offrir justement à minuit, c'est l'iPad mini qu'on offre maintenant. On y va, t'es prêt Ruben? Ouais, allez, on appelle le gagnant ou la gagnante, quelqu'un sélectionné par SMS ou sur le Facebook de l'émission, comme chaque soir sur Fun Radio. Si la personne qu'on appelle maintenant a la bonne réponse, elle gagne, tu perds. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment tu t'appelles? Quider. Ouais. D'accord, bienvenue Quider. Alors, est-ce que tu as la réponse à la colle de Ruben qu'il va te répéter maintenant? Ruben, vas-y. avec les lettres de mon nom, on peut écrire celui de ma maison. Que suis-je? Bah, je pense que c'est le chien. Oh, ouais, excuse-moi, oui. Ah oui, bah oui, oui, oui. Eh ben voilà, Quider, là, hop là, l'iPad mini que tu viens de siffler comme ça, là, Ruben, alors qu'il attendait depuis tout à l'heure, le pauvre. Bon, eh ben, Ruben. Ouais. Bon, bah, tu retournes ta chance quand tu veux, c'est pas grave. Ouais. De toute façon, ouais, c'est un iPad, c'est de la merde. Est-ce que je peux me permettre un truc? Oui. Ruben à ordure. Hop là. Elle est belle ou pas? Non. Elle est partie. Ah, bon, je m'en vais. Bon, allez, Ruben, passe une bonne nuit, même. Merci. À bientôt. Allez. Et Quider, bravo à toi. L'iPad mini est pour merci, toi. Merci. Avec plaisir. C'est tu cool. retournes chez Sandro au standard. On prend tes coordonnées pour t'envoyer ça, d'accord? Ok, merci. À bientôt et bonne nuit à l'écoute de Fun. Salut Quider. Laura qu'on va récupérer dans quelques minutes. Et puis dites-nous si vous êtes déjà tombé sur des mecs ou des meufs sales, même si vous êtes sorti peut-être avec lui ou avec elle. N'hésitez pas à nous appeler également pour en parler. 01 42 48 5000 ou si vous en connaissez. Et pour la Belgique, 02 851 4 x 0. Il est 1h moins quart sur Fun Radio. C'est la nuit sans pub. C'est Mickaël, No Limit. Venez prendre le contrôle. Faites passer le message également autour de vous. Il se passe enfin quelque chose à la radio. C'est de 23h à 2h sur Fun Radio. C'est Mickaël No Limit le dimanche également. On est en direct avec vous de 20h à minuit. Faites passer le message. New World Sound, écoute The Flute maintenant sur Fun Radio. Bonne nuit. New World Sound sur Fun Radio avec The Flute. Eh ben, restez bien sur Fun Radio hein, puisque je vous cale dans quelques minutes le son d'Afrojack. Il y aura aussi Dimitri Vegas avec Stampede. Et puis le son d'Alesso, évidemment, avec Calvin Harris, avec Under Control. Et demain, j'aurai une Nintendo Wii U à vous offrir également. Ce sera avec le canular du jeudi. Si vous avez envie d'en faire un canular, n'hésitez pas. Eh bien, vous pouvez appeler Sandro dès maintenant. Hein. Si vous voulez piéger votre copain, votre copine, un ami, la famille, n'importe qui, vous pouvez nous appeler. Si vous êtes bon, eh bien, vous repartirez avec votre Nintendo Wii U. Vous faites un mail maintenant, mikael@funradio.fr, ou vous appelez Sandro sur le standard 01 42 48 5000. Et pour la Belgique, le 02 851 4 x 0. Il y a Olivier, je crois, qui a envoyé un message qui dit « Moi, c'était mon prof de mécanique. Il pue la transpiration, c'était horrible. Il embaumait la salle, c'était limite irrespirable. Ah ouais, tu sais, quand ça sent comme ça, mais tu sais que ça t'attaque à la gorge, tellement l'odeur est dégueulasse. Comme un pitbull. Ouais, voilà, ouais. Corentin qui dit ça fait deux jours que j'écoute l'émission, je la kiffe trop. Déjà, un petit message de bienvenue, s'il te plaît, avec plaisir, bien entendu. Va te faire enculer, gros bâtard. Voilà. Pas se laver de longtemps, c'est bon pour la santé, il paraît. Ça s'est prouvé par des scientifiques. Bah, c'est comme les jeans, apparemment. Il faut pas les laver, c'est pas fait pour. Ouais, enfin, faut pas se laver, mais ça pue. Ouais, mais non, les jeans, je parle. Ah oui, les jeans aussi, hein, au bout d'un moment. Ouais, au bout d'un moment, ouais, mais apparemment, c'est pas. Tu dois pas les laver, les jeans, c'est pas à la base, c'est un truc d'ouvrier. À la base, ouais. Et Guillaume qui dit après la blague de Polo, on comprend mieux son amitié avec JB. Y a Jay aussi qui dit moi j'avais un prof qui avait tellement de pellicules que ses poux pouvaient faire du ski sur ses épaules. Et Romain qui dit il y a une meuf de ma classe qui ne se lave jamais dès 8h du matin, elle sent la transpiration, c'est horrible. Ouais, peut-être qu'elle est allergique à des trucs aussi, hein, ça c'est possible également. Bon, avant de parler des crados justement, eh bien il y a Laura, le retour de Laura. Laura. Oui, je suis là. Oui, tant mieux. Bon, alors, Laura, donc toi, tu nous avais appelé parce qu'il t'arrive quelque chose de scandaleux. Oui. Tu sors avec un mec. Oui. Ce mec. Marié. Tu es marié, voilà. Ton mari, donc, a été mangé avec son ex. Oui. Voilà. Il est monté dans sa voiture, une BM. Non, t'as oublié quelque chose d'important. C'est primordial. Ah oui, donc il a été mangé avec son ex, ouais. Une pizza. C'est ça qui est grave. Voilà. Ensuite, bon, il a terminé la pizza. Ouais. Ils ont été. Et ça, c'est très grave. Est-ce qu'ils l'ont partagé la pizza ou ils ont pris une chacun? Je sais pas te dire. Oh. Est-ce qu'ils mangeaient la croûte à deux? Ouais. Je sais pas. Tu sais pas ce que c'était comme pizza non plus? Non, je sais pas. Non, parce que c'est important. Qu'est-ce qu'ils ont bu à midi? Mais en vérité, je sais pas parce que moi, je suis pas avec lui. Moi, je suis en Belgique. Ouais. Et lui, il est où? Ah, d'accord. Lui, il habite en Algérie. Mais comment tu sais qu'ils sont allés manger une pizza alors? En attendant quoi? Qui lui a dit? En attendant quoi? Mais il m'a dit ça par téléphone. Non, j'ai compris. Non, mais puisque tu dis oui, moi je suis à Bruxelles et lui est en Algérie en attendant. Mais en attendant quoi? Mais en attendant qu'il va avoir un visa. Un visa? Ouais, pour venir. Il y a la visa. Mais tu t'es marié, tu l'as déjà vu? La carte bancaire, oui, la visa. Pourquoi pas une Amex? Ou une Mastercard. J'ai déjà vu et tout. J'étais même marié là-bas et voilà. Ah, tu t'es marié là-bas? Oui. Très bien. C'est particulier. Ça fait 8 mois. Ça fait 8 mois, mais tu l'as vu combien de temps? 8 mois. Ouais, mais tu l'as vu combien de temps? Je suis resté 3 mois là-bas, puis je suis parti chaque mois là-bas et voilà. Ah d'accord, ok. Et donc là il va venir. Bon bah très bien. Et il t'a payé combien pour le mariage tout ça? Oh tof. Mais non, voilà, c'est un mariage d'amour. Ah pardon, oui. Excusez-moi. C'est de l'amour, j'ai reconnu ce il s'aime. Pas bien sûr. Bah bien sûr. Mais bon ouais. Et donc du coup là il va venir quand ici là? Mais je sais pas. Ah tu sais pas. Bon. Moi, je sais pas. Mais t'es marié en tout cas. Donc, et donc il a revu son ex. Et donc il a bouffé une pizza. Oui. Il est reparti dans la BM. Oui, dans sa voiture, ouais. Sa meuf lui a dit que... Enfin, sa meuf, son ex, pardon, lui a dit qu'elle lui manquait. Oui. Et... Enfin, qu'il lui manquait, pardon. Et quelle est la suite de l'histoire? La suite de l'histoire, il lui a donné son numéro de téléphone. Ouais. Et puis, je sais pas s'il a gardé au cas avec lui. Mais est-ce que tu te dis pas qu'à un moment, s'il te dit tout ça, c'est qu'en fait, il t'explique sa journée et qu'en fait, t'as pas vraiment de crainte à avoir? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? S'il voulait te le cacher, il t'aurait rien dit depuis le début. Ouais, mais on n'a pas parlé de l'appel masqué. Ah oui, merde, c'est vrai qu'à un moment, il y a eu un appel masqué. Anonyme. Non, un appel anonyme. Voilà. Ouais. Elle a eu un appel que ça et m'a dit... Je crois que c'est elle qui m'a téléphoné. Ah parce que lui il n'a pas décroché donc on n'est pas sûr de qui l'a appelé. Non c'est anonyme donc il sait pas donc il se... Parce que donc effectivement on est pas certain. Elle lui a laissé un message mais elle a rien compris. D'accord. Bah, qu'est-ce qu'elle a appelé? Qu'est-ce qu'elle a laissé comme message? Je sais pas te dire parce que... Bon attends. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Ça c'est déjà la première information très importante. Comment elle peut être démasquée? Ah bah ça je sais pas. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Complètement. Bon, et donc après, quelle est la suite? Parce que là, tu nous mets du suspense, là, on a envie de savoir la suite, là. Mais je sais pas te dire parce que je suis pas avec lui. Mais tu peux pas l'appeler? Je sais pas faire un appel... Masqué? Non. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Appel, je sais pas le faire. Mais nous, on sait le faire. Mais est-ce que tu sais appeler anonyme? Est-ce que t'as le numéro de téléphone de ton mari? Oui, je lui ai donné à Sandro. Ah bah voilà, bah parfait, bah alors on va l'appeler, comment il s'appelle? Yaya. Non mais son nom c'est quoi? C'est quoi son nom? Naman. Bah oui c'est normal. Non son prénom, oh là là, donne pas le nom de famille et tout. Non mais son prénom Yaya. C'est quoi? Yaya. Yaya. Yaya. Ouais. Yaya, oh, il fait du cheval. Eh ben très bien. Non, il est allemand. Yaya. Ouais, Yaya. Très bien, eh ben écoute, alors on va l'appeler mais tu lui parles alors? Je veux bien qu'avant Sandra lui parle avec. Non, moi je pense que vous devez vous parler tout de suite. Ouais. Et je pense que nous on va profiter du spectacle. Non mais oui, vaut mieux que vous parliez entre vous, hein. Je n'ose pas lui dire est-ce qu'il tient à moi vraiment ou pas. Ben, oui mais je comprends pas. Donc tu veux qu'on l'appelle mais c'est pas toi qui parle. Voilà. On peut faire un cocu la semaine prochaine avec ça. Mais ok, mais qu'est-ce que tu veux dire? Yaya, on va appeler ça. Je t'ai fait Yaya. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Par exemple, c'est trop pour Sabrina. Mais qui? Ah bah attends, la pizza. Non mais justement, on a Sabrina justement là, Sabrina. Avec nous là. Attends, on va l'appeler. Bouge pas, salope. il s'appelle Yaya, c'est ça? Oui. Bon, et donc on lui demande quoi? Si il va dire est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous machin et truc, moi je vais écouter et après c'est moi qui je me mets là dedans et je vais voir s'il tient vraiment à moi. D'accord, ok. Eh ben écoute très bien. Et comment elle s'appelle elle? Sabrina, très bien. Bah écoute c'est Sabrina qui va l'appeler, ne bouge pas de là Laura. Sabrina, okay. Ouais, Sabrina. Voilà. Allez, c'est parti, Laura reste avec nous, ne bouge pas, on aura Joshua et Lola dans quelques minutes, on aura Logan également qui vont débarquer sur Fun Radio. Et puis on va appeler Yaya, hein. On appelle en Algérie maintenant. Yaya. Voilà. Ouais, Sabrino est prêt? Eh oui. Très bien. Je suis chaude. Tant mieux. Je frétille la chatte. J'imagine. Oh là là, quelle horreur. C'est ma chatte. Grosse lèvre, hein. Ah oui. Pour claquer comme ça. Oui, c'est ça. La lèvre est épaisse, bavante. Il y a du steak. Oh, arrête de me faire manger. Ah. Mais ça ne décroche pas les masses, hein. Tu te sucerais le sang et tout, tu verras. C'est y a personne. Ah non, y a personne. Est-ce que tu pourrais me faire un baiser à la coque, oh, s'il vous plaît? Parfait, c'est Yaya Mobile. Laura. Oui. Bon, je crois qu'il décroche pas là. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Bah, il décroche pas là. Ah bah ouais. Quand on quitte Paris, on va jouer sous les deux la marelle. Parce que voilà. C'est l'appel anonyme. C'est ça, c'est l'appel masqué qui n'est pas démasqué. Un appel masqué peut être démasqué. Mais pas sur ce cas, pas dans ce cas-ci, malheureusement. Ah non, pas en Attends, Algérie. On va quand même rappeler encore un coup, on sait jamais, hein. Ok, ça va. Attends, c'est parti, on se connecte sur le Yaga Mobile. Allez. Oh, tu aimes le sperme. Il y en a quelqu'un? Oui. Oh, arrête de me faire manger. Bah oui, après tu prends le manche en main et puis tu guides. Hein. D'accord, tu vas me le dire quand? Oh, et qui parle? Il répond quoi? Est-ce qu'il y a un esprit dans, dans l'antenne là? Mais c'est Yaya Mobile là, qui va arriver, regarde. Yaya Mobile. Hop, Yaya Mobile, voilà, c'est parti. 50 euros la minute. Hop là, Yaya Mobile, ça y est, c'est parti. Bon, Laura, on aura essayé, mais malheureusement, là, l'appel masqué peut pas être démasqué pour le coup. Hein. Ah oui, mais c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Écoute, quand tu veux, tu nous rappelles, hein. À l'occasion, okay, quoi. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. De rien. À tous. Ouais. Avec un plaisir. Et j'ai envie de te dire, y a pas de quoi. Je voulais dire que tu peux être génial. Oh, très bien. Écoute, je te repasse en antenne. Tu veux pas l'épouser? Non. Ça va aller. J'ai pas besoin. Très bien. Bon, ça marche. Allez, salut, Laura. Salut. Aide-moi. Oui, mais c'est qui à côté, là? C'est moi, ça fait. Ah, c'est la sœur. J'ai eu peur, je croyais que l'émission était possédée. Mais oui, c'est ça, je pensais qu'on était en double émission là en même temps. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Bon, allez, salut la sœur. Bonjour. Oui, au revoir, vu, Laura. Oui, mais non, mais c'est bien, c'est original, quoi. On dirait Casper qui arrive là. Ouais, exactement, c'est un truc. Tu te sucerais le sang et tout, tu vois. Bah oui, évidemment. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'a plus de nouvelles de Gilou, là. Ouais, bien-t-il. Que devient Gilou? C'est ça la question qu'on peut se poser ce soir, c'est la grande question d'ailleurs. Bon, on va prendre Joshua avec nous maintenant de Fontainebleau. Allô Josh. Yo, comment ça va la famille? J'ai du mal à prononcer ton prénom, il m'emmerde beaucoup, j'aimerais bien que tu t'appelles Robert à la place. Non. Non mais Yaya. C'est compliqué. Joshua. Non, c'est mieux, Yaya. Ah, Joshua? Ouais. Pourquoi tu mets un H alors? Bah, il se prononce pas, t'es. Je sais pas. Quoique, toi encore, t'as l'accent anglais, du coup, tu peux. Mais... Oh, yeah, Joshua, ok, come on. Yeah, no problem, yeah. Motherfucker, man. Fuck off. Ok, man. Fuck you, man. Pourquoi tu appelles, Joshua? J'en profite dedans. Parce qu'on parlait des trucs dégueulasses, et vu que j'étais en internat, j'en ai des trucs. Je crois que tu vas dire parce que moi-même, je suis un gros porc. Non? Non. Ah, je pensais. Non. Alors, vas-y. Non. En fait, à l'internat, il y a donc à des moments, il y a des gens qui se lavent pas, tu vois. Ouais. Donc, Bah oui, pour économiser l'eau. Ouais. Et genre, il y a un gars dans notre chambre, je l'avais pas du tout pendant longtemps. Ouais. Du coup, on trouvait ça dégueulasse. Forcément. Donc à un moment, on lui met du dentifrice dessus, on dit maintenant tu vas te laver. Et le lendemain, il avait encore le dentifrice dessus. Bien sec et tout bien collant. Ouais, mais peut-être qu'il a des problèmes psychologiques. C'est sûr. Bah oui, mais c'est pas drôle. C'est le mec qui plombe l'ambiance. Ouais, c'est ça. Espèce de salopard. Non, mais c'est vrai. Et quoi, vous lui avez dit? Vous avez fait la remarque? Mais oui, on l'a dit. Il a fait toutes les chambres de l'internat. Personne ne voulait dans sa chambre. Il se l'avait bah pas. Bah oui, sans déconner, évidemment, s'il pue la merde. Elle, ouais. Salaud, il a fait exprès pour avoir une chambre pour lui tout seul. Hein, ouais, peut-être aussi, ouais. Alors que pendant ce temps-là, là, maintenant, il est bien pépère, hein, le mec. Voilà. Hein. Mais ouais, mais en plus, le pire, c'est genre la nuit, il se branlait, donc voilà, il dérangeait ouais, tout le monde. Ouais, mais ça, moi aussi, Toff aussi, ouais. On se tous, que, pas que la nuit. Hein. Ouais, bah, sauf que la nuit, il se levait, il mettait sa tête en face de la tienne pendant que tu dormais. Et il te faisait ça? Oh, écoute, ouais, c'est ça. Et il arrivait comme ça ou il disait comme ça, là? Est-ce que tu pourrais me faire un baiser à la porte, s'il vous plaît? Non, mais c'était limite. Ah ouais? Il faisait flipper le gars. Ça forcément. Mais lui aussi en même temps, parce que quand il arrive et qu'il dit. Oh, tu aimes le sperme? Alors forcément, évidemment. Y'a pas de verre au cul, non? Ah bah non, y'a pas de verre au cul. Bah si, là. Y'a un verre au cul ou y'a pas de verre au cul? Y'a pas de verre au cul. Y'a pas de verre au cul. Oh, tu pourrais pas me toucher un peu le. Bah, je sais pas. Bon. Et donc, du coup, tu lui as dit ou tu lui as pas dit? Mais on lui a répété plein de fois, il écoutait pas. Et puis. Ça se fait pas. Il doit aimer ton prochain. Bizarre. Ouais. Mais le pire, c'est qu'il avait une peluche, tu vois. J'ai peur. Et il lui a fait un trou dans le cul. Oh, c'est ça, fous-toi de ma gueule. Non, je te jure, par contre, c'est vrai. C'était à Montargis, à Saint-Louis, à Montargis, parce que j'étais en internat là-bas. Ouais, chambre 25. Non, mais je balance. Non, mais non, balance pas. Bon, et donc, il a fait un trou dans la pluche, et quoi, il a utilisé... Bourré. Ah, d'accord. Il a kiffé la pluche ou pas? Bah, je sais pas. En fait, on le laissait faire, mais dans son coin. Non, mais tu vendrais ce que tu veux, hein. Pourquoi pas, hein. C'est original. Et donc en termes de dégueulasserie, c'est vrai qu'on la tient quand même un bon niveau là, hein, a priori. Hein. On en tient une belle paire là, on en tient une très très belle, très très belle. Les autres, appelez-nous. J'ai pas tout dit, hein. Ah bon, bah vas-y, balance la suite alors. Ouais, tu balanceras dans un instant là, reste avec nous là. Bouge pas, si vous aussi vous avez déjà vécu des trucs dégueulasses comme ça, appelez-nous maintenant là. C'est Afrojack qu'on écoute maintenant de Spark sur Fun. A little bit of misfit dancer, a little bit of JoJo dancer. Le son d'Afrojack à l'instant de Spark sur Fun Radio. Il est 1h05 du mat. On est sur Fun. Il est 1h05. On est au cœur de la nuit sans pub. Il y a Fabienne qui dit un appel en Algérie. L'émission est internationale. Eh bah oui, Fabienne. Émilie qui dit j'aimerais une dédicace pour le collège de Vegas France. On vous écoute tous les jours de 21h à 5h. Vous êtes trop fort, l'équipe. Merci Émilie. Gros bisous à tout le monde. Et John également qui dit moi, ma prof, elle pue, elle avait les ongles tout jaunes. J'ai connu aussi un collègue qui pue la piste de chat tous les jours. C'est Ada qui m'a envoyé le message. Mais comme je dis en fait, hein, c'est pas forcément. Pour le coup, c'est pas forcément dû au fait qu'il se lave pas ou quoi que ce soit. Ça peut arriver en fonction du t-shirt ou de la matière du t-shirt ou du pull. Bon, après, c'est au mec à être un minimum intelligent. Après, une fois, deux fois, le mec il le met plus, tu vois, c'est pas la peine. Alexo qui dit si Toff tombe sur la tête, est-ce qu'il arrêtera d'être salaud? Tout est possible avec la barre de pole dance. Non, ça sert à rien, hein, tu sais, ça sert à rien. C'est comme les meufs ou les mecs qui fument, qui ont un cancer, ils ont un truc dans la gorge là, et il y en a qui mettent leur cigarette dans la gorge pour continuer à fumer, donc c'est quand même, et bon heureusement il n'y a pas beaucoup, mais c'est pour te dire que quand t'es con tu vas jusqu'au bout. Bah pareil pour Toff, hein. Toff, interdiction d'éjaculer avant la fin de la danse sur la barre de pole dance. Non, je pense qu'il ne l'a pas fait, en tout cas j'espère. On a eu tout à l'heure effectivement Caroline, une prof de pole dance qui est venue donner des cours à Toff. Dieu sait que ça s'est pas très très très très bien passé, et donc il y a la photo qui est sur le Facebook de l'émission. On fera la vidéo également tout à l'heure avant la fin de l'émission, on vous la mettra, enfin avant la fin de l'émission, à la fin de l'émission on vous la mettra puisqu'on est en train de la monter là. Et donc les photos sont disponibles dès maintenant, facebook.com/mikaelofficiel. Et Habib qui dit aussi oh putain ça m'a tué, vous me faites délirer tous les soirs, je vous aime trop, Toff est un gros cochon, j'aurais plutôt dit gros porc moi. Et puis merci également, on a encore top tweet ce soir, merci à tous ceux qui sont connectés sur le Facebook, sur le Twitter et sur l'Instagram. Pour m'ajouter d'ailleurs, vous tapez M-I-K-L officiel en toute simplicité. Bon, Joshua, allô? Ouais, c'est moi. Ah, très bien. Donc toi, tu nous disais que tu étais avec un mec dans un internat. Le mec était dégueulasse, mais tu nous avais pas tout dit. Qu'est-ce qu'on a raté encore? Alors, il y a aussi une période où en fait, il savait pas quoi faire. Du coup, il prenait le téléphone des gens. Il allait sur les sites genre YouPorn et tout. Mm-hmm. Et il gardait le téléphone. Genre, tout le monde disait, putain, on m'a volé mon tel et tout. C'est chaud et tout. Et il retrouvait après le téléphone deux jours après. Avec dedans plus de crédit que d'un historique de trucs porno. Non, mais ça n'a rien à voir avec la dégueulasserie, ça. Enfin, si, c'est dégueulasse, mais pas dans le même sens. Ouais, mais quand même. Après, sinon, il y a une fois aussi... Mais tu le connais par cœur, c'est ta mère. Ouais, c'est ça, t'es sorti avec lui. Non, mais il était dans ma chambre. Ah, je croyais qu'il n'y avait pas de chambre. Mais si, tu partageais la tienne. Enfin, la sienne. Mais oui. Enfin, la vôtre, quoi. On était quatre dans la chambre. Oh, l'angoisse. Et il y avait moi... Ah, moi, je pourrais pas, déjà, ça fera trop de bruit. Attends, tu rigoles. Mais c'est vrai, moi je pourrais pas avec trois. Dormir avec quatre personnes dans une chambre, mais je. Avec quatre mecs, ça pète. Ah, mais je tue tout le monde et puis je me tue. Oh non, ouais, mais je pourrais pas. C'est une façon de voir la vie. Je pense que même mort, j'entendrai encore des bruits. Tu sais, les mecs, quand il y aura un enterrement juste à côté de chez moi, tu sais, ça va me réveiller. Ah, c'est sûr, il y a de fortes chances. Enfin bref, yeah, on en parlait vrai. Hier, hein, pour ceux qui étaient là avec nous, par rapport au bruit, etc., qui rendait nerveux. D'ailleurs, je tiens à saluer un auditeur qui a dit « Tiens, aujourd'hui, ce midi, à la cantine, j'ai mangé comme Polo, j'ai essayé d'aspirer mes. Mais j'aspire. Le riz. J'aspire. Si t'aspires, pas. Si non, t'aspires. Non, j'aspire pas. Bon, Joshua, et donc du coup, il piquait le téléphone. Ouais. Bah, c'est peut-être à cause de lui, hein. On en a parlé hier, là, qu'il y avait. Qui était 18 fois plus sale que des chiottes, c'est des téléphones portables. Ouais. Peut-être que ça vient de lui, va savoir. Bah, merci Joshua, en tout cas, d'être passé. Bah, ouais, tu peux refaire une dédicace? Bah, vas-y, il y a une seule personne toujours, hein. Ben, alors, à Fontainebleau, le lycée F1, seconde 8. Très bien, eh ben, le message est passé, pas de problème. Salut à toi, Joss. Ciao la famille. Salut, salut, à bientôt. Ciao à toi, la famille. Ciao la famille. Bon, il y a également Lola qu'on va prendre dans quelques minutes. Et puis il y a Logan d'abord qui appelle de la Ciotat. Salut, salut Logan, comment ça va? Ça va, et vous? Eh ben très très bien Logan, il est 1h10, là on est tranquille, il y a encore des appels d'autof qu'on va faire d'ici quelques minutes. Et bah on parle de quoi, dis-moi, avec toi Logan? Ben de chatroulette, le site. De chatroulette, ça existe encore ce truc là? Bah apparemment. Ben, oui. Ouais, ben, oui. Je croyais que c'était fini moi, chatroulette, ça fait tellement longtemps qu'on en a plus parlé. Il y en a toujours, il y a toujours des pervers. Ah bon? Ah putain, je savais pas qu'il y avait encore des pervers là-dessus moi. Pourtant j'y vais plus. Je dis, je savais pas qu'il y avait encore des pervers là-dessus. Eh oui, toujours, toujours. Mon avis doit vraiment rester que les merdes. Parce que à l'époque, quand on avait découvert ça, c'était en 2010, je crois, un truc comme ça. Et il y avait vraiment mais des cas. 2009, 2008. Ouais, ouais, peut-être 2009, c'est possible. Et on s'était fait des sessions. Qu'est-ce qu'on se marrait. Oh là là, putain, avec les mecs et... Et donc, il y en a qui captaient qu'on était à la radio, puis après, il y en a d'autres qui savaient pas. Oui, après, il y avait des meufs aussi, en fait, Toff. C'est il quoi, a essayé c'est... de pécho, mais il a pas réussi à pécho, Toff. Non, jamais. Du coup, après, je montrais ma bite. Ouais, c'est ça, exactement, ouais. C'est un peu comme Skype aujourd'hui, ou non, c'est non, non pas du tout, non. T'es sur un site, pour ceux qui connaissent pas, t'es sur un site. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'ils n'ont pas entendu parler encore, peut-être. Et en fait, tu vas sur chatroulette.com, je crois. Et puis, c'est un truc, il faut une caméra, et puis, voilà. Tu vois, et puis tu peux zapper les gens, en fait. Donc, c'est-à-dire que tu vois quelqu'un qui te tu peux discuter avec lui, dès qu'il t'emmerde tu pousses sur enter, spacebar ou je sais pas sur quoi next, ouais. Sap, là. Et tu changes. Le mec est dégagé ou la meuf est dégagée, tu passes à la suivante et ainsi de suite, et tu ne peux jamais être sûr, tu peux pas choisir sur qui tu vas tomber. Donc c'est-à-dire les gens du monde entier en fait. Voilà, et donc connecte. Si tu zappes, eh ben c'est trop tard, tu zappes, après tu peux re-zapper, tu vas peut-être retomber dessus, mais il va falloir zapper hein. Donc mais je savais pas que ça existait encore là, mais t'as été dessus récemment? Je me suis fait un délire avec un collègue. On s'est déguisé en femme en fait. Ouais, il y a de ça aussi, ouais, c'est vrai. Mais avant, tu pouvais tomber sur des meufs bonasses. Et puis après, il y en a qui mettaient des films de cul, qui diffusaient des films de cul sur leur ordi. Ouais, mais il y a plein de pubs, il y a plein de trucs. Ah, ils ont mis de la pub maintenant, bah oui, tu m'étonnes, ouais. Et donc, c'était quoi? Vous étiez déguisé en meuf et puis? Ouais, ben voilà. Y a des et puis, on est tombé sur un mec qui ressemblait à toi, c'est bizarre. De quoi? Il y a des mecs qui sont trop chelous parce que. Genre, ils se branlent sur toi, plein de trucs comme ça. Et tu les vois se branler? Hein? Tu les vois se branler? Ah ouais, non, mais tu vois tout, c'est... Bah toi, va y retourner, il pensait que c'était fermé. Je suis dessus, là. Ça m'étonne pas. T'es vraiment dessus? Bah oui, je suis vraiment dessus. Mais t'as pas de caméra, ça marche pas sur l'ordinateur. Si, t'es pas obligé d'avoir une caméra. Ah d'accord, ok, donc tu fais next. Bah, tu tombes sur une meuf ou pas, là? Bah je sais pas, attends, parce qu'il faut que ça sert à rien, tu peux même pas lui parler, tu peux rien faire, y a pas de micro, y a pas de son... Tu peux taper, c'est comme un vrai chat. Ah ouais, c'est vrai. Bon, et donc du coup, t'es tombé sur des mecs qui se branlaient, et puis... Et voilà, c'est tout. Bah c'est déjà pas mal, hein. Ouais. Ah, c'est déjà pas mal, je te confirme. Dites-nous tiens, si vous avez déjà essayé, déjà si vous avez fait des rencontres sur internet, truc un peu cul, hein, parce que les rencontres normales, évidemment. Pardon, oula, j'ai failli m'étouffer. C'est déjà arrivé plein de fois, mais. Non, je peux manger, non. Mais et donc dites-nous si vous avez déjà fait des rencontres via des sites un peu spéciaux comme le chatroulette pour le coup. Tiens, reste avec nous, Logan, tiens, on va en parler dans quelques minutes. Il y a Lola également qui est avec nous. Salut Lola. Ça va et toi? Oui. Bon, t'appelles de Paris, Lola. Toi, tu voulais parler des mecs dégueulasses ou des meufs dégueulasses, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Ouais. Alors, explique. Bah, en fait, j'ai une pote au collège. Quand on la voit comme ça sur elle, elle est propre sur elle-même et tout. Enfin, ça se voit pas. Elle est propre sur elle-même. Oui, non, mais je sais pas comment dire, mais enfin, ça se voit. Elle est propre. Oui, voilà. Et donc, du coup, elle m'avait invité à dormir chez elle, et je suis partie chez elle et tout. Et puis là, j'arrive, j'étais choquée. Enfin, il y avait des pâtes par terre, du Nutella sur la Freebox. Enfin, c'était dégueulasse. Et donc, du coup, j'ai rien dit, vu que c'est gênant pour la personne. Et donc, du coup, j'ai dormi chez elle, et après, je me suis retrouvée avec deux boutons sur le visage. Ouais, mais ça veut rien dire. T'attrapes pas les boutons comme ça en 30 secondes. Ah, c'est quand même grave. Vu tout ce qui se passe dans le monde, c'est les deux boutons quand même. Ouais, les deux boutons, c'est quand même scandaleux. Non, mais sérieux, à mon avis, ils allaient arriver quoi qu'il arrive. Hein. Bah oui, bah même si c'est pas par rapport à ça, c'était ça, c'est elle. Enfin, même, enfin, je sais pas comment dire, mais sa cuisine, c'était dégueulasse. Même si c'est pas toi, t'es propre, tu fais le ménage, c'est dégueulasse chez toi. Ouais, mais c'est après. Mais tu sais, après, il y en a qui sont bien dans leur crasse, hein. Bah oui, en termes de dégueulasse, par exemple, on connaissait quelqu'un avant qui allait pisser. Ouais. Et puis il parlait pendant qu'il pissait. Ouais. Et puis il sortait les chiottes. C'était horrible. Ouais, il se lavait pas les mains. Et puis il sortait les chiottes sans se laver les mains, ouais. Et ça le dérangeait pas quoi. C'est... Et il avait un rôle important. Oui, il ça était aussi. Sale. Mais... Et au final, voilà, tiens, il se touchait la teub, il allait pisser, et puis après, sans se laver les mains, ça lui posait pas de problème. Et c'était. et c'était assez particulier, enfin bon, bref. Follow me, bah, évidemment. Ouais. Il y avait tout un cérémonial de la pisse. C'est ça. Et donc du coup, Lola, donc, du coup, tu vas plus, toi? Je lui parle toujours parce que, c'est pas pour ça que je vais pas lui parler. Non, mais bien sûr. Mais tu vas plus chez elle. Voilà. Ça c'est un truc. Ça c'est un truc. Par exemple, moi jamais j'allais dormir chez les potes parce que j'étais jamais sur soi propre. Même quand j'étais petit, j'avais 4 ans, j'étais relou. C'est-à-dire, ma mère disait mais tu vas pas dormir chez lui ? Non, pas question. Non parce que j'avais pas. Même aujourd'hui, j'aime pas dormir dans des draps qui sont pas les miens. Même à l'hôtel déjà c'est dur. Ah même à l'hôtel, je prends ma couette, mon coussin, tout bordel. Moi je prends deux valises, une valise avec mes affaires, une valise avec la couette. Et je pars avec ça, sinon je passe de mauvaises vacances. C'est vrai en plus. Je sais que c'est. J'attends d'avoir assez de problèmes pour aller voir un psy pour voir s'il peut me faire un prix de gros. Ouais. Tu vois, pour plusieurs problèmes, si j'ai une carte de fidélité, tu vois, si le 10e problème est gratuit, tu vois, si je fais 10 problèmes, le 11e est gratuit. Ah non, monsieur, il vous en manque un. Ah merde, attendez, je vais réfléchir après le problème là. Mais, et toi, t'es capable pour le coup, si le psy te dit vraiment ça, de t'en trouver un et de faire une. Bien sûr. Ah bah bien sûr. Évidemment, si j'ai un plan gratuit, ce serait con de passer à côté. Bah oui. Ah c'est vrai. Bah, sinon, il peut lui demander s'il peut faire un prix de groupe aussi. Ah oui, un prix de groupe aussi, c'est vrai, ça, c'est vrai. Bon, bah Lola, merci à toi d'être passé en tout cas. De rien. Et tu reviens quand tu veux. Ok, pas de soucis. Salut Lola. Bisous. Ciao, bye bye. Bon, alors Logan, reste avec nous. Et puis, je viens de voir un truc aussi assez improbable. J'aurais jamais cru que c'était autant. 64% des couples font l'amour dans le noir. Mon Dieu, mais c'est bah oui, c'est nul. Bah du coup, je voulais savoir si vous aviez comme ça des petits rituels avant de faire l'amour, ou si vous étiez peut-être déjà tombé sur des mecs ou des meufs qui voulaient absolument faire l'amour dans le noir, ou qui doivent par exemple prendre une douche avant de faire l'amour, ou qui doivent manger un truc, ou qui doivent je sais pas quoi. Donc venez nous en parler. 01 42 48 5000 pour la Belgique, le 02 851 4x0. Venez nous expliquer ce que vous avez déjà vécu, ou ce que vous vivez peut-être encore maintenant comme passage obligé avant de faire l'amour. On en parle dans quelques minutes sur Fun Radio. Le temps d'écouter le son de Dimitri Vegas, je vous l'avais promis. On va se le faire maintenant. Dimitri Vegas et Dubs maintenant sur Fun Radio avec Stampede. Il est 1h16, c'est Mickaël No Limite. On est en direct sur Fun Radio. On est en direct jusqu'à 2h du mat. Eh ben voilà Dimitri Vegas à l'instant sur Fun, Stampede, il y aura Alesso aussi, Calvin Harris, ce sera Under Control, je vous le cale dans quelques minutes. Et puis il y a un message qui dit j'ai rencontré ma chérie sur Skype et maintenant ça fait 9 mois qu'on est ensemble. Donc les rencontres via internet peuvent marcher, mais pas de chatroulette, c'est Ada. Cheapest Baby qui dit moi je suis bordélique, je supporte pas qu'on range mon bordel parce que je m'y retrouve, c'est le principal. Et Let's Be Fritz qui dit je me suis tapé des barres avec chatroulette déguisé devant la webcam, des inconnus et moi on rigolait. Et Benji aussi, ouais moi j'aime bien, ça me fait marrer. Et chatroulette, et Stéphanie qui dit chatroulette, c'est devenu trop nul maintenant. Bah c'est vrai qu'on s'était bien marré avant, mais là ça fait un bout de temps qu'on a plus été voir. Et Ayo aussi, rien de mieux que d'écouter votre émission, de se taper des bonnes barres avant de dormir. Bisous à Sandro, merci en tout cas d'écouter tous les soirs sur Fun Radio. Là on est là de 23h à 2h du lundi au jeudi et tous les dimanches de 20h à minuit. Faites passer le message et faites venir également un maximum de monde, c'est normal. Donc je vous avais demandé aussi si vous aviez des rituels avant de faire l'amour. Comme là, 64% des couples font l'amour dans le noir, ce qui est quand même dommage. C'est vrai. Enfin, bah oui. S'ils sortent avec. Imaginons que t'es une meuf, tu sors avec Toff, évidemment t'éteins la lumière. Ah mais oui. Ah oui. Évidemment. C'est obligé. Évidemment. Bah, c'est normal. Bah c'est d'ailleurs le seul moyen que j'ai de faire l'amour. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il essaye de se mettre avec des potes qui eux sont mieux. Hop, ils niquent avec leur meuf. Et t'entends, je vais aux toilettes, hop, Toff rentre à ce moment-là. Ouais. Et il se tape la meuf, il fait noir évidemment, elle croit toujours qu'il y a Brad Pitt, sauf que c'est devenu Brad Pute et s'en sont pas rendu compte quoi. Non c'est ça, et puis généralement elles sont à moitié endormies donc ça passe bien. Bah voilà c'est ça, donc c'est quand même, ça passe crème quoi. Exactement. Bah exactement. D'ailleurs je leur en passe un peu. Et bah c'est ce que j'allais dire. Cyril est avec nous maintenant, bonsoir Cyril. Oui bonsoir l'équipe, bonsoir Fun Radio. Comment ça va Cyril? Ah bah ça va très bien, je suis rendu casino là tu vois. Alors, t'as fait une bonne soirée ou pas? Ouais, 400 euros, c'est cool. Ah, quand même! Il s'est mis bien, là, 400 euros, là. Et quand... j'ai allumé Fun Radio, comme d'hab, et j'ai entendu le sujet de ce soir, et je me sens totalement concerné, en fait. Ah, bah, très bien, parce que, donc, tu te sentais concerné par quoi? Par les mecs et les meufs qui se lavent pas? Pas du tout. Bah, non, je sais pas. Non, parce que j'ai rencontré ma petite amie il y a 2 mois, et en fait, bon, on est passé aux choses sérieuses il y a peu de temps, en fait, il y a à peu près 1 mois. Et elle est sale? Et depuis, non pas du tout, arrête. Je sais pas. Non mais c'est qu'elle fait faire l'amour en fait dans le noir. Ah. Et ça, c'est quelque chose que moi, bon, j'avais pas l'habitude de faire, parce que moi, j'ai 25 ans, elle va sur ses 19. Ouais. Et en fait, elle m'a avoué qu'elle a jamais fait l'amour dans le jour, et c'est pas quelque chose de... Bah, elle n'a peut-être jamais vu de mec, et que du coup, elle a peur. Ou c'est un vampire. Non, mais en fait, c'est pour savoir. Alors, apparemment, 64... Mais je me sens pas tout seul, en fait, parce que... Mais... Elle ah a... non, mais t'es pas tout seul, hein. C'est-à-dire qu'il y a plus d'un mec sur deux qui aime bien faire ça, donc... Enfin, qui est deux... Un couple sur deux. Mais elle est complexée, ta meuf, peut-être, non? Non, peut-être? Non, pas du tout, parce que je lui dis, franchement, elle est magnifique, elle n'a aucun problème à avoir. Non, mais c'est une meuf, hein, c'est-à-dire que... Peut-être que toi, oui, tu la trouves magnifique, mais elle, est-ce qu'elle ouais. n'a pas des complexes? Non, parce non, que moi, après, c'est un peu le subi que je fais, hein. Non, non, parce qu'après, honnêtement, elle a fait 12 ans de gym, tu vois, elle a encore... Non, mais ça veut rien dire, c'est une meuf, c'est-à-dire qu'en fait, une meuf peut être méga bonasse, elle va dire, ouais, mais je suis grosse. Je n'aime pas mon... Ouais, mais ça va pas, mais regarde, j'ai un sale cul, alors que... Et faut pas se fier. Et il y a des nanas qui sont très sportives et musclées, ben, ces nanas-là, complexes, trouvent qu'elles ont des cuisses, par exemple, des fois trop carrées, non, quoi. Non, mais c'est même pas qu'elle est complexée, c'est juste que c'est pas possible et... Alors elle complexe sur toi peut-être. Alors que les mecs comme Polo ou Toff, eux, ils complexent pas, hein. Ah non non, bah. Ils en ont rien à branler, hein. Bah ouais, si je commence à complexer, c'est plus de moi que je baise. Dès qu'on bande, on bande, on y va. Alors, ah bah, ouais, ça on c'est... prend ce qui passe. Hein, voilà. Même le stagiaire, je le baise, moi. Là. Non, je rigole. Bah oui, bah de toute façon, tu baiseras bien avant qu'il parte. On peut pas. Mais enfin, voilà, c'est avec ça. Teuf, hein. Bah bon. C'est ça, moi, l'histoire du nounours à l'internat, après, je sais ce que c'est. Tu m'étonnes. Après, c'est vrai que je tiens à signaler une chose, c'est vrai que ça décuple les sensations, parce qu'en fait, on n'attend que lui. Enfin, on entend que les sons, quoi. Ah, vous faites un truc à trois. C'est vraiment le noir total, quoi. Ah ouais, donc ça l'excite, en fait. Ben je sais pas, après ben, c'est vrai que au début je me suis dit putain elle aime pas voir ma tête ou je sais pas. Ah il y a peut-être de ça. Tu lui fais peur. Non, ouais. Non pas du tout. Enfin je pense pas, elle me portait pas la poisse. Hein. Non, ça peut être aussi une histoire de sensation. Non après c'est je sais pas si une histoire de sensation, c'est juste que c'est. Enfin dès qu'on aborde le sujet, c'est non direct, quoi, et ça la refroidit et. Ah ouais, bon, c'est après, bizarre. Quand t'as envie de faire un câlin, t'as pas envie de te prendre la tête avec ta copine, bon, elle a dit non, quoi. Tu sais quoi, à la limite, que pendant que t'es en train. Tu peux avoir les espèces de petites lumières Philips, là, tu gardes la télécommande dans ta main. Pendant que tu es en train de faire un truc, hop, t'allumes pépère tranquillement, tout doucement, tu vois. Hop, en monstre. Voilà, c'est ça. Et là. Et elle le bouffe. Exactement. Ça, tu peux essayer, ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, franchement, chercher des solutions, en fait, savoir si c'était normal, s'il fallait que j'attende. Bah, normal, c'est pas mal. Ouais, après, tu peux essayer avec une petite bougie, juste une seule dans le bout de la pièce. Franchement, j'avais pensé aussi aux bougies, mais c'est terminé. Bon, après. Et puis, dans le noir, tu peux lui faire croire que c'est un god, hein. Ah bravo. Ah ouais, bravo. Ah bravo. Offert par passagedesir.fr, mais je sais pas s'ils font des bougies, je vais regarder. Bah écoute, va regarder, ouais. Ou alors profite pour la sodomiser, tu dis ah bah voilà, bah il fait passer noir. C'est ça, n'importe quoi. Tu peux avoir l'excuse de j'ai pas vu. Oui, bah bien sûr, et bon, enfin de toute façon quoi qu'il arrive. Il y a le prince Nadia qui dit moi au début de ma vie sexuelle, je le faisais dans le noir car j'avais peur de voir que ce que le garçon avait entre les jambes. Oui, bah ça c'est sûr. Hein. Quand je suis avec ma chérie, on fait de l'amour avant de dormir, petit rituel du soir. Bah écoute, c'est bien, tous les soirs quand même, pas mal, hein. Beau score. Du coup, ce qui est embêtant en fait dans notre couple, c'est que bon, en pleine journée, tu peux avoir une envie. Qui vient et le fait qu'il fasse jour, c'est mort, quoi. Ah, moi j'ai un bon conseil, hein. Tu peux toujours aller habiter en Islande. L'avantage c'est que pendant tout le mois de décembre il fait noir. Bon bah écoute, si fin de radio montre le billet, j'y vais de suite. Regarde, tout est gratté. Je te propose déjà une solution gratuite pour aller niquer avec ta meuf tous les jours et t'arrives encore à essayer de gratter plus. Mais sinon il y a l'office du tourisme d'Islande qui t'offre le voyage si tu vas à New York en passant par chez eux. Ouais, non, c'est ça. Mais tu dois passer une semaine là. Ouais, c'est ça, ouais. Tu deviens fou là. Eh non, mais c'est bizarre qu'elle ne supporte pas la lumière. Je te dis, ça doit être un vampire. Ouais, peut-être que c'est un vampire. Mais non, mais elle peut être belle et vampire. Elle fait vachement de... Pas de suçon, mais de... Ouais, dans le cou en plus. Tu vois? Ah, tu vois? Peut-être que c'est ça, ouais. Viens avec une gousse d'ail ici. Mets un crucifix au-dessus de ton lit. Ouais, voilà. Tu mets un crucifix, ouais. Mets du gros sel, la gousse d'ail, tu mets tout ça, ouais. Et il y a Alexo qui dit baiser dans le noir ou allumer du moment que tu baisses, et que tu as du plaisir, c'est le principal. Bon, moi je suis assez d'accord. Non, mais d'accord, mais quand c'est tout le temps. Je vous rappelle, dans un an, même heure. Et je verrai si ça a changé ou pas. Bah tu seras peut-être plus avec elle, hein. Bah me porte pas la poisse. Parce que t'es en train de t'emballer là. Non, attends, j'ai 25 ans maintenant, ça y est, faut se poser. Parce que bon, plus jeune, c'est vrai que j'ai vécu pas mal d'expérience, mais là. Ah bon, à 25 ans, faut se poser. Parce que Toff, il a pas compris. En fait, il s'est posé, mais c'est un peu comme un avion qui atterrit mal. Hop, il a rebondi, reparti. Moi et Mickaël, on peut pas comprendre parce qu'on a 22 ans. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai 22 ans et demi. Non, on a eu. Oui, exactement. Non, t'es plus jeune que moi. Ah oui, je suis un peu plus jeune, hein, demi. C'est ça. Ouais, 22 et 22 et demi. Ouais. Tout ça a été très clair. Non, bah, ça vous est jamais arrivé. Dans le noir. Ça m'est déjà arrivé de le faire dans le noir, mais pas obligatoirement. Pas temps, quoi. Moi, lumière, éclairage, full éclairage, on fait tout, nous. Voilà, dans la salle de bain, on profite. Non, mais on peut pas se permettre de louper une occasion. Mais oui, c'est exact. On sait jamais si ce sera la dernière mais ou pas. Mais c'est toujours la dernière. C'est toujours, moi, c'est toujours la dernière fois. Elle fuit après. C'est toujours la dernière fois. Après, je sais pas si je la reverrai un jour, la meuf. Ça t'arrive, toi aussi, quand elle a ses règles, tu défonces. Oh là là, mais on peut pas. Mais il paraît que les meufs kiffent plus. Eh ben, franchement, honnêtement, voilà, y a pas toutes ne veulent pas le faire pendant la règle, ce que je respecte parce que moi. Ah oui, mais bien sûr. Après, si elle se nettoie, que c'est propre et que, je veux dire, c'est quand même naturel. Donc, sincèrement, moi, c'est vrai que j'ai remarqué. Ma oui, ma c'est la nature, exact. Ma complètement. D'ailleurs, une petite sodomie tampon, ça passe toujours bien pendant les règles. Oh, putain, c'est vraiment un gros porc. Oh là là. Putain, on peut pas partir sur un truc comme ça et directement, il faut qu'il fasse de la merde. C'est un sale. C'est vraiment un gros porc. C'est un gros porc. On m'a toujours dit, et j'ai toujours entendu, qu'à la rivière au coude. Oui, on a compris. Non, hein, tu peux aller tenir la main, toi, tiens. Parce que la sodomie serviette, ça marche pas. Parce que du coup, t'as tout dans la culotte. Bon, Cyril, va faire un tour là de 5 minutes. Ouais, c'est ça. Va te prendre dans les chiottes, ça ira mieux là. Parce que depuis qu'il a vu. Pour être avec ma petite amie, je veux dire, c'est pas. Même étant un mec, tu vois, c'est le kiff de beaucoup de mecs, je pense. Et moi, j'ai pas honte de le dire, à 25 ans, j'ai jamais sodomisé une femme, mais c'est vraiment pas mon kiff. Mais ça sert à rien, c'est pas. Non, après, je sais pas, je pense que c'est un manque de respect. C'est sale. Ouais. Mais ça dépend. Ouais, c'est un manque de respect si toi tu veux et qu'elle veut pas, mais à partir du moment où les deux sont d'accord, qu'il y a des problèmes. Bah, après, j'ai un conseil. Alors, je vais te dire, la réalité, c'est tu gardes celle qui te plaît, tu ne fais pas sucer, tu la sodomises pas, et puis t'en trouves deux, trois. Non, mais sérieux, t'en trouves une pour la sodomiser, puis l'autre pour qu'elle te suce le dard. Mais c'est comme ça, c'est pas vrai, Tof? Putain, je viens de trouver l'excuse que je cherchais depuis des années. Parce que tu la respectes, mais les deux autres, je les respectais pas, parce qu'ils m'ont sucé, je les ai déglingués par le cul. Vous êtes vraiment mes deux trous du cul, quand même. Si c'est le cas de dire. Bon. Oh là là. Je cherchais une excuse depuis des années. Même moi, ça m'a choqué. Ah bah non, mais c'est vrai, c'est ce qu'il faut faire. Oh c'est là la là. Réalité. C'est comme un pote qui disait ouais mais non mais je dis mais putain t'as été voir ailleurs, t'as un gosse et tout. Ouais mais je suis désolé mais je peux pas. Je peux pas me faire. C'est quoi? Je peux pas me faire sucer par une meuf qui embrasse mon enfant. Ouais. Ah bon alors d'accord. Ah bah voilà. Non alors ok, alors avec une excuse comme ça, ok, c'est normal. Non je peux pas me faire sucer par la bouche d'une fille qui embrasse mon fils ou ma fille, enfin je sais plus. Mais c'est vraiment une excuse en bois quand même, si je puis me permettre. Mais enfin, soit. Bon, ouais, Cyril. Après, moi, j'ai une anecdote là-dessus. Ce qui est arrivé, un pote à moi, le pauvre, bon, je l'ai jamais dit, hein, parce que s'il le sait, il me tue. Disons qu'il kiffait bien une meuf, en fait, il l'a ramené en soirée. Il trouve que, bon, lui, il était un peu pété, donc du coup, il s'est un peu éloigné de la soirée, il est allé se proposer. Et entre-temps, ben, j'ai fait ce qu'il fallait faire avec la fille. Et elle m'a, on va dire, pépon, et il se trouve qu'après, lui, il est revenu dans la soirée, et il lui a roulé des gros patins, sachant qu'avant, elle m'avait... Elle avait ta bite dans la bouche. Oh voilà, mais quel salopard, mais qu'est-ce qui t'arrive? La grande classe. Mal élevé, va. Ouais, exactement, oui. Bon, juste ma bite. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de passer l'antenne avec vous. Écoute, avec plaisir, en plus, avec un sujet aussi classieux, là, c'est vraiment mis bien. Il y a du monde qui m'écoute dans le sud, à Toulouse, il y a du monde, parce que j'ai le téléphone qui arrête pas de sonner, je pense qu'il y a des c'est vrai amis qui ont du monde. Ah ouais, franchement, là, ça arrête pas depuis tout à l'heure. Bah, c'est surtout celui de la meuf qui t'a sucé, là, qui est en train d'essayer de t'appeler. Là. Tu veux pas donner son nom? Je pense qu'on peut se marrer, effectivement. Non, c'est juste qu'il s'appelle Nicolas, mais c'est tout. Eh ben voilà, comme ça, c'est fait. Tu veux pas qu'on l'appelle, on lui dit la vérité? Je pense qu'il est temps qu'il sache. Là, le pauvre. Non, c'est au travail, sur l'usine, le pauvre. Ah bah oui, le pauvre, ça va lui flinguer sa soirée, ouais. Bon, bah Cyril, bon, merci d'être passé. Eh ben merci à vous, surtout l'équipe. À bientôt. Ah bah t'inquiète pas. Salut, ciao à toi Cyril. On va prendre Sofiane dans un instant qui voulait réagir à Logan par rapport à Chatroulette et les rencontres sur internet en règle générale. Il y aura Mario également dans quelques minutes. On va faire les appels de Tof, les derniers de la journée, là. Enfin les derniers de la nuit plutôt, là, par rapport au McDo et la pipe, puisqu'on est tombé sur une enquête qui disait que un Américain sur deux préférait se faire sucer que de manger un McDo, ou de manger un McDo plutôt que de se faire sucer. Oui, parce que c'était à part égale. Bah c'était à part égale, exactement. Donc on en parle dans quelques minutes sur Fun Radio, et puis on s'écoute comme promis Calvin Harris, Alesso, c'est Under Control, et c'est maintenant sur Fun Radio. I might be anyone. Calvin Harris sur Fun Radio avec Alesso, c'était Under Control. Allez, restez sur Fun Radio, on va se faire les appels de taf maintenant, encore une fois. On va donc appeler comme promis, on avait dit qu'on appellerait pour toujours vérifier si, comme les Américains, les Français ou les Belges, eh bien préféraient se faire manger un McDo plutôt que de se faire pomper de l'art. Exactement. Donc on y va, c'est parti, on appelle le dernier de la soirée maintenant, on y va. Merci à tous ceux qui ont envoyé leur numéro hein, sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Allô. Oui, bonsoir madame. Allô. Oui, bonsoir madame. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je veux savoir si votre mari préfère manger un bon McDo ou plutôt se faire tailler une bonne pipe. Non, mais attendez, ce que vous racontez là, attendez, je vous le passe, mon mari. Oui, ce sera plus simple. Oui, bah. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, voilà, en fait, je voulais savoir si vous préférez manger un bon McDo ou plutôt vous faire tailler une bonne pipe. Eh ben, si tu viens, si je t'encule, comme ça, le compte est fait. Voilà. Mais attendez, monsieur, c'est pas la question que je vous ai posée. Allô ? Ah bah non, il est parti, là. Bah oui, c'est effectivement, il a pris un raccourci. Bah oui, un petit peu quand même. On va le rappeler quand même. Je pense qu'il a mal compris la question. Je pense. Oui, je pense. On le rappelle, c'est parti. 1h35. Allô ? Elle va te faire voir un bestier au con. Oui. Pas du tout, monsieur. Enfin, allô ? Ah non, une arme en partie. Hein, ah bah bon, oui. Hein. Ouais, bon, on va le rappeler encore un coup. Hein. Allons-y. Allez hop, c'est parti. Bon, je crois qu'on était dans le sud, hein, vu la manière dont il a dit con. Mais il décroche plus maintenant. Yeah. Oui, allô, bonsoir monsieur. Yeah, c'est vrai, que guy. Quel gars. Ouais, yeah. Évidemment. Ouais. Et plutôt le matin ou le soir? Oui. Ah oui. Ah quand même. Ah oui. Ah oui. Ah non, là je pense que ah bah là c'était réponse, très clair. Là c'était très clair. On ne peut plus clair. Non là oui. Oui je oui. Pense que grâce à ça nous allons pouvoir vraiment le débat vraiment avancer. Bah, le débat a bien avancé, c'est je te le confirme. En parlant de débat, il y a Alexou qui dit énorme le débat ce soir. Polo et Toff se découvrent des points communs dans leur délire sexuel mort de rire. Et c'est un très beau débat Alexou effectivement. Non, c'est pas un délire sexuel, je suis pas d'accord. Ouais. Non, c'est un art de vivre. Voilà. Voilà. Et Clément qui dit sur chatroulette, il y a que des branleurs dessus. Et John qui dit, moi, mon ex-beau-frère avait les dents toutes vertes, dégueulasses. Ah ouais, c'est sympa ça. Alors, nous, on connaissait quelqu'un, il avait les dents, en fait, tout était blanc. T'as l'impression que c'était une grande dent blanche. Ouais, c'est du tartre. Ouais, du tartre. Mais c'était tout un mur, tout lisse. Et il y en avait un autre qui se prenait pour un beau gosse, en fait, c'était que des ruines. C'était Rome. C'était Rome. Gigi, si tu nous écoutes. C'était Rome. Ouais, c'était le Rome du dentier. Bon, et il y a Mario qui est avec nous là maintenant. Qu'est-ce que tu fais de vous encore à cette heure-ci, Mario ? Ben, je sais pas, moi. Mario ? C'est scandaleux. Quel âge t'as ? 11 ans. Quoi ? Et t'es pas au lit ? Ah non, c'est pas avant que t'aies pris ce matin, 5h. Hein ? Mais comme l'école ? Ça ramène, là. Et tu vas... À quelle heure tu te lèves ? 7h30. Toi, t'es un rebelle, toi, hein ? Ouais, ah, mais je m'en fous, je dors en cours. Ouais. Dans le cours d'allemand, je me rattrape. Ah oui, cours d'allemand, oui, non, mais cours d'allemand, bien sûr. Bon, alors Mario. Oh, ça peut ouais. Servir. Qu'est-ce que tu fous en cours d'allemand alors que t'habites dans le sud ? Encore, tu seras en Alsace, bon. Mais à la Ciotat, qu'est-ce que tu fous avec un cours d'allemand ? Mais ouais, ben, on est prend espagnol. Ouais, bon, comme je suis en CM2, j'ai redoublé, bon. Ah oui. Et du coup, t'as allemand. Ah non, d'accord. Ouais. Ah, c'est une punition, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. C'est... Ah, tu vas étudier maintenant ! Salopin ! Sale gosse ! Saloperie de gamin de merde ! Comment tu dis la Ciotat en allemand ? Je sais pas, moi. Bah, avec l'accent. La bon. Ciotat. Ouais, c'est pas mal. Comment tu dis bonjour ? Je sais pas. A Wiedersehen. Non, c'est au revoir, ça. Au revoir, bah, pardon. Bon, et au revoir, tu dis comment ? Guten Tag. Guten ouais, Tag. Ouais. Guten Tag. Ya. Ya, ça veut dire oui, je crois. Ah, merci, Robert. Ah, il croit, il est pas ah, sûr. Eh, putain, on voit pourtant t'as approfondi, hein. Donc, ya, ça veut dire oui, mais je suis pas sûr. Ah, parce qu'en plus, tu sais, c'est pas comme c'est oui dire oui en plusieurs langues, le ya, hein, mais bon. Ok, c'est pas grave. Bon, Mario, qu'est-ce qui t'amène ? C'est en fait mon oncle tellement qu'il pue. J'arrive pas à manger. Des fois, je gère. J'arrive pas à manger. C'est. Non, mais il habite pas avec toi, ton oncle. Bah, non, c'est juste que en fait, avant il habitait chez ma grand-mère. Ouais. Et quand même peu tous les dimanches j'allais chez ma grand-mère. Ouais. À chaque fois il se mettait tout le temps à côté de moi, j'allais gerber à chaque fois. Ça se fait pas, il t'aime bien. Bah oui, mais enfin ouais. Bon, mais comment il est vieux ? Non, il doit avoir 36, 37. Ah oui, donc, il est très jeune. Il sent quoi ? Quoi ? Il sent quoi ? Ben, je sais pas moi, ça pue, mais. Mais quoi ? Mais je sais pas. Non, c'est... Le poivre. Ça pue la cigarette. Ah, ah oui, il pue la clope. Ah bah ouais, oui, mais ouais. Ça, après, c'est un fumeur, c'est un fumeur. Hein. T'as qu'à lui dire, mais ça, franchement, pour la fumer, encore s'il sentait la tranche, ouais, tout le bordel, c'est un peu délicat. Et quoi? Maintenant, il habite à Monaco. Ah bah, il s'est mis bien, alors. Comme quoi, l'argent n'a pas d'odeur. Hein. Eh oui, ça c'est sûr. Ouais. Très bien. Non, mais parce que sinon, t'aurais dû lui dire qu'il pue la clope. Moi, j'ai aucun scrupule à lui dire ça. Ouh là là. Ouh là là. Ah ben non, mais ça pue. À un moment, faut quand même pas déconner non plus. Hein. Donc voilà, c'est une horreur. C'est vrai. Comme le stagiaire. Oh là là. Oh, le stagiaire. Pue, mais oh ça là pue, là. Oh là là. Je crois que ses parents ne sont pas au courant. Ah ben là, ils sont au courant. Ils sont au courant. Parce qu'ils se droguent en plus aussi. Ils hein. se droguent, ah, les parents. Si jamais ils écoutent. On l'a déjà vu, ouais. Il sniffe des rails là. Non, mais, moi je trouvais ça limite pour son âge. On l'appelle bon, SNCF après, dans les couloirs. Thalys même, carrément, ouais, carrément. Bon mais Mario, merci d'être passé hein. Ouais, merci à vous et je peux gratter un petit pack. Non. Non, non, tu vas d'abord réviser l'allemand et voilà. Après tu On va t'envoyer un dictionnaire allemand. C'est bien, c'est un dictionnaire allemand, non? C'est bien. Je sais même pas si j'en ai chez moi. Bon, alors, ben on va te l'envoyer. D'accord, pour le pack, mais tu donnes l'adresse à Sandro en allemand. Ah ben, je vais bien la noter en comment, plus. Comment est-ce qu'on dit rue? Je sais même pas. Avoir... Mais putain, dans Derek, il y a ça partout. T'as bien vu avec ta grand-mère un jour ou l'autre? Bah ouais. Bah non, trace, hein. Je suis portugais. Et alors, moi aussi je suis portugais, je peux dire je trace quand même. Hein. Bon, alors parle portugais pour voir. Hein. Vai caralho. Je parle portugais. Vai caralho. Parle portugais. Ouais, arrête de me traiter de connard. Oh ouais, comprends, c'est déjà ça de prix. C'est déjà ça de prix. Bon allez, Mario. Comment on dit bonne nuit en portugais? Je sais pas. Non mais t'es pas sérieux Mario hein. Même moi je le sais. Bon attends, comment on dit bonne nuit en français? Je sais pas. Non, alors, ouais, il est complètement con. Alors, je viens de te trouver le Becherel allemand. Je te l'envoie. C'est pour moi, c'est cadeau. Bon, allez, bonne nuit. Très bien. Allez, salut Mario. Il y a Marie, il se barre maintenant. Il y a plein de cul. Bon, allez, on est toujours en direct sur Fun Radio avec le son de Michael Moore. Dans quelques minutes, ce sera White Walls. Toujours Logan qui nous avait appelé par rapport à Chat Roulette. Et Sofiane avec nous maintenant du Puy de Dôme. Salut Sofiane. Salut Fun Radio. Comment ça va? Ça va, vous? Bon oui, appelez-nous encore les filles aussi, on en a eu peu ce soir là. Est-ce que vous faites l'amour dans le noir vous? Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que vous avez vraiment envie de faire ça ou pas? Est-ce que c'est un rituel? Qu'est-ce que vous avez comme rituel? Bah justement, ça tombe bien, il y a une fille à côté de Toft qui voulait en parler. Oui. Ah bah oui. Tu fais dans le noir toi ou pas? Attends, moi du micro. Hop là. Je me rince ma chatte dans une bassine. Alors? Non, pas tout de bon. Ça dépend. Non mais donc c'est pas ça un rituel. Ça dépend de la gueule du mec. Ah non, c'est pas un rituel. Il y a un rituel comme ça ou pas? J'avais un rituel, c'était mon ex qui avait un rituel, c'était que je savais qu'il fallait qu'on le fasse deux fois, après il était content, il pouvait dormir, et le matin il me réveillait et il fallait le refaire. C'était le rituel, c'était comme ça, à chaque fois c'était deux fois, on c'est dormait. C'est pas un rituel, il avait envie de baiser quoi. Ouais, c'est ça, il avait juste envie de te déglinguer, ça n'a aucun rapport. Deux fois, on dormait et le matin. C'est, ah ouais, pouvait pas être une fois et on dormait. Et deux fois le matin, non c'était... Toujours... Non, une fois le matin. Ah ouais. Ah, toujours une fois. Toujours une fois le matin. Ah ouais, c'est particulier. Voilà. Tu as appelé des messieurs avec un en blanc? Non. Pour le consulter, on ne sait jamais. Hein. Écoute, présente-le-moi parce qu'avec un peu de bol, s'il va avec moi chez le psy, on peut avoir la séance gratuite, tu vois. Comme lui, je pense que s'il peut compter pour double séance. Mais si tu veux, je peux te présenter une meuf qui, elle, ce qu'elle devait faire, c'était ranger toutes ses affaires. C'est-à-dire qu'en gros, on arrivait chez elle, la meuf, elle se dessapait, elle rangeait, tu sais, genre c'est son chemisier dans l'armoire. Elle mettait, il fallait que ses chaussures soient rangées, machin. Elle mettait sa petite nuisette, elle se mettait au lit et seulement. Une fois qu'elle était sous la couette, on pouvait baiser. Non, elle te lavait pas le kiki avec un grand toilette. Non, mais ça par contre, j'ai eu une meuf où on pouvait pas baiser si on avait pas pris une douche avant. Mais genre, tu sais, donc on rentrait le soir, on prenait une douche, on baisait, machin. Et le matin, si je voulais remettre une cartouche, il fallait qu'on aille d'abord prendre une douche et puis on pouvait baiser. Oh, c'est fou. Ça. Ouais, c'est marrant ça, tiens. Et ta femme, Polo, là, parce que y a ta cinquième à côté de toi. Ah là. Oui, allez-y, parlez, jeune fille. Oui. Bah non, moi j'ai pas de... J'ai jamais eu... Ah j'en ai rien à foutre moi, hein, peu non, importe non, non. Il fait clair, il fait nuit, j'en ai rien c'est à branler. C'est maman qui me déglingue non, à la du fin. Du moment que je reçois ma cartouche. C'est faux, mais j'ai pas de rituel. Non, mais par contre, ouais, j'avais un ex tous les matins. Un ex. Un ex, le mec qui a fait pof, il a poussé son bouton, next, allez, casse-toi. C'est celui qui changeait tous les matins, celui-là, next. À chaque fois que je dormais avec lui, c'est vrai que le matin, mais tout le temps, il fallait qu'on le fasse, quoi. Ouais, parce qu'en fait, c'est les mecs un peu impuissants parce qu'ils profitent de la gaule du matin. Non, ils profitent de la gaule du matin. Mais c'est même pas une gaule en fait. Mais elle est là. Tu bandes pas. Bah si. Enfin si, mais je veux dire, c'est pas dû à l'excitation, hein, que ce soit, c'est juste parce que je dois pisser. Ouais, mais c'est là, c'est dur. Ils en profitent. Ouais, voilà, parce ça. Que moi, le matin, je peux pas. Hein. C'est-à-dire que même la gaule du matin et tout, je suis tellement dans le gaz que ouais, bah si la meuf elle le fait, qu'elle se fasse plaisir sur la gaule du matin, mais. Qu'elle se fasse plaisir, écoute, je suis là, je te laisse le matériel libre à toi. Non mais oui, c'est un peu comme si t'as une putain de caisse. Prends-la. Allez, fais-toi plaise. J'ai tellement la tête dans le cul que je suis incapable de faire des trucs le matin, quoi. Oh là là. Moi, bah, avant midi, je peux pas baiser, quoi. N'importe quoi. Non, c'est vrai, je te jure, j'y arrive pas. J'arrive pas. Il faut, on aura tout entendu avec ce mec là. Oh là là. Avant midi, genre, il y a une heure. Non, après midi, dis, c'est bon. Non, je dis avant midi parce qu'on se lève tard, mais voilà, il faut le temps que je me réveille, machin, et sinon, j'y arrive pas. C'est. Ouais. Qui prennent parce qu'ils mangent de la merde. Ouais. Sur l'espèce de petit morceau de baguette avec du jambon, avec du beurre, avec du fromage. Trempé dans le café. Trempe dans le café. Ah oui, quelle horreur. Oh. Véridique, il l'a fait. Vomir à tout moment. Tous les mecs du Nord me comprendront. Quelle horreur. Il y a Félicia qui dit Marouane, ça c'est bon le matin. Oh, quelle horreur. Un bon maroilles dans le café. Ouais, c'est ça. Il y a Félicia qui dit putain Polo, tu as un accent portugais absolument sexy. C'est faux. Il n'a pas l'accent portugais, non. Il a l'accent brésilien. Merci. C'est une horreur. John aussi qui dit c'est trop bon, je suis au téléphone avec ma pote, on se tape des barres grâce à vous. Bah tant mieux John. Et Wati aussi qui dit je veux bien un message de bienvenue, est-ce que c'est possible? Bah bien sûr que c'est possible. Suce ma bite. Voilà. Il y a Amada aussi qui dit après le cauchemar qu'on vient de subir avec la photo de Toff, serait-il possible de mettre la même photo avec Sandro pour passer une meilleure nuit? Oh. Ouais, bah après je suis pas sûr, hein, faut voir. Elle va prendre des cours d'abord de pole dance. Ouais, je pense que c'est mieux pour tout le monde. Bon, Sofiane. Oui, ça serait pour vous raconter ce qu'on a fait sur Chatroulette. Ah, et qu'est-ce que tu as fait sur Chatroulette, dis-moi. On parlait avec un pote, mon pote Nabil et Karim. Ouais. Et on a rencontré une meuf. Ouais. Une meuf de Bordeaux et tout, on a fait connaissance, on parlait avec elle et tout. Ouais. Et maintenant, en fait, on sort avec. Mais tous ensemble? Ouais, tous ensemble. Mais comment ça, tous ensemble? Mais dis donc. Vous êtes déséquilibré. Mais complètement. Bah oui, mais bon, maintenant, on sort tous ensemble avec. Mais vous êtes. Comment ça vous sortez? C'est-à-dire c'est garde partagée. C'est chacun son tour. Est-ce que c'est chacun son tour? C'est chacun son tour. Au début c'était mon pote, maintenant moi, maintenant elle. Mais bon, on l'a pas encore vu encore. Mais alors est-ce que vous faites comme. Parce que je vais reprendre l'exemple de voiture, mais pour le coup ça s'y prête. C'est comme aux États-Unis, il y en a qui peuvent pas se payer des grosses voitures. Même ici d'ailleurs aussi ils le font. Donc du coup ils s'achètent des bombes de caisses. Sauf qu'en fait ils sont plusieurs à l'acheter en même temps. Donc du coup il y en a un qui l'a le lundi, l'autre le mardi, l'autre le mercredi, ainsi de suite. Donc c'est un peu le même principe. Allô? Allô? Allô, oui. Ouais, allô. Michael va reposer sa question. C'est le même principe. Oui. Qu'est-ce que je viens de dire? Ah ah! Allô, ouais, j'ai pas entendu. Ah bah voilà. Et il dit oui en plus. Qu'est-ce que je. C'est le même principe? Oui. Qu'est-ce que je viens de dire? Bah non, j'ai pas entendu. Eh bah bravo, Sofiane. Oui. Un coup de pelle, tout ce que tu mérites. Bon. Donc je disais que c'était le même principe. Oui. Voilà, ouais, il confirme deux fois. Par rapport à la voiture et tout. Ah bah voilà, ouais, c'est ça, exactement, oui. C'est ce que je voulais dire. Et donc du coup, c'est quoi? C'est bon, tous les jours. On l'a pas encore vu pour l'instant, on l'a pas encore vu parce qu'elle habite loin, elle habite dans le sud. Attends, vous sortez tous avec elle, mais vous l'avez jamais vue. Et par internet. Mon pote Nabil, Boigal, Vertezan, mon pote Karim. Ouais, non, mais d'accord, mais ça, on s'en fout. Sur iPad, c'est ça, vous avez. Ouais, mais. Non, mais vous sortez pas avec, vous l'avez pas vu. Oui, on l'a pas vu, mais on sort avec, voilà, mais bon. Mais non, vous sortez pas avec, à partir du moment où je ne l'ai pas vu, mais... vous pouvez pas sortir avec. Moi, c'est pareil, hein, je sors avec Kate Moss, hein, j'ai ses photos dans ma chambre. Ouais. Elle habite dans le sud aussi, mais bon. Après, on l'a pas vu encore, mais bon, elle a pas l'air. Oui, donc vous ne sortez pas avec. Ouais, voilà, au pire, voilà, on sort pas avec. Au pire, ouais. Voilà. Bah, au pire, bah, au mieux, enfin ça dépend où on se place évidemment. Bon, bah merci Sofiane d'être passée. Je peux faire une dédicace? Eh bah vas-y, bah, une seule personne, hein, tu connais la règle. Une seule personne, ok, y'a pas de soucis. Bah je fais une dédicace à tous mes potes de Vertezan, Nabil Boigal, Carrie. Ouais, hop là, une seule personne, hein, donc il a pas compris le concept lui. Et il sort avec ses avec. À tous les potes de... Hein, Sofiane, il a toujours pas compris. Hein. Ouais, ouais. C'est bon. Eh bah voilà, très bien, bah parfait, embrasse tout le monde. C'est passé là. Y'aurait pas moyen d'avoir un petit maillot de l'OM? Attends, laisse-moi réfléchir. Ah non. On a un pull tricoté si tu veux. Ouais, ah bah non. Si tu veux, Sandro peut te tricoter un pull avec le logo de l'OM. Un maillot de l'OM. Ouais, bah t'inquiète pas, elle va t'envoyer mais un maillot, mais tu sais, un maillot moule bite pour aller à la piscine. Ah ouais, bah pas de soucis. Avec marqué de Revut. Bon, Sofiane, allez, passe une bonne soirée quand même. Bonne nuit, merci. À bientôt, Sofiane. Ciao à toi, bye bye. Et puis, bah, venez nous dire hein, si vous avez des rituels comme ça. Est-ce qu'il y a des trucs que vous avez envie, quand vous faites l'amour, qu'il faut absolument que ça se passe comme là, 64% des couples qui font l'amour dans le noir. On en parle pour la dernière fois juste après le son de Michael Moore avec White Walls. Ça se passe au 01 42 48 5000 pour nous appeler. 02 851 4x0. N'hésitez pas. Et comme promis, c'est parti, Michael Moore. I wanna just live. Inside my Cadillac. Michael Moore à la l'instant sur Fun Radio, c'était White Walls. Il est 1h52 sur Fun Radio, on est en direct hein. Jusqu'à 2h comme chaque soir. Il y a Romain qui dit moi je suis nordiste. Et le maroual dans le café le matin, c'est quand même bof hein. Donc tu vois, finalement, non, même les nordistes ne comprennent pas. Mais non, c'est de la chicorée. Adeline qui dit les gars parlent de QH24 mais il ne peut pas baiser avant midi. Oui c'est vrai Adeline, bien vu ça. Diline qui dit vous me faites trop rire. Et puis Grégoire aussi qui dit moi aussi je préfère me faire sucer la bite. Bah oui tu m'étonnes par rapport à un McDo, c'est évident. Je m'endors en écoutant Mickaël. Toff, tu me suces? Bah si tu veux. Oh. Et le bœuf ferré qui dit si Toff était une meuf, ce serait une vraie salope. Ah oui, mais ça n'empêche pas d'être maintenant. Et Skin de Charabi qui dit yo l'équipe, vous me faites pisser de rire, je vous aime, gros bisous à vous, je peux avoir un message de bienvenue. Bien sûr que tu peux avoir un message de bienvenue avec plaisir. Père foutre, pauvre connard. Voilà, je t'en mets une toute doublette. Va te faire enculer, gros connard. Voilà, comme ça au moins on est tranquille là. Qu'est-ce que j'ai à dire? Oui, on va prendre Fanny avec nous maintenant là de Verdun. Salut Fanny. Salut. Comment ça va Fanny? Ah ben, ça va bien. Eh ben j'ai envie de te dire tant mieux. Fanny, tu nous appelles pourquoi? Ah bah moi c'est pour les rencontres internet. Ah dis-nous, explique-nous. Parce qu'on avait démarré avec Logan tout à l'heure par rapport au chatroulette. T'as rencontré quelqu'un toi? Ah ouais mais non, j'ai fait pas mal de rencontres et de tout bord en fait. Au début ça se passe super bien, enfin au début au téléphone. Est-ce que t'as un quitte-main libre là actuellement? Non mais je suis en voiture. Ah ouais d'accord, ok très bien. Donc t'as pas de quitte-main libre? Non je l'ai pas mis, je l'ai mis en off. Eh ben bravo. Oh le piège. C'est ça. Non bah laisse-le en off mais arrête-toi par contre hein, si jamais c'est pas le cas. Bon et donc du coup qu'est-ce que t'as fait comme rencontre, explique-nous Fanny. Alors moi j'ai fait rencontre, enfin j'en ai fait plein hein, mais la celle qui m'a marqué le plus c'était leur mec. Voilà, au téléphone ça se passe bien, les photos bah, ça va à peu près, franchement super bien. Et la rencontre, donc là il arrive avec une veste en cuir des années 50 avec l'odeur qu'elle avait. Donc là c'est vraiment rédhibitoire, enfin le truc vraiment dégueulasse, enfin, mais qu'il a été la chercher et ensuite donc, je lui dis que bah, ça ira pas plus loin qu'un verre et donc là en fait il commence à dire ouais mais on pourrait essayer moi tu me plais bien oui mais ah oui bah tu m'étonnes sans déconner tu es bonne oui donc j'imaginais même pas l'intérieur quoi enfin, c'est vraiment une odeur vraiment de fou sympathique belle rencontre hein. ouais belle rencontre et quoi d'autre Quoi d'autre, une rencontre pareille. Donc en fait, on s'était rejoint donc, devant un bar, et en fait, il arrive avec un nez, mais c'était une péninsule, quoi. Il pouvait fumer. T'es sorti avec Toff. Quoi? C'est ça le blouson de cuir qui pue, le nez, la péninsule. J'aime bien son rire. Mais non, mais c'est pas possible. Hein. Je lui ai dit, écoute, je pense pas que. Je peux pas sortir avec un mec qui a deux bites, une en haut, une en bas, c'est pas possible. Off, quoi. Mais non, enfin vraiment des rencontres où ouais ça se passe bien dès le départ et puis ensuite tu rencontres qui bégayent. Oui bah écoute après il est pas rien. Mais tu sais qu'il y a des gens qui bégayent mais pas tout le temps. Ouais mais ça c'est parce que tu l'intimidais. Bah oui tu le stressais. T'as peut-être étalé ta beauté comme ça là et tu lui as jeté à la gueule et le mec il l'a mal vécu. Voilà, il était complètement perturbé. Il s'est dit non, je suis pas digne d'une fille aussi bonne. Ça m'arrive souvent. Ouais, c'était pas possible quoi, donc non. Bah oui, bon. Et une rencontre avec Toff, ça t'intéresserait ou pas? Bah je sais pas, je sais même pas. Bah écoute, Fanny, combien mesures-tu? Non mais c'est mieux pour toi, hein, c'est... Fanny, combien mesures-tu? 1m60. Combien pèses-tu? Ah oh bah ça, non mais c'est pas de la vie publique, hein. T'as pas une femme. Non, promis, ça reste entre nous, combien tu pèses? Je pèse dans les 65 kilos. Combien? 65 kilos. D'accord, quel est ton tour de poitrine? Bah non mais 95 c'est... D'accord, et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Comment? La taille du dernier pantalon que tu as acheté? Un 38. Oui, je peux venir te baiser ce soir, je viens dans le Verdun avec l'autolib, il n'y a pas de problème. Ça fait loin, Verdun. Je mettrai plusieurs batteries dans le coffre, tout ira bien. je mettrai une autre autolib sur le toit pour leur tour. Il est capable de le faire en plus. Ouais, c'est clair. Non, bah écoute, tu sais, en même temps, Fanny, je pense qu'il vaut mieux rester dans l'imagination. C'est ce que je dis toujours, hein. Vous savez, il y en a qui vont me dire, ouais, mais c'est mieux avec les vidéos. Je mets pas la vidéo en live dans le studio parce qu'il vaut mieux rester sur l'imagination. Ouais, c'est mieux. C'est vrai. Il vaut mieux rester sur une voix. Ouais. Il y en a plein qui n'ont jamais vu ma tête, qui n'ont jamais vu la tête de Toff, etc. Et donc qui restent à l'imagination de la voix. C'est mieux, non? Ouais, c'est mieux. Ah, c'est vrai. Non, franchement, c'est mieux pour le coup, vraiment. Et donc, très bien. Attends, Fanny, reste avec nous. Il y a aussi Virginie qui est avec nous. Salut, Virginie. Salut. Comment ça va? Oh, Virginie! La vraie. Oh, va te faire enculer, gros bâtard. Oh non. Non, tu dis pas ça, Virginie. Hein. Ah non, mais c'est. Je Je disais ça, c'était une mauvaise période. Ah, t'étais une mauvaise période. Va te faire enculer, gros bâtard. À qui vous voulez, mais pas à moi. Non, bah bien sûr, évidemment, évidemment, évidemment. C'est énorme. Bah, comment va Virginie du Nord, alors? Pardon? Comment va Virginie du Nord? Ça va mieux, largement mieux, oui. Et comment va ta copine? Quelle copine, ma pire Amandine, ouais. Ludivine. Ah, Ludivine. S'il vous plaît, pardonnez-moi ce prénom. Ah bon? Perrine? C'est Perrine, comment elle s'appelait encore, on a oublié. Justine? Argentine. Argentine. Amandine, ah bah voilà, c'est ça. Donc ça va mal alors ou ça va bien? Elle est rayée de ma liste d'amis, cette femme. Ah, elle est réglée. Bon, d'accord, ok, très bien. Bah, écoute, on n'en parlera pas tout de suite alors, il n'y a pas de problème. Bon, alors comment va le Nord? Ça caille ici dedans. Non. Ah ouais, c'est là, allô. Non. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ça caille ici dedans. Il pleut comme vache qui pisse, oui, mais t'inquiète pas ici aussi, hein, je te le rassure. Bon, alors qu'est-ce qui t'arrive, Virginie? Bah, j'aurais souhaité savoir si vous aviez reçu la carte que je vous ai envoyée là, pour la nouvelle année. Certainement, Sandro. Je sais pas. Sandro, oui, s'occupe, oui, du courrier. On l'a reçu, oui. Ah bon? Ah bah c'est cool. Ah. Bah, non, bah, non, franchement. Ça nous a fait très plaisir. Elle était bien, mais tu l'avais envoyé vers les fêtes. Pour la nouvelle année. Oui, oui, c'est ça, vers les fêtes. Ouais, très bien. Non, bah alors c'est bon. Alors pas de problème. Mais merci, Virginie, parce que le stagiaire va la décrire. Oui. Oui, c'est le stagiaire qui a récupéré le courrier ce jour-là. Ce salopard. Il y avait de la couleur déjà, c'est beaucoup de couleurs, très belle écriture aussi. Mais par rapport au temps et par rapport à l'hiver, c'est bien de pas mettre des cartes postales grises, quoi. Allô? Oui, on s'écoute. Ah bon, d'accord. Donc non, c'est bien, c'est bon esprit. Hein. Est-ce que t'as reçu la nôtre? Mais bien sûr. Ah, ça c'est cool. C'est ça qui est bien dans le monde virtuel. Hein. Ouais. Oui, bien sûr, le virtuel, c'est clair. Ben voilà, c'est ça. Écoute, si tu veux, je t'envoie Toff également. Il te fera un truc virtuel. Sans façon. Non, merci. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, tu sais, Virginie. T'es un athlète. Virginie. Oui. Ça reste entre nous, mais apparemment, il kiffe. Ouais. Et il m'a dit ça reste entre nous aussi. Il m'a dit qu'il voudrait faire un anulingus. Ouais. Ouais. Il adore, il écoute en boucle va te faire enculer gros bâtard. Exact. Va te faire enculer gros bâtard. Ça l'excite. À chaque fois il a la gueule quand on met ça. Au début j'ai cru que c'était Amandine, mais en fait c'est toi que je kiffe. Voilà. Est-ce que tu crois qu'il peut venir te brouter le minou ce soir? Mais t'en vas pas la tête, ouais. Je préférerais lui lécher l'arrêt. Parce qu'en fait c'est cette voix, cet accent qui l'excite. Ah ouais. Tu veux pas que je te mette un doigt? Mais non, mais ça va pas bien. Ah, il y a des spécialistes à les consulter, hein. Hey, dis-lui, va te faire enculer, gros bâtard. Virginie, Justin. Non, c'était une mauvaise période. Mais oui, non, mais c'est pas grave, mais Toff il veut juste venir un soir, il te met une cartouche et il s'en va. Non, juste un doigt. Ouais. Mais ça va pas bien, non. Allez, Virginie, c'est quoi un doigt? C'est ça, c'est rien, tu le sentiras pas. Hop, et gars, il arrive chez toi, il sonne, il te met un doigt, il s'en va. Voilà. Hop, ni vu ni connu, je te dois. Et si tu veux, t'allumes même pas la lumière, on fait ça dans le noir. Regarde, on imagine le truc, là. Hop, quelqu'un sonne à ta porte. On fait pas l'autolib avant? Ah ouais, mais t'es relou, là. Ah pardon, non, mais moi, je suis quelqu'un. Non, vas-y, on prend le scooter. Je suis quelqu'un de... Tu veux le scooter ou l'autolib? Non, le scooter, c'est tout. Bon, alors scooter. T'as déjà vu le scooter de Toff? C'est plus facile à recharger. J'ai pas envie de le voir, j'ai même pas envie de voir Toff, voilà, en bas. Bah, enfin, mais attends, il va venir exprès pour toi, t'es sérieuse, là? Sérieusement, ouais. Attends, regarde, il prend le scooter. Mais... Hop, il arrive. Avec le klaxon. Exactement, il arrive, hop. Il sonne. Ok? Bon, t'ouvres pas. Il tape un peu plus à la porte, il ressonne, voilà. Et là, t'arrives à la porte, décidé, évidemment, tu dis qui c'est? Bon, bah, dis qui c'est? Non, bah non. Dis qui c'est? Bah non. Qui c'est? Virginie! Il était bien toi, hein. Vas-y, ouvre! Qui c'est? C'est Toff! Ah pardon, la porte est pas ouverte. Moi, la porte s'ouvre, on est dans le nord, c'est lourd. C'est Toff! Voilà. Regarde ce que je t'ai apporté. Un gros doigt. Vas-y. N'importe quoi, ouais. Allez, Toff. Bah Virginie. Bah je suis au bout du fil, ouais. Non mais non, mais non, t'es au bout t'es du fil. T'es au bout du couloir, pas au bout du fil. Au bout de la vie, oui. Oh que oui. Et donc là, qu'est-ce que tu fais? Tu t'allonges. Juste une chose à ce que je dois vous dire. Oui. Attends, mais la porte est ouverte, la porte est ouverte. Ouais, ben je m'en fous. Bon, allez, Virginie. Oh là là, c'est parti. Allez, je rentre. Il va rentrer à la maison. Ah oui. Il prend ses jambes à son cou. Et il arrive. Voilà. Il est là. Bon. Ça va, Virginie? Très bien. Ah bon, bah tant mieux. Bon, bah merci de passer, Virginie. Hein. Et juste une question. Comment ça se fait que j'ai pas reçu mon pacte? Ton pacte? Mon pacte, pardon. Ouais, parce qu'on demande ça au diable, pas à nous. On avait fait un pacte, mais comme tu veux pas le doigt, on peut pas signer. Non, le pacte. L'année dernière, j'aurais dû recevoir un pack fun. C'est pas vrai. Quel enculé, bah, c'est facteur de merde quand même. Eh ben écoute, il faut toujours qu'ils veulent les pactes. On va t'envoyer un pacte et en plus on te mettra un petit cadeau surprise. Voilà. Offert par passagedudésir.fr. Exact. Tu veux pas de mon doigt, ben celui-là tu l'auras quand même. Celui-là tu vas le kiffer, tu vas voir. Et toi tu veux pas le mien, le doigt, le majeur par exemple? Bah ça dépend si tu peux me l'insérer, moi je suis d'accord. Il faut que je vienne chez toi, quoi. Je te l'insère pas, je te fais fuck. Bon, j'ai une chanson pour toi. Tu veux me faire suck? Tu veux me sucer la bite? Bah oui. Non mais ça va pas bien, non. Bah dis. Va te faire enculer, gros bâtard. Bon, on se quitte avec une petite chanson pour toi, Virginie. D'accord? Allez-y. Bon, c'est exprès pour toi que je te la mets, hein. D'accord? Allez-y. Oh là là, les vols du jou, là. Oh là là. J'ai du poil au cul, du poil au cul, du poil aux fesses. J'ai du poil au cul, du poil au cul, du poil aux fesses. J'ai du poil au cul, du poil au cul, du poil aux fesses. J'ai du poil au cul, du poil au cul, du poil aux fesses. Le trou du cul tout déchiré. Tout décousu. On dirait la voix de JB. Ah, il a sorti un 45 tours. Voilà. J'ai du poil au cul, du poil au cul, du poil aux fesses. Voilà. J'ai du poil au cul, du poil au cul, du poil aux fesses. J'ai du poil au cul, du poil au cul, du poil aux fesses. J'ai du poil au cul, du poil au cul, du poil aux fesses. J'ai du poil au cul, du poil au cul, du poil aux fesses. Je sais que tu meurs d'envie, Sandra. Allez. J'ai du poil au cul. Mais Sandra, le premier celle-là. C'est la grosse bite à Dudu. Je la prends, je la suce, elle m'encule. Ah les amis, vous dire ce que c'est bon quand il la carre dans l'oignon. Une bite ordinaire. Allez. Quand il me la fout dans le derrière, je me sens soudain toute remplie du cul jusqu'au nombril à du Elle chante bien cette dame. Voilà, bah oui, elle chante pas mal. C'est bon. Très charmant. Eh ben gros bisous, Virginie. Bon, on va chanter ça avec Jean-Pierre. Ça marche. Salut Virginie. C'est possible de pas la Sandra. Avec plaisir. En plus, elle est jusqu'à 3h, donc tu peux être tranquille avec elle au standard. C'est possible de parler à Sandra ou à Sandro. Oh, bah, bon, tu préfères schizophrène, les gars. Bon, tu préfères Sandro ou Sandra? Tu préfères Sandro ou Sandra? Va te faire enculer, gros bâtard. D'accord. Bon, écoute, alors bon, c'est clair. On fait la chatte roulette, alors tu fais, si t'es pas content de la personne que t'as, tu fais next, d'accord? Ah, Fanny. Ouais. Bon, maman, faut coucher la petite, hein. Mais ça y est, c'est bon. Ah, ça y est, c'est bon, très bien. Dis donc, à 2h du matin, hein. Ça bon, non, ça marche. Non, elle était couchée, mais elle s'est réveillée, puis au final, on a été, une petite histoire, en vrai. Dieu, très bien, bah elle a chié, quoi, en fait, c'est ça. Non, c'est en voiture. Ah d'accord, ok, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, bon, normal, à 2h. Tu te fais des gros bisous. Ok, bah si, bah pareillement, et puis bah bonne continuation. Merci beaucoup, gros bisous, je t'embrasse. Et puis pour terminer, avant de faire le top tweetos, il y a Stéphane avec nous maintenant de Bourges. Salut Stéphane. Bonjour tout le monde. Bonjour, comment ça va? Ah bah ça va bien. Bon. Mais oui, attends, il y a Charlie qui dit mort de rire, c'est un camionneur la meuf. Mais pas du tout, enfin non. Voyons, vous êtes méchant. Logan qui dit pété de rire, la voix de Virginie va te faire enculer, gros bâtard. Oui, c'était elle, hein. Putain, je pleure, dites qu'elle leur dit va te faire enculer gros bâtard, mais elle veut pas, c'est dommage. C'était une autre époque. Mais ouais, et Paul PC28 qui dit sûrement la seule radio à avoir une barre de pool dance, bien sûr, tout à fait. Ah oui, ça c'est sûr. Et Stéphanie qui dit oh Virginie, putain, trop contente de l'entendre, je l'adore. Et Logan aussi, pété de rire, la voix de Virginie, va te faire enculer gros bâtard. Va te faire enculer gros bâtard. Et ben voilà, dans l'absolu, il a pas trop changé hein, au final. Bon alors, qu'est-ce qui t'arrive, Steph? Ah bah je voulais réagir par rapport au jeune là, qui disait qu'avec sa copine c'était uniquement dans le noir. Oui, tout à fait. Est-ce que éventuellement il a testé de lui proposer, je sais pas, moi avec ma copine c'est comme ça que l'on fait. On commence par la petite douche, le petit frottage de dos, après bah, dans la chambre, bah, c'est le petit massage, puis bah petit à petit, bah, on vient au préliminaire. Généralement la copine, bah, la lumière à la zappe, hein. J'ai pas compris. Non, j'ai pas compris le rapport avec la lumière. Bah, généralement, quand tu fais un massage dans un lit, tu mets de la lumière, genre, habituellement. Ouais. Pour voir te couper. Bon, bah, ouais, enfin, tu fais un massage, t'es pas en train de... T'es pas sur une carte routière, quoi, t'es pas dans le détail. Bah oui, mais bon, moi, c'est comme ça que je fais avec ma copine. Comme je veux ça, dire, les épaules, tu sais où elles sont. Il y a un moment, si tu lui dis que t'es sur ses fesses, et que... Oh, pardon, je pensais que c'était ses épaules. Genre, c'est que, bon, moment, bon, tu vois, tu te fous un peu de sa gueule, quoi. Non, bah non, moi, c'est comme ça que j'ai fait. C'est comme ça que j'ai réussi à la mettre à l'aise. D'accord. Bah, c'est une idée, pourquoi pas. Bah, là, l'auditeur est plus là, malheureusement, mais pourquoi pas, après, hein. C'est... Faut tester, quoi. Bah, moi, bon, ma copine, bon, elle a quand même 9 ans de plus que moi, et puis, bon, voilà, j'ai réussi à la mettre... Ah oui, donc elle est presque décédée, Stéphane. Oh, ça va, on rigole. On rigole, Stéphane. Si on peut plus rire 5 minutes. Bon, par contre, elle est périmée quand même. Mais bon, c'est vrai que les femmes de cet âge ont ça, pas mal de complexes. Mais bon, suffit de savoir les aborder et puis leur enlever tranquillement. Oui, bah voilà, il faut enlever des complexes. Voilà. Exactement. Et donc, toi, t'as réussi alors? Bah, j'ai réussi en faisant comme ça. Bon, et ben écoute, très bien. Bah, c'est une idée. Si l'auditeur qui avait ce problème nous écoute encore, il peut essayer. En même temps, il a rien à perdre. Hein, pourquoi pas? Bah, exactement. Il hein, a rien à bien. Perdre. Hein, et tout à gagner. Et oui, complètement. Et ben merci d'être passé, dis-moi, Stéphane. Mais puis, je suis dans les Vosges. Hein. Eh ben, tant mieux. Hein, hein. Eh ben, très bien. Ah, bah, tu reviens quand tu veux, alors, Steph. D'accord. Bah, je vous écoute toutes les nuits, alors, parce que c'est le cool. Travail, donc... Parfait. Ben, merci à toi et bon courage pour le taf. Merci bien. À bientôt. Allez, ciao. À bientôt, ciao. Allez, bye. Bon, et puis on va se faire le top tweetos maintenant. Quel sera le gagnant de ce magnifique sextoy offert par passagedudésir.fr? Et j'avais dit que c'était qui gagnait ce soir? Je crois que tu l'as pas dit. Non. Non, décidément, à chaque fois j'oublie. Eh ben donc ce sera le numéro 1. Quand je le dis, c'est le numéro 1 qui gagne. Sauf si le numéro 1 a déjà gagné, à ce moment-là, c'est le numéro 2, numéro 3 et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on arrive à JB? Bon, alors, quel est le numéro 5? Paul PC28. Le numéro 4. Cédric. Le numéro 3. Alexu. Le numéro 2. Adeline. Le numéro 1. Félicia. Félicia qui a déjà gagné. Oui, donc ce sera Adeline. Eh ben ce sera Adeline numéro 2, nouvelle, donc très bien. Qui repart avec le sextoy offert par passagedudésir.fr. Voilà, impeccable. C'est lequel qu'elle gagne, on sait pas? En ce moment, je sais pas, parce que c'est les fonds de stock, donc... Le mec il s'est pris pour un vendeur. Non, c'est les faussés. Ah là, c'est la. C'est non, la... mais on liquide les derniers avant de recevoir les nouveaux. Ah, ouais, c'est les soldes. Hein. Bah, tout doit partir. Liquidation totale avant rénovation. C'est la collection automne-hiver. Hein. Ah bah bien sûr. Après, on va plus se faire chier. Hein. On va aller dans l'été là. Ah bah oui. Ah oui, hein. Ça va être une autre collection. Ça pareil. Va être la collection fluo. Voilà. Tu vois, tranquille, cool quoi. Bon bah très bien. Bah bravo en tout cas à toi. Merci d'avoir été aussi nombreux à tweeter d'ailleurs. Hein. Encore une fois en top tweet depuis toute la soirée. Et puis bah sur le Facebook également, facebook.com/mikl officiel. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Et puis on va se faire le générique de fin. Ouais. Allez, générique de fin, on y va. C'est parti. 3, 2, 1, c'est parti. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, te sucer, toi l'enculé. T'es un enculeur, t'encules ton oncle. T'encules comme toi. Ferme ta gueule de merde. Toi le JB. Ton oncle, t'es un enculé. Dormir, manger, ta journée. Qu'est-ce qui se passe ici? T'as des couilles au cul, viens taper chez moi maintenant. Il met plus sur ton nez. Connard, va te faire foutre. Va te faire enculer, gros bâtard. Va te faire enculer, gros connard. Tu vas un petit peu te faire enculer. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous êtes déséquilibré. Quel cochon. Que veux-tu? Ils sont canadiens. Tu se m'habites. Toi l'enculé. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des pitofs, te sucer, enculé. Et toi ton oncle c'est l'enculé. Oui, oui, tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Suce ma bite. Eh ben voilà, merci à toi Lilou, comme d'habitude, avec ce petit suce ma bite sorti pas du tout de son contexte. Non. Parce qu'on n'est pas comme ça, nous. Non. On n'est pas comme ça. On se retrouve demain à partir de 23h pour la dernière de la semaine. Demain, ce sera également la journée, enfin la soirée en l'occurrence, où on fera le canular avec des Nintendo Wii U également et le jeu Mario à gagner. Si vous avez envie de piéger quelqu'un, eh bien n'hésitez pas, évidemment, vous nous appelez. Alors maintenant, parce que là, c'est fermé, la boutique est fermée, mais vous pouvez me faire un mail, hein. mickaël@funradio.fr. N'hésitez pas, bien entendu. On joue demain à partir de 23h sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde. Tous les soirs, 23h, 2h. Mickaël, Mickaël, nos limites. Sur Fun Radio. Fun Radio. Et c'est notre ami JB qui est avec nous là en pleine forme. Attendez, il y a Polo qui est en train de se bouffer. Qu'est-ce qui lui arrive Oh rien, je m'avoue. Non, rien, moi, ma mouche. Très bien, bon bah s'il se mouche alors très bien. T'es beau gosse même quand tu te mouches, Polo. Oh. Je crois qu'il se passe un truc. Mais tu sens cet amour entre les deux là ou pas? Sois pas jalouse, toi. Si, un peu quand même. C'est ça. Tu m'as promis des choses et je les ai toujours pas eues. Bon, j'y vais la blague. Ah oui, tu nous as promis une blague. Mais non, mais les gars, il faut que ça vienne comme ça parce qu'elle est écrite quand même. Que ça vienne comme ça alors. J'ai écrit sous ma douche cette nuit. Ouais, donc c'est pour ça qu'elle va être un peu pourrie. C'est quoi, il arrive pas à la relire? Tu l'as mis dans le cul de toffe et ça l'a mordu ou non? C'est quoi, d'aller chez la fistinière, ça va. Mais il est horrible ton pansement. Non mais je me suis coupé, mais gars, on voit rien, c'est juste psychologique en fait. Tu sais, on dirait les pauvres, il a pris un morceau de coton et il a mis du sparadrap autour. Mais c'est ça. Polo. Quoi? Ne te lâche pas. Bon, la blague. On n'est pas en couple, JB, arrête de croire. Bon, la blague. Bon, Toff a fait de la pole dance. Moi je fais de la Nicolas dance. Mais c'est une vanne polyvalente, c'est-à-dire qu'on peut mettre tous les prénoms devant. Ah oui, pole dance. Oh putain. Oh là là. Il a inventé la vanne polyvalente. Là, voilà. C'est la multifonction. C'est-à-dire, tu vois, Sandro, la Sandro dance. Allez, bim. Le Toff, de ouf. Hein. La Toff dance, voilà. De mieux en mieux. Essaye avec moi pour voir. La Mickaël dance. Et content. On n'est pas censé y aller là? Ici on va y aller là. Il est mignon moi je trouve. Mais avant je vais tuer. Avant je vais tuer sa tranche. J'ai du poil au cul, du poil au cul, du poil aux fesses. J'ai du poil au cul, du poil au cul, du poil aux fesses. J'ai du poil au cul, du poil au cul, du poil aux fesses. J'ai du poil au cul, du poil au cul, du poil aux fesses. C'est vrai. Le trou du cul nous déchiré. Nouvelle bombe. Tous les cousus. Exclusivité. Découverte. C'est quoi le chanteur? On va le faire mieux, on va le faire mieux. My favorite radio station. Fun Radio. Le son dance floor. Je la prends, je la suce, elle m'encule. Ah les amis, vous dire ce que c'est bon. Allez, viens, Polo. Quand il la carre dans l'oignon. C'est pas une bite ordinaire. Quand il me la fout dans le derrière, je me sens soudain tout rempli, du cul jusqu'au nombril à dudule. Nouvelle bombe, new music, découverte Fun Radio. La digue des filles, venant à Montaigu, la digue, la digue, venant à Montaigu, la digue, la digue, la digue du cul, je rencontre une belle. La digue des filles, je rencontre une belle, qui dormait le cul du la digue, la digue, qui dormait le cul du la digue du cul. La digue du cul, je bande mon arbalète. La digue du cul, je bande mon arbalète. Et lui fout droit dans le cul, la digue, la digue. Et lui fout droit dans le cul, la digue, la digue. L'euro 30, non? Oui, oui, pas du tout. C'est ça, ouais. Lucas Pedro, qui c'est? Jérôme, ce moment vous a été offert par Mickaël et non JB, évidemment. Oui, tout à fait, bien sûr, mais j'ai pas de problème avec ça. En revanche, on met un morceau rock, ça sera offert par toi. Non, JB disait que tu mettais pas cette Nirvana pour faire le changement. Je suis assez d'accord, je suis assez d'accord. Mais quoi? Bon, on peut mettre du son dance floor parce que là j'en ai plein les oreilles. Mais c'est Nirvana, c'est du son dance floor. Exactement, c'est un endroit, exactement, tout est exactement. C'est un morceau que tu mets sur une piste de danse et les gens bougent. C'est du son dance floor. Bah oui. Là, il y a la rythmique, il y a tout. Il y a la rythmique, il y a le rhythm. Tu vois, the rhythm et t'as le rhythm et tu bouges ton boule et tout ça quoi. Et le beat. Ah, le beat. Et le beat. Exactement, exactement. Voilà. Bon, il va y aller JB là. Bah, qu'est-ce qu'on met? Qu'est-ce que tu veux qu'on mette? Hein, et puis qu'est-ce qui arrive tout à l'heure là, dans moins de 4 heures? Ah bah y a... La France. La France. Alors je vous l'annonce aussi, excellente vanne à 6h. Non mais à chaque fois que t'annonces ça, il y a de la merde. Non, donc, là. Non parce que enfin la vanne que tu nous as faite là, elle était dégueulasse. Hein. Non mais ça, c'est une des pires quoi. Ah ouais, ouais. Avec vous, c'est de la vanne Lidl. Ah ouais, là, c'est de... là les gars, les annonceurs qui viennent d'appeler dans le bureau de Jérôme. Hein, qui... Non, à 5h59. C'est de la vanne 5 étoiles. Il a la respiration qui s'accélère, ouais. Je sais pas si vous avez entendu. Alors, on va écouter, si c'est pas ça, Toff te roule un patin. Ah si. Non, écoutez-moi. Ah si. Vous pouvez pas juger. Arrêtez, vous pouvez pas juger. C'est si je la fais, si je la fais pas, je l'embrasse. Si je la fais, peu importe qu'elle soit bonne, enfin vous jugez bonne ou mauvaise. Si on juge. Ouais, non, vous jugez pas. On juge. Jugera. La France jugera, on d'accord. On lancera un hashtag, mais c'est que nous, ils vont mettre oui. Ah bah bien sûr, évidemment. Ouais. Bon, on va y aller parce qu'il y en a qui travaillent. Ouais, hein. Ouais, bah moi aussi je travaille. Allez, hop. Ah bon, on met quoi? Bah on met ce que tu veux, Rage Against the Machine, Nirvana. Ouais, Shotech. Offspring. Vas-y, mets Shotech. ACDC. Très mets Shotech. D'accord, ah bah on envoie directement Rage Against the Machine. Allez. Ah. Bon, ils sont malades là maintenant, mais ils vont prendre des cachetons. Ouais. Allez, c'est du beat, ça. Ils dansent. Shotech, c'est chaud, c'est de la tech, c'est Shotech. Aïe. Eh oui. Oh là là, JB. Cannonball. Bisous. Quelle horreur. Bisous.